Bonjour. Je suis le frère jumeau de Douala au Cameroun. À qui ai-je l'honneur ce matin encore? D'accord. Tu mets la transmission. Ça va? Je vais très bien. Hein? Je vais très bien. Et toi-même? Je suis fatiguée. Pourquoi? Apparemment, tu t'es seulement sorti de ton lit rapidement là, comme ça. Pourquoi la vie n'est pas plus simple? Malheureusement, j'ai essayé ce matin sur mon PC. Oui. J'ai supprimé le. Tu m'entends? C'est succès. Parce que j'ai. Ah, regarde-moi ça. J'avais mis le volume tout bas parce que j'écoutais. Bon, ça y est, je l'ai mis à fond. J'avais mis le. C'est dommage parce que j'ai supprimé, malencontreusement, on va supprimer le Skype sur mon PC, sur mon laptop. Oui. Et comme c'est une ancienne version, en fait, chaque fois, il proposait de, De mettre ça si à je jour. veux updater, je En veux fait. updater une nouvelle version, une nouvelle version. À chaque fois, il faut se couder, il ne faut pas le faire. Et une fois, je ne sais pas ce qu'il a fait, j'ai appuyé. Et j'ai dit oui, maintenant la nouvelle version n'est pas compatible avec Avec le système d'exploitation. le système d'exploitation de De PC. mon laptop. Ces gens-là, c'est comme ça qu'ils nous ont. Comme ça, c'est comme le téléphone. Et après, t'es obligé soit d'acheter un nouvel ordinateur, soit de. Bon, voilà quoi. Et sinon, bon, c'est pour ça que je marche avec le téléphone, portable. Bon, je Et comprends. Voilà, tu as mis ton portable fixé, non, tu as fixé ton portable. oui, je l'ai posé. Voilà, Et donc toi? là, comme là, là, le son est clair et droit. Tu as une Bible? Tu le vois, non? Tu as une Bible? Oui, Oui. Oui, j'ai le livre, j'ai. Pas les bibles comme le C'est en français, ça, hein? Oui, c'est en français, c'est la Bible et j'ai aussi une qui est un peu plus grosse, qui est la Bible de Jérusalem. Je sais pas si tu la vois. Bible de Jérusalem. Parce que je me parfois c'est pas ce n'est pas pareil. Mais celle-ci, je l'ai depuis que j'ai 17 ans comme ça. Il y a Ou ça, elle est petite, pas. c'est la totalité de la Bible ou c'est le Nouveau Testament seulement? Non, non, c'est la totalité. C'est la Bible, la totalité. Il y a l'ancien et le nouveau. Ok. Donc, Je suis à ton service. c'est bien. Et moi-même, depuis là, je commence à rêver, mais de rêver un peu clair, de rêver clair, enfin pas un peu, un peu. De rêver clair comme avant. Voir même un peu mieux. Et bon, malheureusement, je suis toujours obligée de mettre les écouteurs. J'écoute les prières ou la musique. Pas la musique, bon oui, j'ai les chants grégoriens ou les louanges, voilà. Soit c'est les louanges, ça m'endort. En fait, quelque chose de bien pour ma tête, pour ne pas que ma tête puisse être occupée. Et malheureusement, c'est pour ça aussi que je suis fatiguée, vraiment. Et dès que je l'enlève, donc ce matin vers 6 heures là, 6 heures, j'ai fatigué. Bon, ça s'est arrêté parce que le loin s'est arrêté. Bon, et après, j'ai laissé, j'ai dit, bon, il fait même jour et tout, ça fait. Et là, j'ai réveillé, j'ai mangé. Donc, du coup, ça me. Ne t'inquiète pas, tu ne dois plus dormir avec cela, d'accord? À compter d'aujourd'hui, comme toi et moi on a de parler, tu ne dois plus dormir avec cela. Je suis amen, hein? Vraiment. Tu ne dois plus dormir avec, tu dois dormir comme tout le monde dort, parce que tu ne peux pas occuper ton cerveau comme ça alors que tu en as de dormir avec les intempéries, avec les quoi, le champ électromagnétique constamment dans l'oreille, c'est pas facile, c'est pas bon. Je te dis, je sais, si bien que même mes oreilles, parfois j'ai mal, et puis, mais c'est vrai que toujours, ce n'est pas facile, c'est pas facile. Donc, du coup, ça me perturbe mes journées, ça me, c'est fatigant, je suis fatiguée. Moment, je suis un peu désespérée là, c'est fatigant. T'inquiète pas, ça va aller. Et de sentir quelque chose sur toi et dans l'œil et tout ça, et être seul à sentir ça, c'est vraiment. C'est pas évident, en fait. Voilà quoi. Alors, on fait comment? Bon, on va commencer. Rebonjour. Ou bien bonjour, bonjour ma soeur. Bonjour, mon frère Junior. Bien dormi. Ah, c'est un peu. Je suis à Pas ton tout service. Je suis à ton service. Moi, je dis la vérité. Bon, je souhaite. En fait, je porte mon témoignage, mais je ne sais pas, mais c'est un peu non, hein. Ça m'en. Alors, Y a je pas ne de sais pas. problème. Il n'y a pas de problème. S'il faut qu'on aille partir après partie, il n'y a pas de problème. S'il faut comprendre, je suis à ton service. Oui, mais ça. Le monde entier t'écoute. Ton peuple t'écoute. Ta tribu t'écoute. Des frères et des sœurs dans les confins du monde t'écoutent également. Gloire à Dieu. En tout cas, je te remercie et je leur dis bonjour. Et voilà, bon. Que dire? Bon, je me présente d'abord parce que Oui. c'est toujours bien Oui. pour que les gens comprennent et sachent qui on est. Oui. Je vais témoigner. Donc, un témoignage, il ne faut pas que ce soit impersonnel. Oui. Donc, même si il y a certains, mes proches, la famille ou les amis qui vont reconnaître ma voix, mais ce n'est pas tout le monde. Donc, en fait, je m'appelle Nelly. Je m'appelle comme Nelly, oui. Et je suis Douala et principalement, je viens en fait de Bomono-Bomono-Bambengue, voilà. Bomono Bambengue, donc tu es Douala comme les. Tu es Douala dans le littoral. Oui, je suis Douala Alors du tu n'as pas littoral. peur, tu n'as pas peur, tu as suivi sur Bamba Iba, sur les témoignages des gens, certaines personnes n'ont pas voulu donner leur nom, mais pourquoi toi tu as choisi de donner les tiens? Non, j'ai choisi de donner le mieux parce que ce qu'on vit, que ça serve aux autres et aussi pour que tout, parce que ce n'est pas tout, que ce soit les amis ou la famille, et il faut qu'ils soient au courant. Oui. Parce que je pense, je dis les gens, c'est pas oui, bien sûr, aussi le monde entier. On vit une histoire. Moi, je ne comprends pas. Et c'est un témoignage. Pour moi, un témoignage, on doit savoir qui c'est. Ce n'est pas anonyme. Voilà. Le témoignage anonyme, on peut prendre une histoire où on invente, où on fait n'importe quoi. Moi, c'est mon histoire. Et l'histoire vécue, quelque chose qui me perturbe. Et donc, nous avons. En fait, Dieu nous offre vraiment un plateau, une occasion de. Ici, nous sommes en Europe. Donc, ceux qui sont en Europe vont comprendre. Les Européens payent les médecins, payent les psychologues, payent les psys pour aller se faire écouter, hein, s'entendre, enfin, raconter. Ou alors, tout ça. Mais, et donc, ce n'est pas. On a l'occasion aussi d'édifier aussi les autres, quoi. Parce que, comme on dit, il faut que. L'histoire d'une personne sert aussi aux autres et en même temps ça nous sert d'expérience. Mais moi, ma démarche est de toutes les façons, je suis quelqu'un qui aime Dieu, qui prie, qui, bon, même si je ne fais pas partie des églises, hein, mais bon, comme on dit, une famille protestante, mais j'ai adopté depuis en Europe et par mariage la religion catholique. Bon, ben, je pratique, je vais de temps en temps dans les églises d'éveil, soit par biais d'un ami ou par moi-même, mais je ne veux pas dire que je fais partie d'une église ou d'un centre ou d'une congrégation. Non, non. Voilà. Oui. Voilà qui est clair dès le départ. Donc, je vais te poser des questions pour orienter ton. C'est ton histoire, donc c'est à toi de raconter. Donc, actuellement, tu as quel âge? Alors, j'ai 50 ans, Dont une mais grande partie passée en Europe. une, très très grande partie passée en Europe. En Europe, j'avais seuls 17 ans. Hein. Waouh. Donc, je me Non, tu n'es pas vieille. Tu n'as que la moitié d'un siècle, hein? La moitié d'un siècle, c'est pas beaucoup. vieille Donc, là tout à coup. Oui. et là, ça veut dire que C'est tu es pas vieille. parti du Cameroun directement, à 17 ans. Je suis partie du Cameroun directement en France, en fait, à Paris, en région parisienne. Bon, je sais pas si je vais raconter où j'habitais, mais enfin, bon, bref, je pense que je sais pas si ça a une espèce d'importance, mais j'ai habité longtemps dans le 16e, j'ai été mariée, j'ai habité longtemps à Saint-Cloud, pour cette thèse, donc, et où encore, la dernière adresse, c'était à Boulogne. Bon, voilà, Boulogne-Billancourt, hein, parce que comme il y a de Boulogne en France. Et en fait, je suis plus de l'Ouest. Quand j'étais plus jeune, à un moment donné, oui, j'ai habité un peu le 12e et puis le 6e arrondissement. Bon, voilà. Voilà. Donc, à l'âge de 17 ans, tu vas en France, tu atterris à Paris. Mais maintenant, il y a des témoignages, il y a des choses que tu écoutes dans le monde, tu écoutes particulièrement sur Bamba Iba et les autres chaînes que tu parcours sur Internet. Tu remarques qu'il y a des choses qui ne faisaient pas partie de votre jeunesse à vous, de votre génération. Et ça te choque. À l'âge de 17 ans, par exemple, en quittant de la France, du Cameroun pour la France, est-ce que la quête du voyage était à ce temps-là comme aujourd'hui, où il y a la quête à tout prix, les manières de partir, les gens vont chez les marabouts, vont se laver pour pouvoir avoir des plans, ainsi de suite. Quelle était ton expérience, toi aussi? Oui, bon, d'accord. La quête, en fait, la quête est plus présente maintenant. Si je peux commencer par là, à mon époque, ce n'était pas. En fait, on n'était pas non plus très nombreux. Hein, voilà, je sais pas moi, à partir, c'était moins ostentatoire. Je sais pas, je veux utiliser le parler vraiment, vraiment facile, mais. Ce n'était pas aussi, à tout prix, on n'y pensait pas. En fait, la plupart de jeunes filles de mon époque, en fait, et aussi, bon, de mes passions, de mon milieu, hein, je ne veux pas parler, en fait, je suis gênée parce que je ne veux pas parler pour tout le monde, parce que tout dépend de là où on a grandi et de son milieu. Voilà. Mais la plupart, moi, de ma région de Douala, parce que j'ai grandi à Bonaprison, hein, et j'ai passé mon enfance à Bonaprison, et Bonaprison, et bien c'était la jeune fille doit se marier. Bon, c'est le mariage. On ne pensait pas, aujourd'hui, je pense que la quête de l'Europe, c'est plus l'argent. Nous, on ne pensait pas, en fait, ce n'était pas l'argent. C'est vrai, hein? Aujourd'hui, c'est les jeunes, c'est plus l'argent. Nous, c'était plus le mariage. Donc, on compte que ce soit, je ne sais pas. Dès que tu as quelqu'un, ou alors, même à mon époque, peut-être qu'il n'est pas aussi lointain que ça, moi, dans mon cas, on mariait encore. Les mamans regardaient, d'autres mamans, quand ils avaient les filles, ils regardaient dans le maison d'à côté, si la fille, bon, on va peut-être, on nous mariait, ils essayaient de marier. Nous, on est la dernière génération, enfin, la première génération a commencé à avoir brisé ça, hein. Ma mère, on les mariait, ma mère, et ainsi de suite, voilà. Bon. Mais quel qu'il en soit, bon, on ne va pas jeter la pierre ou parler ou dire pour les autres, mais quel qu'il en soit, par n'importe quel moyen qu'on arrive en Europe. À l'époque aussi, ma génération, enfin dans la jeunesse, il y avait aussi, on n'avait pas aussi beaucoup d'églises comme il y en a aujourd'hui. C'est-à-dire, on entend parler tellement de Dieu, que moi, je n'ai jamais entendu autant parler de Dieu et d'autant de pasteurs et autant des hommes de Dieu, des appellations, des réunions, des tout. Enfin bon, c'est même tellement beau que maintenant, on commence à se poser des questions si tout ça est, s'ils sont tous vrais, si, enfin, je ne sais pas, parce qu'on se pose aussi des questions, parce qu'à un moment donné, trop, c'est trop. Et moi, dans ma jeunesse, on allait, on était baptiste, on était mitif, enfin bref, on était protestant ou catholique ou musulman, et nos traditions africaines, On avait les traditions pâtissiens. Oui. Bon, nos coutumes, et il y avait beaucoup, hein, bon, ceux de l'Est, de l'Ouest, Oui. de littoral, et ainsi de suite. Et donc, on avait nos coutumes, donc on suivait, et puis c'est tout. Et aussi, bon, que jeunesse pas, c'est la jeunesse, hein. Voilà. Donc, si j'ai bien compris la question, hein. Oui. Alors, très bien. Maintenant, pourquoi avoir décidé ce que tu as sur le cœur à dire, ce que le Seigneur a mis sur ton cœur à partager au monde, pourquoi veux-tu la partager au juste? Pourquoi? Avant de toucher la chose dont tu veux partager au monde, pourquoi veux-tu partager cette chose au monde? Je veux partager, pourquoi? Parce que après j'ai plusieurs raisons. Je veux le partager, comme j'ai dit précédemment, parce que j'ai une partie de la famille que je ne vois pas et qui ne veut pas. Et même d'autres parce que moi je me mets de mon côté, parce que j'ai entendu même mes propres soeurs de mes ventres qui disent oui, parce que tu veux te mettre de côté, parce que comme toi tu refuses toute la famille ou quoi que ce soit, qui ne comprennent pas et je ne suis pas la personne comme. Je suis aussi l'aînée d'une famille, beaucoup, et se sont reposés sur moi. Et je ne peux pas leur dire, je ne peux pas parler. Et l'occasion aussi. D'autre part, pour moi, ça me paraît, c'est tellement dur. Et je me dis, il y a beaucoup, et j'en ai parlé avec certaines copines, hein, il y a beaucoup, peut-être qu'il y a d'autres personnes qui pourraient être. Vivre, cela amené à vivre Les mêmes situations. la même situation, à vivre mon expérience, ce que j'ai eu. Alors, je ne sais pas pourquoi, et pourtant je ne suis pas, je ne recherche, je recherche pas comme Thérèse, en fait, le truc. En fait, je ne sais pas, mais comme tu dis, c'est peut-être le Seigneur, parce que j'ai beaucoup hésité, hein. Mais à chaque fois, mais c'est ce qui m'arrive, non, il faut que je dois témoigner, parce que peut-être qu'une autre personne pourrait vivre la situation à la limite, comprendre et aussi amener aussi maintenant qu'on arrive à parler. Pourquoi cacher? Maintenant, j'ai aussi, bon, ça c'est la deuxième, j'ai pour la deuxième raison. La troisième raison, c'est que j'ai une colère. C'est parce que là, on est en train de faire notre mail, donc j'essaie de rester calme, je ne veux pas savoir, j'ai hurlé chez moi. J'ai une colère. Qui est une colère qui est mêlée de rage et d'oppression, en fait, de tout, pas mal de sentiments que ça peut amener. Tu sais, on peut avoir une colère, oui, et pleurer et dire que non, ce n'est pas possible. Je ne dis pas pourquoi moi, non. Je dis, mais pourquoi ils font ça? Pourquoi? Et oui, je demande, je me dis, mais pourquoi? Et aussi, comment dire, avant dans la continuité, de toutes les façons, je me dis, j'étais, parce que c'est fini, j'ai dit c'est fini, mais je dis ça avec conviction et une colère, parce que j'étais le bras droit de la famille de ma mère et des frères et sœurs. Mais quand on dit bras droit, ceux qui avaient, j'étais la banque, voilà. Malheureusement, parfois ça fait mal au cœur. Mais même au début, on s'en cache, on ferme les yeux. Bon, écoute, on a été choisi, je ne sais pas comment ça s'est passé ou comment ça se passe, même si j'ai entendu certains, comme on dit, certains dire de temps en temps. Mais, et alors, quand on a sa banque, on ne passe pas sa banque, hein. Mais Quand on a. non, le problème n'est pas parce que tous ces mondes-là que tu as cités reposaient sur toi, mais le problème c'est que en dehors de reposer sur toi, il y a d'autres choses qu'ils font derrière, ou bien qu'ils faisaient derrière. Ouais, donc ça, je ne sais pas. Oui. Donc, qu'est-ce qui te mettait en colère? Qu'est-ce qui te met en colère? Ou bien qu'est-ce qui t'a mis en colère avec cette extrême rage dont tu parles? Alors, la question de rage, qu'est-ce qui m'a mis en colère? C'est que déjà, quand on a autant de pouvoir, parce que je l'ai vécu et j'ai expérimenté, on peut s'en servir pour du bien, et aussi, d'autre part, que ça a vraiment commencé, mais. C'est incroyable. Moi, ça a vraiment commencé. C'est à partir du moment où, tant que je les aidais de loin, voilà. Moi, j'aidais de loin. J'aidais beaucoup, j'envoyais. j'envoyais l'argent, je ne comptais pas enfin. Donc bref, parfois je comptais quand même. Oui. Oui, je demandais des comptes. En fait, je vivais ma vie en Europe, et selon mes moyens, hein, peut-être pas beaucoup par rapport à ce que certains font, mais je pense quand même que c'était quand même pas mal. Et là où j'ai décidé, je me suis dit, bon, en y allant, et aussi avec les reproches, parce que c'est parce qu'ils m'ont reproché. Oui. J'ai eu des tantes à Bonadouma. Moi, j'allais voir, j'allais visiter, parce que chaque fois, j'amenais. Il faut. Ceux qui ont vu ça, il faut imaginer que nous, quand on voyage, tu as au dépôt d'avant, je partais au Cameroun pour 1 mois, ou pour 2 mois. Après, j'ai coupé parce que par rapport au job, parce que plus on en âge, plus on a des responsabilités dans les entreprises, et donc, et moins on a de temps. C'est comme ça. Plus tu gagnes l'argent, moins tu as le temps. Donc, bien, je travaille dans une entreprise, donc du coup, j'avais pas beaucoup de temps. Et puis d'autre part, j'ai commencé à sentir aussi que le Cameroun, bon, quand tu, bon, c'est bien, je partais que uniquement que pour la famille, pour voir la famille, donc c'était pas mes vacances. Donc mes vacances, je les scindais. Je scindais mes vacances, une partie pour aller pour aller voir la famille, à la limite, c'était 10 jours. Et le reste du temps, quand je rentre, je vais en Grèce, en Espagne, aux États-Unis, en fait, je prends les vraies vacances au bord de la mer, ou à la plage. Mais parce que pour moi, c'était pas les vacances au Cameroun. Et voilà. Et donc, et quand je voyais ça, on m'avait reproché. Oui, parce que aussi les gens disaient, même à Paris, parce que les droits là sont à Paris, en France, hein, et ce sont ceux qui ont le plus la gueule, même ceux qui habitent dans les HLM, ce sont ceux qui te reprochent, oui, tu vis bien, elle a une voiture, elle a une belle vie, et puis il y a ses vrais ou sa famille qui souffrent, même sans savoir ce que tu fais pour ta famille, les gens parlent. Bon, moi j'écoute, parfois ça fait mal, mais je réponds pas. Les gens ne se rendent pas compte comment ça peut faire mal. Comme ils ne savent pas, tu n'es pas obligé, quand tu envoies l'argent, avant même les Western Union, on les confiait aux gens. Moi, il y a jamais mon frère, j'ai eu des cousins qui ont donné comme ça là, à quelqu'un qui part du pays, il dit oui, on l'a pris à l'aéroport, ils n'ont pas remis à la famille. Et donc, on a vécu ça, parce qu'il n'y avait pas les Western Union, il n'y avait pas tous les monogrammes comme il y a aujourd'hui. Il fallait la poste ou alors le mettre. Et moi, j'ai mis à mettre l'argent dans l'enveloppe et qui n'est pas envoyé par la poste, qui n'est pas arrivé, enfin bon, bref. Et ça a existé. La génération d'aujourd'hui n'a pas vu ça. Et nous-mêmes, on commence à oublier que voilà ce par où on est passé. Eh bien, je vais au Cameroun, on me dit, ah oui, Mélie, t'as dit, bien, il va falloir quand même faire quelque chose, il faut faire quelque chose à tes frères ou à tes soeurs ou à la famille, parce qu'il y a des oncles, il y a tout et tout. Bon, il s'avère que j'ai aussi hérité une maison, la maison de mon grand-père. Je l'ai hérité à non. Et dire que j'étais à la prison, mais en fait, c'était ma mère. Et il faut faire quelque chose. Ma mère aussi, elle me tannait, parce que de toute façon, tout le monde monte en âge, elle commence à me tanner. Anneli, il faut aussi, bon, il faut lui faire quelque chose. Et puis surtout, le mot, la phrase et la chanson, car bon, beaucoup de mamans camerounaises. Ah, regarde, il y a la fille, il y a une fille qui est arrivée là, regarde ce qu'elle a fait, elle a construit, elle qui vient d'arriver en France, là, hier, là. Là, voilà, elle a déjà monté un étage, ou alors elle a fait ça à sa mère, ou elle a fait ceci, ou elle a construit. Mané. Ça devient une espèce de compétition familiale alors entre familles. Oui, mais même ça, elle savoir, parce qu'elle peut voir une fille, bah, ça, qui a fait quelque chose. Je ne sais pas où, mais où, parce que même en temps, moi, je n'en sais rien. Je ne suis pas là pour. Je ne veux pas de pour aller voir et tout, mais eux te disent, parfois même au téléphone, ah, il a fait, bon, il faut aussi faire. En fait, toi, t'es. Et puis, en fait, ils disent ça avec une manière pernicieuse. C'est-à-dire que. Et puis, c'est la maman, tu ne peux pas lui répondre. Moi, je ne peux pas lui répondre. Et donc, soit je ris, je dis, il y a juste une fois, ça m'a énervé, je dis, mais attends, maman, et puis à une tantine, elles étaient ensemble parce qu'elles se mettent toujours ensemble, elles sont toujours deux ou trois là, après elles te coincent, hein, te coincent pour que ça rentre dans la tête. Ça rentre bien. Avec tout l'argent que tu as, oui, il faut soit acheter ou alors il faut arranger la maison, il faut faire quelque chose pour les frères. En fait, il faut aussi faire quelque chose qui est très visible. Alors, moi j'avais dit une fois, j'ai dit, Comment faire quelque chose de visible quand tu viens? Maman, quand tu es venue, moi j'étais au Sénégal, j'ai vécu au Sénégal aussi, et avec mon ex-mari, et j'ai dit, quand tu es venue ou quand je viens, on te donne millions là, de francs, même millions de francs CFA, ou on te donne des. C'est-à-dire, maintenant des euros qui paient. Tu n'as pas besoin. Moi, je disais ça. Même en donnant l'argent, je n'ai pas besoin, justement, tu m'as dit au début, parce que je commandais, j'ai dit, bon, je donne l'argent, vous faites ça, vous faites ci, vous faites ça. On m'a dit, arrête de commander, tu donnes l'argent, tu es toujours en train de dire, il faut que je fasse ça, ça. Non, c'est ce qu'il faut faire. Après, tu laisses. Ça, c'était la chose. Ça m'est revenu. Je dis, OK. Bon, comme ils savent ce qu'ils vont faire et tout ça, mais moi, j'ai envie de dire, on peut arranger si vous pouvez faire ça. On te donne un million. Quand tu donnes 5 millions à ton frère, à ta famille, moi j'appelle, bon, c'est la famille, mais ils ne peuvent pas faire quelque chose, ils attendent encore que non, que toi tu viens encore construire, que tu viens faire d'autres choses. Eux, ils peuvent quand même démarrer, ils vont faire quelque chose. Donc, comme ils ne faisaient pas, c'est pour ça que lors de mon dernier voyage, un voyage en 2000, je pense en 2007 ou 2008, j'étais en plein divorce, mais ça avait commencé déjà depuis 2003, 2004. Alors, je voulais faire venir une de mes, en fait, je voulais faire venir ma dernière petite soeur, ma petite soeur en France, et avec mon mari, on s'est battu, en fait, on a tout envoyé, même une cousine qui est mariée en français là-bas, qui vit à Douala aussi, son mari allait de l'ambassade, donc finalement, ça n'a pas fonctionné. Avec tout, les travailleurs chers qu'on demandait, je ne sais pas si on demande encore tout un tas de choses aujourd'hui, et étant propriétaire, on était propriétaire et tout, en France et tout ça. Bon, et ça n'a pas fonctionné. Ah, c'était vraiment pénible. Donc, du coup, le divorce survenant, alors moi je le dis aussi, mon divorce s'est passé d'une manière extraordinaire, ça a tellement été rapide. Donc, je voyage, je fais un saut au Cameroun, je travaille, j'étais responsable comptable dans une boîte, dans une société informatique, donc je n'avais pas beaucoup de jours de vacances. Donc, les 15 jours que j'avais pris, j'ai dit, bon, je fais un saut au Cameroun, je fais un saut à Douala, et pour voir ce qui se passe, qu'est-ce que je peux faire. Bon, arriver, voyer dans les... Et il faut que les familles viennent cesser. C'est ça aussi que je veux parler, parce qu'à un moment donné, parfois, quand on arrive, on a l'impression que c'est eux, ils sont les plus miséreux de l'Afrique. Et pourtant, parfois, ils vivent mieux que nous, qui sommes en Europe, hein, voilà. Mais que nous, on arrive. Et on reprend aux gens d'Européens que oui, vous voulez montrer que vous avez l'argent, mais non. C'est là où ils montrent que eux, c'est-à-dire le manger, là, ils n'ont plus à manger. Personne ne dit le marché, ils ne savent plus le chemin du marché. Ils sont là, c'est la main, comment on dit, c'est la joue. La main, tout. Pour montrer qu'on est malheureux. Pour montrer que. Et c'est du vécu, non, mais c'est du vécu. Et beaucoup de mes copines, beaucoup d'amis, beaucoup de femmes et même d'hommes, vivent ça. Il faut que, franchement, que l'Afrique arrête, que nos familles africaines arrêtent. Donc, ça c'est la mentalité. Donc, la mentalité qui est dans les familles, c'est lorsque quelqu'un sort de l'Europe pour venir, elle vient avec un conteneur d'argent. Oui, c'est comme tu es avec un conteneur, exactement. Tu as beaucoup d'argent, enfin, tu penses. Si bien que même l'argent pour lequel tu es. Parce qu'on fait des plans aussi avant de partir, on fait du budget. Bon, si ça va à la rentrée, on garde pour le nombre de petits, des enfants qu'il y a dans la famille. Et aussi, bon, voir des amis. On ne pense même pas, c'est pas pour sortir, c'est pas pour s'amuser. Bon, pour aider. Mais quand il y a d'autres problèmes qui se présentent, ils sont malheureux. Donc, du coup, chacun vient. Et en plus, avant d'y aller, c'est là où ils ont des besoins. Ah, tu peux avoir un téléphone. C'est tout le monde veut déjà le téléphone. Ils ont le téléphone là-bas. Ah, je veux des chaussures. Ah, je veux des sacs et des rouges et des ceci et des cela. Et quand tu as déjà rien que 4 ou 5 tantes, sans compter les oncles, tous leurs enfants, toi-même, tes frères et sœurs, ta maman, tout ça. Mais attendez là. L'avion, ce n'est pas à nous, l'avion ne t'appartient pas. Et si bien que parfois, nous, moi, il m'est arrivé, j'avais un petit choc où tu as un truc, je dis, bon, j'arrive là-bas, j'ai le cabas et tout, eh bien, Déjà, on va dépenser pour tout ça pour être chargé, payer des kilos en supplément. Hein, avant, ce n'était pas maintenant, on a 2 kilos, mais c'était juste 20 kilos, 23 kilos. Eh bien, tu payes des suppléments ou alors tu prends des petits sacs. Donc, tu fais déjà cadeau à tout ça. Donc, c'est déjà une dépense. Plus arriver sur place, tu dois faire ou gérer ce que tu as à faire. D'accord? Eh bien, bon, il arrive que nous autres, moi je ne fais pas la prostitution, trop, je ne veux pas que nos trucs, hein. C'est-à-dire pour ceux qui sont dans les confus, c'est pas moi. Et même ceux qui sont, même ceux qui ont un compte dans de l'argent, mais à un moment donné, la source tarit, hein. Absolument. Ça tarit. Et donc, du coup, ça ne suffit pas. Effectivement, bon, je suis allée, j'ai constaté, je me suis rendu compte que bon, moi j'ai 3 frères et j'avais 4 sœurs. Donc il y a 2 qui sont décédées, il en reste 2. Et donc il me reste 3 frères et 2 sœurs. Et donc j'ai quand même j'avais 3 frères. Eh bien, je me rends compte que bon, là, il va falloir faire quelque chose. J'en parle avec mon frère. J'ai dit, bon, il faut faire quelque chose. Ça serait bien que vous partiez de faire. Et je leur demande, je dis, bon, maintenant, au lieu d'envoyer l'argent tous les mois, de donner comme ça, tu sais, parfois on dit, là, je dis, vaut mieux apprendre à la personne à pêcher Oui, plutôt que de que de lui payer. donner du poisson chaque fois. Voilà. Et bien que à Douala même, Oui. cousine, Nelly, tes gens-là, les gens ici, là, nous, on les connaît. Vaut mieux que nous, quand on a un petit à 10 000, tu leur donnes. Mais moi, c'était les 5 000 ou 200 000, 300 000 que moi, je donnais, puisque j'étais pas sur place. Elles, c'était les 10 000. Bon, Oui. vaut mieux les payer. Tu les donnes comme ça, parce que, au lieu de faire, parce que quand tu veux le faire, ils ne veulent pas travailler, ils ne veulent pas faire des choses et tout ça. Bon, moi, j'ai pas voulu écouter, en fait. J'ai dit non, il faut faire, parce que, comme les gens sont sortis des écoles, ils n'ont pas de travail, c'est plein de temps, ils n'ont pas de travail. Et même en envoyant, même les 500 euros, les 1 000 euros que tu consacres par mois pour tout le monde. Bon, s'ils faisaient, s'ils travaillaient, peut-être que moi-même aussi, ça me soulagerait. Et ça soulagerait d'autres aussi personnes. Et comme aussi, ils commencent à faire aussi avec des enfants, et tout, ils s'occupent aussi de la famille. Et bien voilà la démarche. Et là, je suis partie, donc j'ai vu à peu près tout le monde, comment les gens font. Dans la famille, eh bien, je suis rentrée. Je suis rentrée en France. Déjà, j'ai commencé à avoir des problèmes dans mon boulot. C'est-à-dire, je coupe court, hein, parce que sinon, je ne sais pas, sinon, ce serait plus long. Oui. Avoir déjà des problèmes dans mon boulot, ce que je n'avais jamais eu, je travaillais très bien. C'était en plus un poste facile où j'avais une directrice au-dessus, et même si c'était la responsabilité, en fait, je maîtrisais, donc tout mon truc était organisé. C'est-à-dire, il n'y avait pas lieu qu'on me reproche quoi que ce soit, quoi. Je ne faisais pas quelque chose qui était au-dessus, c'est-à-dire qui me dépassait. C'est ce que je savais faire, même que je faisais plus. Bon. Mes collègues qui se mettaient à me détester, mais vraiment, hein, même Pour certains, rien, pour rien comme ça, pour rien. pour rien, mais même quand je parle même détester, c'est léger. Bon, sans qu'on ne peut même pas te sentir. Donc, c'est maintenant. C'est à posteriori maintenant que je vois ça. Mais quand on le vit, Oui. on n'y est pas, on n'y pense pas. Et tout ça. Et à la maison, alors là, c'est pire, ça devient. Vous n'avez jamais eu. Bon, à part que pourquoi tu me donnes un verre, tu poses là, tu ne me donnes pas là, mais sinon. Pas vraiment de gros problèmes, même avec le mari, ça commence à ne pas y Non, aller. Mon subitement, mari. subitement, les problèmes se jugent de partout. Et au travail, dans la vie privée, et en plus dans ta santé aussi, dans la vie spirituelle, tout est chamboulé. Au retour du Cameroun, au retour du Cameroun, Quelle peut retour. avoir été la cause de cela dans ta quête de solution, ou bien dans ta méditation, dans ta réflexion? Ah, ça, c'est la famille. Qu'est-ce que je peux dire? Moi, d'abord, je l'ai dit, parce que j'ai pensé à pourquoi? Parce que j'étais, bon, j'ai toujours eu, comme tu vois, ma petite vie aussi que j'ai depuis 17 ans, là, avant, c'est ce que j'ai acheté. Et je me suis à faire des cauchemars. Oui. Des Chose cauchemars, hein. que tu ne faisais pas avant cela. Non, ce que je ne faisais pas avant cela. Mais avant cela, j'avais juste que, parfois, On venait me faire, je faisais l'amour la nuit quand je dormais, mais enfin bon, c'est maintenant qu'on parle de mari de nuit, moi je ne savais même pas ça, mais ou alors je mangeais. Mais j'avais raconté, je disais à ma mère tout ça, j'avais raconté à ma mère, je dis, ouais, je mange la nuit et tout ça, là, ça. Mais on n'est jamais allé chercher plus loin. Il dit, ah, ce n'est pas bon et tout ça. Bon, même, mais comme ce n'était pas non plus récurrent, ce n'était pas tout le temps, ce n'était pas tous les jours. Donc, ça passe. Enfin, ça passe. Mon Dieu, j'ai trop minimisé aussi. Hein. Bon, Et puis comme c'était tu as comme dit, en ce moment-là, il n'y a pas cette floraison, cette floraison des églises réveillées ou de cette panoplie d'églises maintenant qu'on en parle. Il n'y en avait pas. non, non, pas du tout. Il n'y en avait pas du tout. Et donc, la confession pour arriver, quand j'ai commencé à voir, en fait, une fois, et au retour, j'ai eu vraiment de gros problèmes. Donc, du coup, j'ai reçu une lettre de mon boulot qui me reprochait, et ils m'ont reproché même les vacances qu'on m'a accordées, et mon directeur m'a reproché les vacances que j'ai pris pour le temps, et qui m'avait accordé. C'est-à-dire qu'il y a des problèmes qui se créent pour rien. Donc, mise à pied. Je reçois la maison, en bon, donc d'accord. Dans ce cas, quand on a une mise à pied, tout le monde, ceux qui travaillent, savent ce que c'est. Hein. Bon, on sait. Et puis, professionnellement, je me débrouille. Après, ça va, parce que, bon, on peut maîtriser. On veut plus de moi, oui, bon, d'accord. Dans ce cas-là, il faut le dire, mais ça, là, moi, je ne vais pas accepter que vous mettez une faute que je n'ai pas, et tout ça, commis, ainsi de suite, pas de raison. Bref. Et à la maison, là où ça allait très mal, j'étais mariée à un directeur général d'une société américaine. Donc, bien marié. J'habitais Saint-Cloud. Et bien, je m'occupais. Bon. Et moi, on ne pouvait plus. Là, il ne pouvait plus me sentir. On n'avait plus de femme dans la maison. Parce que ça aussi, les gens, les seigneurs ne peuvent pas le savoir. Quand tu vis bien, tu es bien avec ton mari. Je peux même pas. J'avais même mon cousin qui était mon frère, parce qu'on avait grandi ensemble, on a cousin, qui venait me voir, qui était témoin de mon mariage. C'est-à-dire qu'en plus, nous, les femmes, et puis avec cette éducation que nous avons, les enfants d'aujourd'hui parlent, mais nous, on a été amenés que, même mon frère venait, je ne pouvais pas lui parler de ce qui se passe dans mon ménage. Je ne parlais pas. Parce qu'on ne raconte pas. Aujourd'hui, je vois les jeunes, moi, je vois mes nièces, mais en tout cas, ils racontent tellement facilement la vie, même, peut-être un peu trop, même, que parfois, tu es obligé de mettre au là, de dire, attends, hey, je suis quand même comme une maman, je ne suis pas ta copine. Donc, je ne pouvais pas raconter. J'arrive tout à coup comme ça. Et j'avais aussi pris, j'avais pris aussi une nièce. En fait, ça, bon, c'est normal. Je ramène, tu fais quelqu'un. Mais le fait de ne pas pouvoir en parler, c'est vraiment quelque chose, ça m'a beaucoup fait. Ça pèse, quoi. Bon. Tout à coup, mon mari me dit, ouais, c'est. Il y a d'autres chambres, lui, il va dormir dans l'autre, la chambre d'amour. Je ne sais pas c'est quoi ça. Il va dormir dans la chambre d'amour. Oui, c'est ça, rien ne va plus dans la maison. En fait, imagine, c'est des problèmes. Ça fait des problèmes là, maintenant, comme je suis SMC, tiens ça. À la maison, au boulot, donc du coup, le boulot, ça ne va pas, la maison, ça ne va pas. Tu vas à l'église, oui. Bon, tu commences, effectivement, tu penses quand même à Dieu. Moi, je priais la nuit, hein, bon. On n'est pas guidé. Tu sais que tu vas prendre quoi? Les psaumes, même les psaumes qu'il fallait lire, qu'il fallait tout, oh, personne ne nous disait, on n'avait pas, on ne savait pas. Donc, moi, j'avais juste un psaume, j'avais le psaume 25, le psaume 22, c'est-à-dire de jeunesse. Et ça, je sais, j'ai toujours mis ça, c'est ce que j'ai adopté dans la Bible et que je connaissais par cœur. Et le psaume 119. Et le psaume 119, je ne sais pas, il était tellement long, 119, 118, ça dépend de la Bible, il était tellement long que c'est que moi je l'aimais bien, que moi je m'endormais dessus. Et je me mettais au salon, je priais, et puis bon, dans nos traditions aussi, nos coutumes, je priais beaucoup aussi mes ancêtres. J'appelais mon grand-père, j'appelais madame, et je dis, mais je ne peux pas souffrir comme ça, comment regarder, comment je suis. Je viens du pays. Je viens de faire Et là, c'est en Europe où tu te trouves, quand ça commence à chambouler, tu prends les psaumes et puis tu mélanges un peu avec la tradition. C'est une espèce de syncrétisme, quoi. Parce que tu ne savais pas, Bah, tu n'étais pas guidé. mais oui, normal, hein, moi j'étais seule. Tu dis quoi? Bon, tu as dit, tu lis ta Bible. Et après, avant de donner, et moi j'appelle, ouais, papa, ou qui est parti, parce qu'en plus, mon grand-père mort dans l'eau, il a disparu dans l'eau, il n'est jamais sorti de l'eau. Bon, ça c'est les doigts, ça aussi. Hein. Ça c'est les doigts. Donc, je le prie parce que je l'ai vu parfois en rêve. Et je prie, j'appelle la grand-mère aussi qui est décédée. En fait, En fait, tu cherchais de l'aide partout. ma mère nourrissait parce que tu cherches de l'aide, tu dis, mais qu'est-ce qui. À un moment donné, je me dis, mais je suis seule. Et tout matin, quand le téléphone sonne, on n'a même pas, la famille appelle, moi j'ai ma mère, ou mes frères, ou mes soeurs qui m'appellent, mais qui ne. C'est-à-dire, il n'y a même pas de bonjour, comment ça va? Il dit, on a un problème là. Toi-même, tu as amené des problèmes du pays. Je suis en train de te. Qu'est-ce que tu peux répondre? Qu'est-ce qu'il faut dire? À un moment, moi, je dis, leur problème était prioritaire. C'est marrant, ça. Hein? Oui. On s'est, moi, j'étais complètement effacée. Leur problème était prioritaire sur les miens. Dès qu'on m'appelait, et je ne comprends pas, moi, ma mère, dès que ma mère m'appelait, elle dit, voilà, il y a tel. Surtout elle. Oui. Il y a tel, il y a tant. Et puis, j'ai dit, ouais. Et c'est là où je dis, maintenant, on invente. Parce qu'eux-mêmes, ils se sont trahis. Parce qu'ils ont dit que c'était pas. Comme on dit, quand ils se bouffent pour l'argent, là. Oui. Oui, l'autre a bouffé, c'est l'autre a bouffé. Nelly, tu sais toi-même, là, que ta mère avait dit qu'il était malade. Il n'était pas malade. Hein. Bon, voilà. Donc, Donc, après, ils faisaient des tissus de mensonges pour pouvoir te soutirer de l'argent. pouvoir soutirer de l'argent. Et Après, quand. ils viennent eux-mêmes te se trahir lorsque ça gâte entre eux. Voilà, exactement. Voilà. Et quand moi, j'étais dans les gros problèmes, et c'est là où on dit aujourd'hui, mais vraiment, c'est super qu'il y a maintenant des églises et tout ça. On se tournait vers quoi? Donc, moi, je lui dis, je dors la nuit, j'ai rêvé. Ça, c'était la première fois, mes premiers rêves. Oui. La nuit, le cauchemar. Je rêve, je vois, comme s'il y avait les yeux sur le plafond, Les dans yeux. le lit. Oui. En France, à Saint-Cloud. Saint-Cloud, c'est à côté de Paris. Hein. Saint-Cloud, c'est la ville à hauteur de Paris. Oui. Donc, disons Paris, en plein Paris, en plein France. Oui. Mais en même temps, c'est comme si ce n'était pas un rêve. Oui. Mais les yeux, les gros yeux comme ça, là, sur le plafond, Oui. comme les billes de tennis, les balles de tennis. Oui. Qui soufflait. Mais j'ai eu une peur. Et puis, d'autres choses. Bon. Cauchemardesque, quoi. Oui. Et comme des oiseaux, comme un grand oiseau que je vois, mais c'est comme si je voyais, mais comme si j'étais en rêve, mais c'était Oui. pourtant, c'était Comme si tu vivais la chose réellement. réellement. Oui. Dès que j'ai vu ça la nuit, le matin, au réveil, Oui. mon mari qui adorait, il me dit, tu prends tes affaires, tu pars. Wow. Voilà. Je regarde, je dis, mais comment ça, tout ça, parce qu'on va vous dire, mais non, il s'énerve, il s'énerve, il s'énerve. Énervé que tu ne peux même pas en placer. Je dis, bon, là. Elle dit, oui, et puis je pars dès que là, si je te marie officiellement avec la page. Elle Oui. dit, si je pars, de toute façon, je pars, si je te trouve là, j'appelle la police. Wow. Hein? Non, mais Voilà. analysons le rêve. Les yeux que tu vois au plafond semblent être les yeux vivants ou bien tout simplement fixés ou bien ça te regarde. Bon, il regardait et qui marchait tout le long et qui regardait sous le lit comme ça tout le long du plafond. Et les oiseaux de proie qui fondaient sur toi dans le rêve, c'était pour Voilà. attaquer. C'était pour attaquer donc. Oui, c'était pour assister et tout ça. Et moi, Tu esquivais. j'esquivais, je me faisais tout petit comme pour ne pas que ça me touche. Voilà, enfin, on ne reste pas là à aller à attendre. Oui. Et as-tu donc mis une relation entre ces rêves-là et l'attitude de ton mari au réveil? Mon frère, tout de suite là, non. Moi, après, quand il a fait ça, donc j'ai appelé une amie, une copine ivoirienne. Oui. Je dis, non, Titi, là, je ne sais pas, voilà, Marie, je ne veux pas citer par contre son prénom, et là, il me dit de sortir, je ne comprends rien, de toute façon, je suis fatiguée. Je lui dis, mais tu es rentrée du Cameroun? J'ai dit, oui, je suis rentrée, et tout ça fait 3 semaines, et tout ça, tous ces événements, ça va très, très vite, hein. Permets-moi de poser une Une question. journée. Permets-moi de poser une question. Lorsque j'étais au Cameroun, généralement quand les gens viennent au pays, il y a les espèces de choses traditionnelles qu'on essaie d'effectuer, le lavage de corps, ainsi de suite. On n'a pas fait cela. Non, ça, je dois dire que là, la fois là, Oui. moi, j'avais pas fait. Oui, Quand j'étais plus, quand je partais, bon, parce que je parlais, je sortais, on avait plus de temps. Là, j'allais pour régler des problèmes, enfin, pour essayer de voir, pour aider, pour répondre, mais je n'avais pas beaucoup de temps. Oui. Donc, quand on partait, nous, notre génération, quand on partait au Cameroun, il Oui. y avait toujours des bains de purification. On appelle ça comme ça, les bains de purification. Un bain où on te met les herbes dedans et tu te purifies, ou des écorces, enfin, bon, tu ne regardes pas. Les herbes et puis il gratte les écorces dedans, je te purifie avant de rentrer. Voilà. Mais ça, je n'avais pas. Non, là, je n'avais pas fait. Oui. Bien donc. Mais bien sûr qu'avant, j'avais pris les vins, les vins, Les bains. les Les bains bains de et tout ça. purification. Hein, Mais on on dit donc qu'on te purifie pour de quoi? Quand on fait cela, quand vous faites cela pour vous voyager, quand vous purifiez de quoi et on fait quoi? vous êtes né aujourd'hui là. Oui. Donc vous vous dites, on purifie pourquoi? Mais on purifie pourquoi? C'est peut-être ce sort de tradition, mais ça, mais vous, parce que vous êtes né aujourd'hui, mais vous n'avez pas vécu dans l'année. Et puis, toi, moi, pasteur, tu es la femme de tu es là, le Christ. Mais nous, là, quand jeunes, Oui, à notre époque, c'est la tradition. et ça existe même encore, hein, parce que je ne dis pas que c'est pas seulement que ça ne s'est pas arrêté, hein, ce n'est pas fini, mais. Nous, on n'avait pas des églises, on n'était pas dans des églises. Si nos mamans allaient dans des églises, ils étaient même les conseillers d'église, si ça se fait, mais l'église n'était pas comme ça, comme aujourd'hui, ça c'est vrai. Donc, tu dis qu'on te purifie, mais on purifie de quoi? C'est nos traditions africaines, on purifiait qu'au cas où, si tu as la malchance, pour enlever toute la malchance là-même, pour t'ouvrir le truc. Certaines Quand tu. langues disent même que dans la tradition Douala et Bassa, on lave même les filles sur la tombe pour qu'elles aient le mari blanc. Non, non, non, non. Pas, non, pas chez moi. Oui. Ah non, non, non, pas chez moi. Tu la trouves? Ah non, ça jamais. Ça jamais. Ça, c'est de toutes les façons. Ça, je n'ai jamais vu et je n'ai jamais entendu. Ce sont des histoires. Que ce soit des copines ou pas ma famille ou pas des soeurs ou pas des. Non. On n'a pas. Mais On n'a elles vont pas. quand même chez le marabout pour pouvoir avoir la chance de trouver des maris. Voilà, je viens de marier. Ah, ça, je ne sais pas. Moi, dans ma famille, ça n'existe pas. Ni dans ma tribu, là. J'ai des cousines qui sont ici. Non. Ça, non. Les gens confondent. Oui. Et on va ouvrir une parenthèse concernant, parlant de tradition, de ce que je me souviens. La tradition Douala, nous, je me souviens quand il y a les deuils. Oui. C'est au moment où la tradition Sawa, mais quelqu'un de mieux éclairé pourra peut-être aussi mieux t'expliquer que moi. Oui. Et. Moi, ce que j'ai vu à ma connaissance, c'est quand on a deuil dans la famille, pour faire la neuvaine, c'est au moment de la neuvaine. Oui. Il y a la neuvaine de 9 jours ou alors d'un an et tout. Bon, maintenant, je ne demande pas les dates. Et là, il faut aller tôt. On va tôt au cimetière pour faire prier, pour faire la neuvaine, parce que. C'est comme ici en Europe, on dit pour commémorer. Hein, Oui. donc, nous, on appelle ça. Donc, du coup, on va au cimetière, mais on ne rase pas les têtes, on ne lave pas le visage, on ne veut pas. On prie, parce que moi, je l'ai fait pour mon cousin. Donc, je sais comment ça se passe. Oui. Oh, je suis là, le deuil, on l'a fait. Je l'ai fait aussi pour mon oncle. D'ailleurs, on appelle tous les enfants, les proches, tous, vous êtes là, et Oui. puis on prie, et puis on présente. Oui. C'est-à-dire qu'on dit, voilà, tu es venu, papa ou frère et tout, frère membre, c'est parce qu'on pense à toi, et ainsi de suite. Bon, c'est tout traditionnel. Alors, vous parlez comme ça à celui qui est dans la tombe, couché dans la tombe, alors. Mais c'est la tradition africaine. Aujourd'hui, on dit que non, on ne commémore plus les morts, matière, on ne sait ça aujourd'hui pas les nouvelles églises. Oui. Mais à l'époque. Et je suis sûre que ça existe même encore. Oui. Bon, parce que c'est des traditions. Oui. Maintenant, est-ce qu'on va supprimer les traditions ou. Moi, je ne sais pas. Moi, je ne peux pas répondre là-dessus. Oui. Après, c'est à nos. Il faut demander à nos grands-parents, à nos papas, à ceux qui détiennent ce pouvoir, à ceux qui sont là pour nous guider, Oui. que qu'est-ce qu'il en est vraiment? Mais moi, j'ai dit ce que j'ai vécu. On m'a jamais lavé le visage au cimetière. Je suis allée même au deuil une commémoration. Je ne l'ai jamais fait, que ce soit même par un marabout, parce que j'en ai vu. Les Oui. marabouts ne m'ont jamais lavé les trucs au cimetière. Ça, il n'en est pas. De toute façon, je suis une grande peureuse. Donc. C'est que tu aurais peur de la tombe des morts ou des cadavres alors. My God, moi, dès qu'on me parle de ça, là, je ne peux même pas. La personne qui me parle que va au cimetière, fait ceci, là, je dis, pardon, tu prends l'argent, moi, je m'en vais, j'arrive. Et là, là, comme je parle, je reviens. Non, j'ai trop peur. Non, moi, non, non, je n'ai jamais fait déjà. Je suis une peureuse, donc déjà. Et voilà. Et même le fait que. Même la nuit me fait peur. Donc, qu'est-ce que je vais aller foutre tout de Au suite? Qu'est-ce que je cimetière. vais faire au cimetière? Et même accompagner. Non, sincèrement, ça, ce n'est pas enfin, dans les coutumes, voilà, que je connais. Oui, mais on entend quand même des gens qui vont jusqu'à l'extrême, d'autres vont jusqu'à prendre même les dents des cadavres pour pouvoir faire des remèdes ou des exigences pour pouvoir réussir dans la vie. Attends, ça, c'est les gens, peut-être, c'est les filles qui sont à l'extrême, qui veulent à tout prix en sortir, qui veulent tout, mais ça n'a rien à voir avec la tradition. Après, c'est toi. Hein. C'est après, c'est toi, moi, que tu décides d'aller voir quelqu'un, ou comme là, de parler à quelqu'un, ou si c'était pas ça, ou de voir un marabout, et puis qui va te donner tout un tas d'herbes, ou tout un tas de trucs. Et puis maintenant, si tu vas voir un marabout qui fait du. Aujourd'hui, on parle de satanisme, est-ce qu'on parlait même de satanisme avant? Non. Donc, qui va te dire, il faut faire ci, il faut faire ça. Moi, je sais que là, par contre, oui, j'ai entendu parler qu'il faut faire ci, qu'il faut faire les stands, il y a eu une copine à Paris, elle est rentrée et me dit, mais oui, mais dis donc, moi, j'ai vu un marabout et tout, et m'a lavé le sang partout, avec le sang. Mais moi, nous, on était là, tu ouvres grand les yeux et tu dis, bon, ouais, eh ben, non, mais attends, parce que je vais dire la vérité. Tu sais quoi? À l'époque, quand tu entendais quelqu'un dire ça, un témoignage, nous, les doigts qui étaient de la ville, tu comprends? Nous, on a parlé entre nous avec nous, que ouais, vraiment, les filles, là, qui sont là, elles ont la chance. On disait que elles avaient la chance à l'époque. Donc vous les enviez alors? Effectivement, je l'enviais parce qu'on disait, mais vraiment, elle, au moins, elle avait ça. Elle, au moins, elle a les gens derrière. Elle, au moins, elle a quelqu'un. Parce que moi, je suis jamais sorti de sa manière. Je dis, regarde, moi, j'ai des copines et tout, regarde, elles sont bien, elles sont arrivées. Mais ouais, au moins, elles ont quelqu'un derrière. Quand elles viennent, elles ont des gens qui le font et tout. Bon, je n'en ai pas le détail, bien sûr. Mais elle faisait ça. Mais dire que c'est dans les traditions voilà, d'aller laver le visage au cimetière ou d'aller prendre les dents ou d'avoir des choses, des morts, pour avoir la chance, surtout pour les maris blancs. Attends, les maris blancs, ce n'est pas chez les Douala que ça existait, c'est chez les Ouro, chez les Bénis, c'est tout le monde, c'est ça, mais ce n'est pas chez nous. Donc, on ne peut pas. Déjà, les familles ne te font pas pour que tu ailles pour un mari blanc. Non. Non et non. Peut-être aujourd'hui, mais je parle de moi, de ma jeunesse. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai 50 ans et je parle de ça. C'est-à-dire que quand on était en 1985, 86, 87, 88, quand on est dans les années 90 et tout ça, c'est-à-dire toutes ces années-là, parce que vous, ce n'était pas votre jeunesse, ça, c'était la nôtre. Vous comprenez? Jusqu'en, je ne sais pas moi, 2000, l'an 2000 et tout ça, quand vous passez, c'était. Donc, quand tu parles de 18 jusqu'à 25, 30 ans, 30, 35 ans, je pense que 30 ans, 35 ans, ça s'arrête là. Hein. Je ne sais pas, moi, jusqu'où va la jeunesse, mais à la limite, mais non. Voilà. Avant qu'on avance au niveau de là où tu t'es arrêté, au niveau du rêve que tu as eu, et puis le matin, ton mari t'a demandé de foutre le camp. Il y a un événement que tu as raconté, tu as parlé d'une personne qui serait morte dans l'eau et qu'on n'a pas vu le corps. De qui est-ce qu'il est question et pourquoi la personne a disparu? C'est mon grand-père. Mon grand-père est mort dans l'eau et avec d'autres personnes, il y avait son beau frère. Et donc, mon grand-père est mort dans l'eau, comme dans le Mungo ou dans quoi, parce qu'il avait des bateaux de pêche et il a accompagné, il était parti donc avec ses bateaux et il n'est jamais sorti. On est venu nous annoncer la nuit et puis tout le monde, on n'est jamais, jamais, jamais sorti. Et là, connaissant une fois de plus la tradition, on n'est pas allé chez le marabout pour savoir de quoi il est question, ne chercher quoi, de quoi il est question, pourquoi le corps ne sort pas. Et les autres personnes qui étaient dans le canot, est-ce qu'on les a retrouvées? Bah, il y en a, ils sont sortis, sauf lui. Lui, il n'est pas sorti. Alors que c'est lui qui avait le canot de pêche et qui fait, c'est ça, une activité qui se Oui. faisait chaque fois. N'est-ce pas bizarre Oui, ça? c'était bizarre, mais tout à fait. Moi, c'est quelque chose que je n'ai jamais fait le deuil. Si je suis en Europe, c'est grâce à mon grand-père. Si ma famille, si on a des grandes maisons, c'est lui qui a laissé les deux grandes villas, les maisons et tout. C'est lui qui a construit la famille. Donc, c'était lui le patriarche. Voilà. Et c'est vrai que C'est une question. Je n'ai jamais fait deuil. Oui. Je n'ai jamais fait. D'ailleurs, je pense qu'on ne peut pas faire deuil. C'est pour ça qu'on dit quand quelqu'un disparaît et que tu n'enterres pas ta personne, il est difficile de faire deuil. Et moi qui suis sa petite fille, je n'ai jamais fait deuil. Je ne sais pas. Oui, il y avait-il quelque chose qui présageait de qu'il soit parti? Est-ce qu'il est parti normalement ou bien il est mort comme les autres personnes mortes ou bien il avait fait alliance avec les eaux? Parce que toi, tu es doigt là, tu dois connaître ces choses des eaux là. Alors, j'étais trop jeune. Je pense que si le Seigneur me donne encore à cette année, ça serait la prochaine étape. Mais comme les gens aussi meurent, c'est quelque chose à parler et qui est dans ma famille. Mais bon, ça, je ne sais pas, tu sais, tu vis au Cameroun. Donc, est-ce que tu vois les familles, les papas ou les mamans parler? Nos papas ou nos mamans ne parlent pas. C'est ça. On a un culte de secret mais qui est incroyable. Pourquoi garder le mal? C'est pourquoi garder le mal dans la famille alors qu'on peut te libérer de cela? Moi, je. Et toi également, venant au Cameroun, tu n'as pas eu à interroger la maman, interroger ou bien par rapport à tout cela? Alors, j'ai interrogé parce que, figure-toi, parce que bon, j'aime bien la chronologie. Attends, je vais répondre à ta question, mais pour partir de comment ce qui a amené à interroger La ma maman. mère et ma famille, hein, parce qu'il n'y a pas qu'à elle que je parlais, Oui. elle a aussi des coutumes et tout ça. Eh bien, quand ça allait mal, bon, moi, ce que la démarche que j'ai faite, en jeune fille normale, j'appelle une copine, j'appelle une copine ivoirienne, pas camerounaise, j'ai pas eu beaucoup de copines camerounaises d'ailleurs, hein, sauf les derniers temps, j'appelle une copine ivoirienne, j'ai dit, man, ça ne va pas et tout, elle me dit, non, bon, nous, on s'organise, c'est comme les jeunes, quand on s'organise, elle non plus, elle dit, attends, j'appelle ma grande sœur là, elle appelle sa grande sœur, elle dit, non, ma copine, tu vois, la nuit, et tout, me dit, quoi? Bon, sa grande sœur nous trouve un marabout. Voilà. Ah, Un c'est comme marabout ça. Alors, en Côte d'Ivoire. elles étaient vraiment, ils ont trouvé un marabout à Paris, en France, il y en a. Wow. Oui, non. Mais oui, elles voyagent. Et donc, ils nous trouvent, on appelle ça aujourd'hui marabout, mais c'était, on l'appelait le voyant. Hein. Donc, ils nous trouvent un voyant. Et moi, je la remercie parce que, après, la grande soeur n'était pas oubliée. C'était pour aider, hein. Et donc, on prend rendez-vous avec ce voyant. Et c'est ce voyant, c'est pour, en fait, je voulais en parler pour dire, parce qu'il faut pas, on va pas faire l'angélisme, hein. Oui, on n'a pas de. Dès qu'il arrive un problème, et je suis sûr même aujourd'hui, les filles, dès qu'il arrive un problème dans le mariage, à la première personne, en fait, quand tu vas commencer à penser, voilà quoi, tu dis, tu vas consulter, et là, ça ne va pas, ça n'allait pas justement. Et quand je racontais ce qui est arrivé à ma copine, elle-même, elle a trouvé, non, ce n'est pas normal. Le travail, le truc, toi-même, tu ne trouves pas ça normal, la peine, n'est-ce pas, tu viens de rentrer chez toi, oh, il s'est passé quelque chose. Sa grande sœur a dit, trouver tout de suite que ce n'est pas possible, ce n'est pas normal, effectivement. Et on est allé voir un Béninois, c'était un Béninois. Installé à Ce Paris. Béninois. Oui, en fait, pas dans Paris, même à côté. Je sais, ils sont toujours dans les quartiers un peu comme ça. En périphérie. Dans les quartiers en périphérie et tout ça, quoi. Et donc, on va le voir, et c'est lui, effectivement, un monsieur, un papa, un vieux papa, c'était pas un jeune, cheveux blancs et tout, il devait avoir 70 ans et tout ça. Et il dit, et c'est lui, et il me dit, ah, vous avez des problèmes, vous avez ceci, votre maman a toujours quelque chose. Véridique, hein, moi je raconte. Parce que je leur ai dit aussi à ma famille, parce que ça crée des problèmes, puisque moi, ce qu'on me dit, je vais aller leur raconter. Ce qu'on m'a dit, j'ai tout raconté. Hein, et j'ai dit, non, voilà, votre maman est rentrée, elle est la cause, parce que si elle ne trouve pas attention, elle va devenir sorcière. Et d'autre part, toi, tu es rentrée, on t'a mis, il y a quelque chose qui est derrière toi. Tu vas tout bête. Voilà, et toute ta famille. Le monsieur Benoît, là, il a fait, chez nous, on appelle le Ngambi. Oui. La Rien voyance. que, oui, la voyance. Rien que regarder avec ces histoires-là. Il avait plusieurs, mais il y avait sur. Et comme par hasard, il m'a dit, toi, je te regarde avec, il te faut de l'eau. Il ne me connaissait pas. Il me dit, je dis, mais moi, pourquoi? Il me dit, non, c'est pas comme ta copine, là, qui est, mais toi, là, ouais, tu veux en faire de l'eau. Donc, voilà. Et il m'a dit pas mal de choses. Et concernant ma famille. Et à ce moment-là, bon, quand on Cet est. événement, si c'est lorsque ton mari t'a demandé de quitter la maison. Exactement, Oui. exactement. Donc. Est-ce Et qu'il t'a donc, expliqué le là, pourquoi, est-ce qu'il a expliqué le pourquoi ton mari t'a demandé pourquoi cette rupture subite? oui, il m'a dit que chez toi, il me dit, ne regarde pas tes copines. Parce que moi, tout de suite, on commence à penser, j'avais commencé à penser que, ah, peut-être que mon mari a une fille dehors qui fait, qui essaye, ou alors il veut, il a rencontré quelqu'un. Moi, j'étais très européen, basique, je ne sais Oui. pas, moi. Tu ne regardes pas du côté spirituel. Non, c'est vraiment, je n'ai pas pensé. Comment peux-tu penser que tu viennes? Comment peux-tu penser? Tu viens de construire, tu viens de faire, tu réalises des choses. Tu es constamment avec ta famille qui t'aime. Et tu reviens, tu penses qu'ils ont des raisons de quoi? Mais c'était, j'étais à mille lieues. Il pensait à cela. Moi, une copine ou quelqu'un m'aurait dit que c'est ta famille, j'ai dit non. On a seulement pensé, non, il y a, avant de voir le monsieur, que non, il y a quelque chose. Et c'est ce que j'ai dit. J'ai dit au monsieur, non, vous ne voyez pas bien. Moi, je suis sûre que mon. Je l'ai dit. J'ai dit, non, vous ne voyez pas bien. Moi, je suis sûre que mon mari, c'est. Et il veut aller voir une autre femme, c'est pour ça. Et là, le monsieur a répondu. Et ton travail aussi, là, ils veulent aller, ils veulent voir quelqu'un d'autre. Hein? Et je dis, le papa là m'a répondu comme ça. Moi, mais j'étais restée bouche bée. Ah oui, j'avais oublié. Il dit oui, parce que, donc pour dire que mon mariage était même plus important que mon travail, je ne pensais pas que le truc de travail qu'on est en train de me mettre dehors, Oui. je pense plus tant que mon mariage, parce que pour moi, c'était ça le plus important. Et c'est pour ça qu'il a dit, non, vous étiez. Il dit non, tu étais chez toi, tu as voyagé, nous, là, là, là, là, là, là, la poisse, là, t'es pas rentrée pas bien. Déjà, ce n'est pas bien, parce que, et puis, il me dit, est-ce que tu as des enfants? J'ai dit non, je n'ai pas d'enfants. Il dit, Et il me dit, ah bon, et tu en penses quoi? J'ai dit, m'en penser quoi? Moi, j'ai vu les médecins. Bon, au début, comme tu es jeune en France, tu vas consulter, tu vois les gynécologues, je me suis fait opérer une fois, deux fois, et après, on me dit, bon, tu es jeune, il faut attendre, ça va venir, ça viendra plus tard. Mais en même temps, ce n'est pas. Bon, on m'a déjà dit, j'ai déjà entendu que oui, peut-être que c'est ma famille et tout, mais je ne sais pas. Et du coup, comme je n'étais pas là pour ça, mais il m'a parlé aussi de ça, le fait que je sois, qu'on ait bloqué mon ventre et tout, il a dit non, il y a ton ventre, il dit bon, maintenant, chez vous là, toi, on t'a fait pour le truc, il y a ton ventre qui est bloqué chez toi, on ne veut pas le faire ici, il faut que tu ailles dans la famille de ta mère. C'est comme ça qu'il a dit, tu vas dans la famille de ta mère, là, c'est là-bas qu'il y a ton ventre. Le problème que tu as ramené, bon, c'est de ta famille, tu vois du monde, mais ce n'est pas pour nous tous, mais on veut te rendre que ton mariage là va finir. Elle m'a dit ça comme ça. Et effectivement, parce que j'ai tardé, je ne l'ai pas cru tout de suite, tout de suite. Et lui-même, il dit non, dans ce cas, parce qu'il m'a proposé, il m'a dit, voilà ma peur, justement. Il me dit, ah, mais si tu veux te traiter, moi je t'envoie, il faut que tu ailles au Bénin. Et moi, j'avais quand même là l'imaginaire. Dans notre imaginaire, on connaît le béninois, non? Avec le Bénin. vaudou, avec le vaudou et autres. J'ai dit, ah non, moi, je ne peux pas. Et d'ailleurs, dès que je suis sortie de là, avec ma copine, j'en ai parlé, on dit, mais on fait comment et tout ça là. Bon, il m'a dit quand même, dit, bon, il faut revenir, je vais te faire un bain. C'était ça le truc à l'époque. Il dit, c'est toujours les bains. Il me dit, je vais te faire un bain. C'est comme ça que ça se disait. Bon. Tu achètes ça. Moi, j'ai dit, moi, je ne veux rien acheter. Voilà l'argent, tu achètes. Moi, je viens te mettre mon blé. Et comme ça, parce que je ne sais pas, je ne connais pas le langage. Et c'était comme ça. et, Mais ce et, qu'il avait dit. oui. Et après la réaction, oui, après tu as eu fait le rendez-vous pour le bain. Oui, j'ai fait le rendez-vous pour le bain. Je suis allée pour le bain parce que c'était le bain, c'était tôt le matin, très tôt le matin. Et vers 5 heures, comme ça, il fallait. Je suis allée vers 5 heures, le temps de quitter là où j'habitais, le temps d'appeler chez Entre lui. le temps, tu quittes déjà ta copine pour y aller ou bien puisque ton mari t'avait demandé de déguerpir. J'étais avec mon mari, on était à couteau tiré, mais il ne pouvait pas me sentir, mais moi non plus, mais moi je suis pas partie. Mais tu vas dire. Et en même temps, donc, en sortant de là, on ne se parlait pas, et il est rentré, il n'avait rien dit, et puis bon, ça passait 2 jours parce que c'était le lendemain, et il me a dit, écoute, ça va se calmer, et tout. Et il m'avait dit, effectivement, il me dit, non, ça va se calmer, je vais faire des choses. À l'époque, on ne parlait pas, je vais prier pour toi. Il dit, je vais faire des choses pour toi. Et puis, comme ça va se calmer. Effectivement, j'ai vu que mon mari s'était calmé. Je l'ai vu. C'est-à-dire que le soir, il a pu même arrêter parce que dans la vie. J'ai dit, quand je passais, on se croisait, on avait un couloir entre le séjour et la chambre. Pour moi, c'est-à-dire qu'on devait se passer. Il s'arrêtait, qu'on ne se croise même pas dans le couloir. Pour vous dire, non, mais quand c'est raconté, j'ai vécu, ça faisait trop mal. J'ai eu tellement mal au cœur. J'ai pleuré de tout mon soul. Maintenant, au retour de C'est bien purificateur, oui. ce béninois, j'appelle, j'achète les cartes. Parce qu'en plus, à l'époque, on achetait les cartes. J'appelle le monde. J'essaie de joindre ma famille. Et je leur dis, et je raconte à ma mère. La première chose qu'elle se met, elle se met à se fâcher. Oui, tu vas voir les marabouts en France. J'ai dit, mais j'ai des gros problèmes. Je suis allée voir, on a dit, on vient de là. Et puis je lui dis, moi, fais attention parce que je ne sais pas, moi-même, je ne me vois pas bien. Fais attention, peut-être des amis, des machins. Tu es parti dans des tontines, là, dans des renards. Il s'est barré quelque chose. Moi, je ne sais pas. Et puis après, comme elle commençait à s'énerver, moi aussi, donc, comme je n'avais pas, moi aussi, j'ai commencé à m'énerver. J'ai dit, bon, maintenant, ça suffit, parce que moi, je vis des situations difficiles. Je vais au Cameroun, moi qui vous aide et tout, personne. Vous êtes même incapable de me demander comment ça va. Et en plus, j'apprends que vous allez faire des choses. Donc, c'est qu'avec quel argent? L'argent que je donne, puisque j'avais de l'argent, on avait acheté le terrain sur l'axe lourd. Voilà. Le terrain de l'axe lourd est en construction. Il fallait commencer à construire. J'avais vu un cousin qui était maçon et tout. Tout ça, je faisais ça pour eux. J'avais donné l'argent pour acheter un autre terrain vers Mwanko, du côté de Kribi, en fait, du bord de plage. Enfin, voilà les. Parce que je ne veux pas parler des réalisations de tout ce que j'ai fait. Mais quand tu viens de faire ça, quand tu es en train de le faire, en même temps, on n'a pas le temps. Et je rentre, j'ai plein de problèmes. Et je lui dis, mais ce n'est pas. Mais je dis, vous êtes en train d'enjoy là-bas, là, et moi. J'ai dit, mais non, ça ne va pas. Et comment ça se fait? Voilà, bon, je suis dehors. Elle me dit, comment ça? Après, ça part dans les problèmes. Le frère, même mon frère qui se mêle, un de mes frères, parce qu'il y a un, lui, il ne parle pas. Il peut avoir tous les problèmes, même la terre peut se tourner là. Lui, il ne dira jamais rien dans la famille. Mais il y a un qui parle. Elle me dit, oui, on apprend que. Là, du coup, moi aussi, c'est vrai que ça aussi, c'est mon caractère. Il ne faut pas que je m'énerve. Quand je m'énerve, je peux remuer la télé. Je pense que j'ai appelé toute la famille. Et là, j'ai dit à tout le monde, j'ai dit voilà. Et j'ai commencé à dire que si vous allez prendre votre sorcellerie, ce sera, ça ne va pas m'arriver. C'est pas pour. Est-ce que c'est pour moi, c'est pour le truc? Parce que ça ne change pas, parce que ce n'était pas là avant. J'ai dit, enfin, à ma connaissance, puisque moi, je n'avais jamais été souffert, j'avais jamais souffert. Peut-être qu'il y a d'autres, voilà aussi, ça, c'est aussi des problèmes. J'ai dit voilà ce qui arrive. Et quand je leur ai, du moment où j'aurais dit ça, que j'ai vu quelqu'un et qui a dit ceci, ceci, cela, ça a créé tellement de problèmes. Moi-même, après, j'ai commencé à culpabiliser. Et donc, du coup, j'ai laissé. Et c'est ça que le mariage, donc là, du coup, du jour au lendemain, mon mari rentre, il me fait un chèque, il me dit voilà. Et moi-même aussi, après, on ne sentait plus bien. Et je ne sais pas, un matin comme ça, c'est moi-même encore qui ai pris, j'ai dit voilà, je vais me prendre un appartement, j'ai pris mes affaires, j'ai pris mon sac, j'ai dit. Je vais prendre un appartement, j'ai téléphoné, j'ai commencé à chercher un appartement, j'ai pris un appartement et tout, dans le 8e et tout ça. Et c'est moi qui a payé. Hein. C'est toujours Et lui il qui a me donne payé. l'argent que j'ai payé. Mais il avait l'argent, donc il me donne l'argent que j'ai payé. Mais là même, c'est moi-même. Mais est-ce que tu étais conscient de ce que tu faisais? Non, en fait, comment expliquer? Je ne sais pas. C'est comme si je l'ai téléguidé. Ce que je fais, c'est-à-dire, je fais comme si, et même jusqu'au divorce, c'est moi-même qui suis allée au tribunal, j'ai demandé. C'est-à-dire que quelque chose, mais c'est incroyable. Même, j'ai dit, mon mari était venu dans l'appartement, il me dit, quand il m'appelait, il me dit, tu es sûr que tu veux venir? Il me dit, bon, on va séparer, comme ça va me faire du bien. Moi, non, je vais divorcer, on va séparer, parce que comme ça, quand tu m'as mis dehors, et pourtant, c'était déjà passé. Moi, maintenant, qui commençais à le détester. C'est-à-dire que comme lui, il m'avait détesté. Je pense que ça s'était investi. Maintenant, c'est comme lui m'avait. Et c'était Mais investi. tu ne Et semblais pas donc, mais tu ne semblais pas maîtriser la situation qui t'arrivait. non, pas du tout. Pas du tout. Pas du Ça tout. veut dire que C'est-à-dire. les forces occultes étaient là manipulant ta vie spirituelle et toi n'étant pas au courant de ce qui se passait. Oui. Ceux qui sont capables de faire, effectivement, voilà ce qu'ils ont fait. Et donc, j'avais ma ça, c'est ça. Et deux fois, hein, parce que je raconte pas le premier. Hein. Et donc, du coup, ça m'a. Ma vie a commencé à aller à crescendo. Oui. C'est-à-dire. Oui, avant que tu n'avances, maintenant, tu te retrouves au carrefour où le divorce est prononcé et c'est toi-même qui sollicites le divorce pour que tu coupes là maintenant, ne sachant pas ce qui t'arrive. Mais est-ce que à un moment donné, tu as pensé à ce moment-là peut-être au suicide et autres, puisque généralement les gens sont à bout, c'est ça, c'est ce qu'ils pensent. Je n'arrête pas d'y penser. Même là où je vous parle, même je te tutoie, même là où je te parle, là, Oui. je n'arrête pas d'y penser. Et là encore plus. Oui, donc il y a la C'est-à-dire pression de cela. que jamais j'ai tellement. J'ai un ras-le-bol. C'est pour ça que je vais le dire, que même si je parle, je me suis dit, au moins tout le monde sera au courant, et au moins eux aussi seront au courant, parce que ce n'est pas d'aujourd'hui. Et puis. De tous ces événements, je me suis vraiment battue et chaque fois je sollicitais, en fait, que pouvais-je faire d'autre? C'est retourner vers, on retourne vers sa famille, non, vers sa source, non? Absolument. Et c'est justement dans ta famille, justement, que vient la source des problèmes. On ne peut pas se retourner vers la famille et je ne sais pas pourquoi. Et à chaque fois, je retournais vers la famille. Donc voilà, même que mes copines, si bien que je ne voyais même plus. Et attention, cette copine, cette Ivoirienne, c'était ma meilleure amie depuis l'avant qu'on se fait connu en France. C'était ma première amie, c'est une amie. Et je me suis séparée d'elle, c'est-à-dire je n'aurais même plus à voir. Eh bien, une fois, je suis retournée seule chez le monsieur et je lui ai dit, je l'ai appelée, elle n'avait pas le temps. Donc j'ai dit, bon, ben, j'y vais, j'essaie de trouver le chemin. Et quand je suis retournée, le monsieur, il m'a mal reçu, il m'a dit, mais attendez, là où vous êtes là, parce que justement, j'étais dehors et j'avais déjà tout l'appartement. Et ça allait tellement mal. Et il m'a dit, mais votre mari, il vous aimait tellement. Et ça, c'est vrai, tout le monde pourrait le dire. Et jusqu'à aujourd'hui, je peux le témoigner. Il nous aimait tellement, mais vous avez fait une connerie. Vous êtes venu ici là, vous n'êtes pas. Et vous n'êtes plus revenu, non, vous avez dit de revenir. Je me dis que de toutes les façons, vous montez, vous descendez là, c'est fini et c'est votre famille. Donc allez demander maintenant à votre famille, parce que je me dis, pourquoi vous avez téléphoné? Parce que j'ai téléphoné à ma famille pour le raconter. J'ai dit à ma mère, j'ai dit à mes frères, à mes soeurs, j'ai dit à tout le monde. Et là, le Parce que. marabout, et là, tu n'as pas dit au marabout que tu as téléphoné, mais lui, il te dit que tu as téléphoné. Oui, il me dit, j'étais allé leur dire. Pourquoi tu as dit? Au début, j'ai d'abord voulu mentir. J'ai dit non, non, Après, il dit non. Il me dit, écoute, après, j'ai dit oui, j'ai téléphoné. Il me dit, ah. Il dit, donc, du coup, tu leur as donné la force, c'est-à-dire que ce qu'ils devaient faire. Mais moi, je dis, que tu l'acceptes pas. Voilà, même ton frère, ceci, cela, voilà ce qui est arrivé et c'est ce qui lui fait passer. Et j'avais dit ça aussi à ma mère. Et donc, du coup, j'étais Et ta maman dans tout désemparée. cela, et ta maman dans tout ça, quelle est sa responsabilité dans tout ce qui t'arrive? Je n'en sais rien. Sa responsabilité, comment? Je. Et pas de sa responsabilité, qu'est-ce qu'elle a fait en tant que mère pour t'en sortir, pour te sortir de la situation? Bien, est-ce qu'elle est impliquée de près ou de loin? Elle n'a rien fait. Là, par contre, je dis la vérité. Et c'est ça qu'aujourd'hui, peut-être que j'ai pris du temps pour me rendre compte, pour réfléchir. Elle n'a rien fait. Mais je sais qu'elle dit toujours que, comme je suis sa première fille et qu'elle m'a toujours aimée, et puisque les autres disent aussi, oui, maman t'aime plus que les autres, enfin bon, bref. Elle n'a. Elle n'a rien fait, puisque elle dit qu'elle ne sait pas. Parce que je lui ai posé la question. Alors, dans tout ça, parce que moi, je suis. Et puis, je suis en même temps. Là, j'étais dehors, j'étais pour le truc. À un moment donné, bon, plus de travail, donc je cherchais un autre job. Et entre-temps, bon, j'avais quand même de l'argent. Je ne manquais pas de pas mon mari et puis de pas mon travail, puisque même mon argent, je ne manquais pas. Et quand. En France, quand tu as travaillé, je touchais mes acédiques et j'avais 2 300 euros que je touchais des acédiques parce que j'avais un très bon salaire et j'avais un business, j'avais fait des business de cheveux. Mon mari, il avait, donc je ne manquais pas. Donc je pouvais rester 3 mois, 6 mois sans travailler réellement. Donc ce n'est pas, je pouvais vivre, je pouvais payer même mes appartements puisque ça revenait. Et donc, entre-temps, donc je me suis dit, OK, voilà, je prends mes pieds, et ça, c'était en 2007. Je prends mes pieds, encore, je prends le billet d'avion, je vais au Cameroun, parce que j'ai dit, bon, voilà, c'est tout, il va Après tous falloir, il ces faut faire. événements que j'ai racontés là. J'étais de. Oui, mais attends, est-ce que ma famille, je vais la. Pour moi, c'est même la solution était là-bas. Qu'est-ce que j'étais à Paris, je n'avais personne. Et c'est là où. Que ce soit les cousins ou les oncles, J'étais seule, comme je le suis aujourd'hui, comme je le suis aujourd'hui en Allemagne, comme je le suis. J'étais seule, seule, et j'ai toujours été, ça a toujours été comme ça. Donc personne de la famille, malgré que tu les soutenais, dans ton moment de désespoir, personne n'a pu porter ton fardeau avec toi. Non. Même au moment où, je vais le dire parce que comme ça il saura, au moment où mon cousin qui est comme mon frère, on a grandi ensemble, se mariait, parce qu'il s'est marié en juillet. Il était venu parce qu'il était au courant, je lui racontais, parce que je lui ai dit, c'est lui qui était témoin de mon mariage. Lui-même ne comprenait pas, mais lui-même aussi vivait une situation, il était en train de se séparer. Oui. Il était en train de se séparer, de divorcer, il était marié à une réunionnaise, et la femme, elle avait, elle, lui, alors, elle avait tout pris dans la maison en partant. Et donc, je ne pouvais pas lui se charger de ça. Et au moment où, ça, c'était entre parenthèses, c'était avant. Et puis même, quand il s'est remarié, et il avait trouvé une Camerounaise et tout, moi, je trouvais ça, et ça a été vite, bon, ça, c'est autre chose. Mais au moment où même, il se remariait, ça avait vite, il avait fait la fête et tout, à la salle hausse, derrière les gens disant, enfin, ça, c'est plus grand, ça. Et moi, je vivais une situation comme ça, mais je ne pouvais pas lui raconter et gâcher, je ne peux pas gâcher la fête des gens. Et puis, mais ça se lisait, ça pouvait se voir sur mon visage que j'étais triste, parce que moi, Nelly, on m'appelait toujours une fille, je ris tout le temps, je suis joyeuse, j'étais tout, mais quand quelqu'un est triste, ça ne va pas, ça se voit sur son visage. Et là, tu prends la décision d'aller encore au Cameroun, là où il y a ta source de problème. Quelle était ton intention d'y aller? Je charge. Mon intention d'y aller, mais moi c'était la famille, et comme j'en ai parlé avec j'essaie de faire ça comme ça, j'en parlais avec mes soeurs, et puis même avec, j'ai dit bon, je vais y aller, je vais voir pour. Non, parce que je sais que c'est vrai qu'il y a ma soeur qui m'avait dit bon, oui, attends, bon, comme tu vis pour le truc comme ça, viens ici, dans ce cas-là, peut-être on verra. On va aussi voir, parce que ce que tu dis, que les sorcières, parce que j'étais devenue aussi la pari à ceux qui amènent les problèmes à la famille. Et ils disent, viens ici, dans ce cas-là, on va voir si, comment s'en sortir. Et j'en parle à une amie d'enfance, ça fait des amis d'enfance, des copines qui étaient, bon, on se dit sœurs, hein, puisqu'on a grandi, on était ensemble tout petit, là, au quartier à Bonafeso, au Bonadouma. Et elle me dit, non. Viens, ne reste pas seul comme ça, parce que justement, moi, je commençais aussi à avoir des idées de suicide. Et donc, il y a une qui me dit, non, tu viens ici, peut-être on va trouver une solution, et puis peut-être aussi s'arranger. Et moi aussi, je voulais aussi venir pour venir leur parler face à face. J'avais ce souci en fait. Et effectivement, quand je suis arrivée, j'arrivais à mon prison. J'ai vu les frères et sœurs, et même là où j'ai des problèmes, eux venaient me demander de l'argent. Ils ont dit Maniaka. l'arbre de l'argent est venu. Maniaka, c'était toujours comme ça. Une autre femme qui me dit, aïe, Nikamputawane, quel est le sac alors que tu as amené? Puisque les enfants, j'avais amené, j'avais donné moi mes affaires que j'avais, le Versace et tout ça. Aïe, ton sac là, quand je l'amène à la tontine, aïe, ma fille, aïe, ma fille, aïe, ceci, aïe, cela. Moi, je suis dans les problèmes. On me demande pas que. J'ai mal au fond du cœur là-bas, je veux une solution. Personne pour me dire, allons même voir un pasteur, allons voir un abbé, allons faire ceci, allons cela. Donc, je dis que je remercie beaucoup mes amis qui m'ont aidé, qui étaient là, parce que j'ai une amie, une très bonne amie, Bafan, qui vit à Douala. Elle m'a soutenue. C'est elle qui me dit, t'as dit, l'une des soeurs qui dit, viens. Qui m'a fait inviter, même fait prendre le petit déjeuner ou prendre le déjeuner. Inviter. Tu sais, parfois même manger l'avocat. Hein. Ma famille ne le fait pas, hein. Ne l'a jamais fait. C'est moi, ça veut dire, ils attendent que moi je vienne. Donc quand j'arrive là, le marché là, tout est assez, ils attendent. Mais inviter que même la bière là, que bon, je ne bois pas de temps en temps, enfin, il y a même le Fanta, le Coca et tout ça là. Donc moi, ils savent que je bois du vin, mais le vin est cher, mais dites-moi, ou même une bière, ou autre chose. Quand ils arrivent, tout le monde, on vient en attendant, comme je suis là. Et c'est le seul qui dit, ouais, ça dit qu'ils nous ont pas, ça dit qu'il n'y a même pas de bière ici. Donc c'est moi encore qui faut sauver, qui doit sauver là, de quoi aller. Et parmi eux, certainement, les personnes qui te font du mal sont parmi. Enfin, je suppose, mais je ne sais pas, je ne peux pas dire parce que jusqu'à présent, je n'ai pas je n'ai pas vu directement, comme on dit, ce qu'on me dit ou ce qu'on peut voir. Je ne peux pas, moi je n'ai pas les yeux pour voir. Oui. Et si on dit, on me dit quelque part, effectivement, j'ai eu une amie qui était en France qui m'a indiqué, une amie de Bafia, de l'Est, qui m'avait indiqué chez quelqu'un là-bas vers chez eux, quand j'ai voulu aller, parce que moi, comme je ne connais pas aussi bien le secours, je ne peux pas parler de transport, donc je leur demande l'aide. Je dis, attends, Oui. on m'a parlé, il y a quelqu'un là-bas qui peut aller voir et tout. J'ai dit à ma mère que ma mère a fait, elle a refusé de m'accompagner. Elle a refusé de venir. J'ai dit à ma petite soeur, ma seule, la seule qui a voulu venir, c'est ma petite soeur. Je dis, on m'a passé ma petite soeur, la dernière, elle était toujours collée à moi. Elle me dit, Nelly, là, elle est top. Même comme on ne connaît pas les gens, on va demander, moi, tu veux parler, mais habite-toi en Kaba, parce que toi, là, on te voit tout ce que tu viens de France. Oui. Sinon, on va te... C'est comme ça. Donc, on est parti et tout. Dès qu'on est parti, je suis arrivée chez ce monsieur parce que je voulais la solution. Justement, je voulais savoir, tout le monde, on cherche une solution. Le monsieur, un monsieur, à plein fond de Yaoundé là-bas, là, et Wondo là, moi je Oui. ne connais pas, là, entre Wondo et Bafia là. Oui. Et donc, et lui, il nous a dit, il m'a dit, viens, tu as des problèmes, toujours on sort mon problème de ventre, tout le temps, toujours. Lui aussi, il a parlé de problème de ventre, il dit, oh, mon ventre là. Il me dit, il n'y a pas d'enfant, mais tu devrais avoir de l'enfant, mais avant que je t'aille faire quoi que ce soit, allez me chercher. Il me dit, c'est ta soeur là, vous êtes soeur, non? Il me dit, oui. Il me dit, allez me chercher, ah, venez ici là avec votre mère. Oui. Ma soeur, petite soeur, même si elle commençait à se fâcher après moi. Oui. Quand on est rentré, ma belle-sœur est allée tout raconter à la maman. Et là, ça me pousse encore à poser la question que j'ai posée tout à l'heure. Quelle est la responsabilité de ta mère dans toutes tes affaires, dans tout ce que tu as de traverser? Tu me dises quelle est la responsabilité de ma mère, parce que moi, je veux savoir. Ok. Donc, on va parler cela. C'est pour ça que j'insiste sur la question. Souviens-toi, il y a une question qui est en off que j'ai posée dès le départ et tu m'as dit que tu vas y revenir sur le questionnement sur la disparition de ton grand-père. Souviens-toi de cela. On va y revenir. Donc, Oui. j'ai insisté deux fois sur la question, le questionnement de ta maman. D'accord? Donc, au finish, avançons. Au finish, en sortant du Cameroun, est-ce que tu es sorti avec la solution? Enfin, si tu avais la solution, tu ne serais pas devant moi là aujourd'hui. Non, voilà, si j'avais eu la solution, je ne saurais pas. Parce que justement, le monsieur a dit, amenez la maman. Oui. Moi, Et la maman ne je peut pas venir. Et regarde la maman ne veut pas venir. ma petite soeur. Ma petite soeur commence à faire. Je lui dis, ah. Et elle sort de chez le monsieur. Il n'avait même pas un endroit pour consulter. C'était dans son, sa case là, c'était dans sa Oui. maison. Et après, on reste. Elle me regarde et dit, ouais, ma fille. Il me dit, vous n'êtes pas ici. Hein. Je dis, non, on va pas. Et donc, je me suis, en fait, c'est parce que je me suis mis à pleurer aussi. Les larmes ont coulé tout seul. À un moment donné, tu sais, Oui. quand tu as la peine, tu as beau, quand à un moment donné, les larmes ont coulé tout seul. Il me dit, non, je pleure pas, mais quand la maman viendra, on va pleurer sur ça ira. Il me dit, vas-y. Je dis, ok. Je dis, mais alors, parce que, bon, je dis, ouais, pardon, tu peux même pas faire quelque chose là, maintenant. Maintenant, il me dit, non, je ne peux pas faire, je ne peux pas. Pas faire ton problème là, il faut que ta maman vienne ici là. Et donc, j'ai dit ok, bon, on part alors. Alors. Il dit oui, ok, au revoir. C'est comme ça, hein? Il dit ok, au revoir. Peut-être que lui-même il savait qu'on n'allait pas revenir. Et donc, du coup, quand il est parti, tout le long du chemin, c'est-à-dire, on a pris le car, on a pris deux cars. Entre cet endroit-là, on arrive à Yaoundé, Yaoundé, et ensuite on prend le car pour aller à Douala. Donc, on a pris le bus là. Ma soeur ne m'a pas parlé. Mais pourquoi? Elle était fâchée. Elle me dit, oui, je vais. Voilà, on commence à aller pour la maman. Elle se fâchait. Moi, je lui ai dit. Et d'ailleurs, j'étais très, très en peine. Et donc, et c'est depuis ce temps, je suis en peine. Après, je parle, parce que pour moi, je parle, on arrive. C'est qu'à un moment donné, j'étais là, donc, on s'est arrêté, justement. J'avais mon amie là, ma copine, elle habitait pour le moment encore à Yaoundé, elle n'était pas à Douala. Donc, je m'arrête chez elle, ma meilleure amie là, là-bas, fin. Et je lui parle, elle dit ouais, elle écoutait, elle dit ouais, vraiment. Comme on connaissait bien. Bon, elle me plaint un peu, et puis on part, je dis bon, je vais rentrer. Elle me dit bon, moi-même, je vais aussi chercher. Je lui dis merci, mais je vais rentrer. Elle me dit ne rentre pas à Douala, tu ne peux pas rester ici chez moi, on reste là, on va même. Si tu veux même, on sort même un peu, regarde, on va essayer de voir même les banques. Tu sais. Bon, elle me parle, il y a des gars. Que je m'amuse un peu, tu sais, parce que, bon, elle me voyait très en peine, elle me dit, tu vas Oui. venir en Europe comme ça. Oui. Et c'est tout. Maintenant, je reconnais qu'elle faisait tout pour essayer De te rendre la gaieté. de guetter. Après, j'ai dit, non, je parle. Elle me dit, ouais, mais tu es obligée de rentrer à Douala, vraiment. Moi-même aussi, je regarde tes enfants sont là, ta fille est là et tout, parce que je suis en train de guetter. Et donc, du coup, j'ai dit oui, je rentre. Et donc, parce que quand je suis rentrée, donc, c'est que là, peut-être même c'était déjà par téléphone ou quoi, la mère était déjà, maman était déjà au courant. Donc, aïe, aïe, aïe. Ça m'énerve même les problèmes comme ça. Même de raconter ça même maintenant, ça me fait tout drôle parce que, et je leur ai dit ce qu'ils n'ont pas compris, c'est que parfois les mots, à un moment donné, j'avais l'impression, mais ce n'est pas une impression, c'est-à-dire qu'à un moment donné, tout s'était ligué contre moi. Oui. La mère était au milieu et il y avait mes deux frères, bon, un qui ne parle pas, lui, vraiment, il ne parle pas, le taximan là, il ne parle pas. Et le frère qui était pour. Et que lui-même, et quand ils avaient des problèmes, attention, quand ils avaient des problèmes entre eux, qui c'est qui les arrangeait, c'est moi. Lui-même, il s'était fâché avec la maman, notre maman, pendant un moment, très longtemps. Pendant tant que je ne parlais pas à cause d'une histoire, mais comment je suis loin, je ne veux pas trop rentrer dans les histoires parce que je me dis, je ne sais pas où est la vérité. Qui va te dire? Chacun va te donner sa version. Mais tout ce que j'avais fait, et j'avais fait en sorte que qu'ils se réconcilient. Donc tout ça là, et que même entre frères et soeur, parfois il y a des problèmes, non. Bon, moi je suis la grâce, c'est normal. Mais après, j'arrange, je dis, bon écoute, il y a tel là, puis je leur dis, il faut parler, puis je les remets. Mais quand il s'agit là, mais là, c'était même rien. Donc le problème était là. Et après, il commence à dire, oui, ma mère est venue, donc je vais chez mon petit frère. Et en plus, dans tout ça, c'est moi qui lui ai payé la maison, la maison, la vie. Non, mais il y a des choses. Je lui avais dit, comme il est grand, j'ai dit, ok, quitte maintenant la maison familiale là, parce que c'est pas bien, et puis tu as déjà ta fille. Il avait déjà une femme, bon, pas, je sais comment c'est vraiment là. Bon, ils avaient déjà un enfant, que tu sois seul, tu as 30 ans, bon, maintenant, tu commences aussi ta vie, quoi. Et j'avais l'intention, j'étais allée voir une femme, il y avait une maison à l'étage qui était en construction, je voulais qu'ils habitent ensemble, mon frère et ma petite soeur et tout. Donc, il a avancé 1 million là dans la maison n'était pas finie. Donc, j'étais en même temps en parallèle en train de faire ça, malgré mes problèmes, hein. Donc, je me. Et donc, je vais chez mon frère, je quitte chez. Dans la maison familiale, je quitte chez ma cousine parce que j'étais chez elle. Elle, là-bas, chez elle, j'étais tranquille. Comme elle était une villa, il y avait la maison. Et puis, chez elle, elle était dragon. On dit, tout le monde l'avait dit que personne ne venait chez elle comme moi. Quand j'étais là, c'est là où les gens venaient chez elle. Sinon, personne ne met pied chez elle. Et, mais maintenant, j'ai envie et je vis maintenant comme elle. Parce que je n'étais pas comme ça, comme elle. Et Donc, elle m'avait toujours les dit, mais dis, circonstances oui. et ce que les gens ont fait ont rendu comme ça. Oui. Et c'est vrai qu'elle me disait, les gens, si Annelie, papa, te barrer, les gens, s'ils vont te bouffer. Si tu les tombes, ça lui a toujours allé. Et moi, j'étais là, je souriais. Les autres venaient se plaindre à mes oreilles. Oui, c'est si, aïe, tu viens chez elle, agnagnagna, parce que déjà, il y avait les chiens. Et comme il y a les gens qui ont pas de chiens, donc, mais j'étais tranquille chez elle. Et c'est là où. Je sors, je vais chez mon père. Sortant de ce monsieur-là, donc on était déjà là. Ma mère, elle arrive, elle était déjà au courant. Donc moi, je savais que ma petite savait déjà tout raconter, déjà maintenant à la mère. Elle était mise. Une colère comme ça, là. Pourquoi ta mère était Mais en je ne colère sais au juste, alors qu'on l'appelait juste? Mais je ne sais pas. Elle était au courant. Elle dit oui, je salue son nom. Comme je viens, maintenant, elle fait la séparation de ses enfants parce que ce sont mes frères, mes demi-frères et soeurs. Moi, j'ai mon propre père qu'elle a eu avant. Elle m'a eu avant, avant d'aller à ce mariage, avant que son père ne la marie à ce mariage. Donc, elle dit oui, mes frères, les enfants ne viennent pas perturber. Maintenant, elle m'a dit les mots vraiment très blessants. Tu viens perturber mes enfants, mais viens, comme si moi j'étais plus son enfant. Hein. Les enfants, tu viens semer la zizanie, les enfants ne viennent pas pour nous. Tu prends. Comme madame, elle m'a fait parler. Je ne me disais jamais parce que c'est madame. Comme tu as ton argent, tu vas chercher, tu vas chez le marabout. Quand tu vas chez le marabout, n'amène pas mon nom. Quand tu vas, ah bah, j'ai dit, si, tu te calmes, je n'ai pas prononcé ton nom. Je n'ai pas, moi j'ai mis le nom. J'avais le nom là que toi, mais vous avez. Après un moment donné, moi j'ai aussi, j'ai la bouche. Je dis, pardon, maintenant tu arrêtes. Maintenant vous arrêtez. Jamais ton nom même, tu les marabouts. Moi si j'ai envie de prendre l'argent de quelqu'un, c'est la vôtre. Vous avez même quelle chance. Voilà moi aussi, je commence à porter ma part. C'est comme ça que ça. À se gâter. On reste là dans la maison. Pendant ce temps, elle dit, bon, comme on est là même, on ne boit pas. Et pendant ce temps, je donne l'argent, on peut dire qu'on a acheté la bière, qu'on a acheté ceci, la boisson ou les tocs, pour que tout le monde puisse boire et manger. Mais on ne mange pas ici dans cette maison. Voilà, l'argent va aller manger. Et même dans ce temps, on est en train de manger. Non, mais Et il y vous a. dormez dans la même maison. Maintenant, non, mais on ne dormait pas. Moi, je ne dormais pas avec eux. Je ne dormais pas là-bas. J'ai dormi ailleurs. Et donc, du coup, mais j'attendais. Et c'est là où elle dit, parce que moi j'avais signé. Alors quand elle a sorti, elle dit non, parce que il y a ma soeur, Mouna, elle dit que toi tu as dit, tu racontes partout que je suis sorcière. Oui. Je dis, ok. Moi, mais c'est maintenant moi qui raconte partout que tu es sorcière, je raconte pas. Je dis, c'est quoi cette histoire? Donc comme ça a fait le tam-tam là. Le tam-tam a fait. Donc du coup, tu, moi je dis, mais moi je n'ai jamais eu. Comment moi je n'ai même pas le numéro, je n'ai pas le numéro de cette tante-là, de ta soeur. Comment je veux. Oui, quand tu dis alors, bon, peut-être que son frère, enfin son fils à Paris. Je lui ai dit, j'ai dit, bon, maintenant ça suffit. Donc, il ne faut pas que maintenant là, que les gens profitent, mettent mon nom devant. J'ai dit, si eux-mêmes ils sont curieux, je dis, toi-même, maman, toi-même qui es assis là, toi tu sens comment? Parce que je lui ai posé la question. J'ai dit, tu sens comment? Moi, je raconte ce que je sens, ce que je vis. Regarde-moi, j'étais anxieuse, j'étais pour le truc. Après, mon frère m'a sorti, il me dit, ouais, Nelly, c'est vrai que tu n'es pas comme la dernière fois là quand j'étais venue, parce que. Et tout ça. Et là où je capte, j'ai dit, oui, j'avais oublié. Le monsieur, il me dit que non, vous avez un masque. Et vous avez quelqu'un. On dit non, il y a quelqu'un derrière vous. Et pourtant, le monsieur m'avait dit qu'il y a quelqu'un derrière moi. Donc moi j'ai dit mais c'est quoi ça veut dire quoi t'as quelqu'un derrière toi? Mais en fait j'avais pas compris. Et même le monsieur là il dit mais vous avez un masque et puis il y a quelqu'un derrière. J'ai dit ah non j'aime parce que moi je pensais que c'était que j'ai quelqu'un Qui veut t'épouser, qui quoi? Ouais. me j'ai honte de ma naïveté de l'époque parce que là je suis plus naïve. Non, Aïe. comme tu as Non, dit, non. comme tu as dit, l'environnement dans lequel tu es parti et votre époque n'était pas assez spirituellement avancé comme ça là. C'est le monde, nous sommes dans le monde Oui. Android maintenant. Tout va vite. Le Wi-Fi, c'est sans fil et ça va très vite. Les transferts se vont faire très vite. Tout à fait. C'est, oui, on ne galère pas aujourd'hui. C'était vraiment la galère, et puis on dépensait, c'est vraiment parce que sinon ça aurait pu se faire par téléphone, par truc et tout ça. Et donc ça s'était passé. Et là, tu es Et. rentré du Cameroun sans solution à tes problèmes. Enfin, le tout, de façon, je le dis encore, si tu avais la solution, tu ne Oui. serais pas devant moi aujourd'hui. De toute façon, quoi qu'il en soit, parce qu'ils ont essayé, j'ai eu des amis même qui ont essayé, tu vois quelqu'un, on te raconte toujours la même chose. Et puis en plus, à un moment donné, ce qui m'énervait, c'est que j'ai vu deux autres personnes, un marabout, hein. Après, amenez pas des copines, hein, pas des amis. Et puis bon, c'était très gentil parce qu'ils voulaient m'aider, hein. Attends, moi vraiment, je les remercie. Parce que personne de ma famille ne l'a fait, hein. C'est que les amis. Et ça aussi, c'est un truc bien qu'aujourd'hui, on décrit sur, parce que c'était des tradis praticiens. Personne de ma famille, personne. Et pourtant, ils vivent là, ils sont au fond là. Mais justement, je sais aujourd'hui qu'eux, ils dorment là-dedans, mais jamais. Il n'y a que mes amis. J'ai deux ou trois amis qui m'ont aidé, qui ont dit que oui. Je leur remercie de tout mon cœur. Que pour aller voir, même si les gens là aussi, pour eux, et puis c'est toujours me raconter la même chose. Ton ventre, ton ventre. Même qu'à un moment donné, ça m'énerve, je dis non, je ne viens pas ici là pour mon ventre. J'ai un. Enfin, j'ai mon problème, je suis maintenant séparée parce qu'on n'était pas divorcés. Je suis maintenant séparée. Vous me parlez de vendre, tu vas accoucher. Je vais aller maintenant accoucher dehors, je vais accoucher que je suis plus mariée. Je vais, ah, il faut venir. Non, laissez-moi ça là. Je viens pour un problème. On ne me dit pas que pour le tout. Je suis allée jusqu'à Bamenda. Encore. Comment ça encore? Tu es là au Cameroun, non, tu cherches, est-ce que tu on te fait une copie, on te dit qu'on connaît quelque part. Moi, tu as l'argent, tu payes l'audio, c'est combien? C'est 9 000 francs, c'est quoi, non? Tu pas, tu vas, tu y vas. On te Raconte. dit, il y a un docteur quelque part, qui peut qui a la solution à ton problème, tu restes. Hein? Raconte. Non. Et l'épisode de Bamel, là, comment ça s'est passé? Ah, non, ça là. Ça dit, c'est le regret de ma vie. Courage. Raconte, tu es obligé de raconter. Courage. Ça, c'est le regret de ma vie. Parce que le jeune gars là, c'est pour ça que moi-même, dans les tradis parisiens, là, vaut mieux les papas, parce que les vieux là, et ils ne comprennent pas. Non, mais c'est pour ça. Quand les jeunes, quand ils regardent, Ouais. moi je suis un enfant, non? Oui, mais je dis pas ça pour ça, parce que pour ces histoires-là, parce que c'était un jeune, il avait 25 ans ou 30 ans, même pas maximum, je pense. On l'appelait docteur, on l'appelait encore, on avait surnommé docteur, on l'appelait docteur. Famenda. Ouais. Mal. Je pense qu'il a... Il t'a abusé ou quoi? Il t'a abusé ou quoi? Non, abusé de quoi? Il vous a Non. tout noyé. Et une fois plus, tu es allé avec ta petite soeur. Non, c'est-à-dire que j'ai dit que oui, je suis allée avec ma petite soeur. Elle est marchée avec moi, je la venais parce que j'ai dit, et puis je ne pouvais pas marcher, se prendre l'écart et tout. Non, mais eux-mêmes aussi voulaient, ils ne pouvaient pas me laisser. Et dit non, il y a des moments où vous parlez aussi, et elle parle les langues du Cameroun, elle parle le Bassa, elle parle le elle comprend bien, elle comprend le. Donc du coup, c'était plus facile. Tu Donc, vois? t'as vu que tu avais l'argent, elle a voulu t'abuser ou quoi? Non, c'est-à-dire que. Non, pas du tout. Oh, non, non, c'est un petit. Un petit, il était bien, en fait. Non, c'est-à-dire que j'ai dit que lui, tu voyais, en fait, comme je pense que c'est après j'ai su ça, ils sont un peu comme les Béninois, parce qu'il ne faut pas aimer, c'est l'argent. Donc, quand il m'a vu, il s'est dit que ça y est, il a attrapé sa femme cliente, là, qui, c'est-à-dire la grosse cliente qui est en Europe pour l'argent. Donc, je suis allée pour une séparation et que j'ai dit, voilà, il arrive. Mais il voyait bien. Il disait, évidemment, hein, avec ce qu'il avait, ils étaient entre eux, ils pouvaient voir les autres aussi pouvaient le voir. Maintenant, je vois ça. Parce qu'en fait, j'en ai parlé avec justement mon ami là. Maintenant, c'est-à-dire que. Et il disait oui, et c'est lui qui m'avait aussi dit. Je dis la vérité parce que là, lui-même m'avait dit pour ma maman, il dit non. Parce que j'ai dit non. Je lui ai raconté l'épisode que je ne comprends pas à ma mère. Et tout. Il dit non. Ta mère, elle n'est pas sorcière. Elle n'est pas. Ils font des choses, mais je ne veux pas te parler de ça parce que ça n'a pas d'importance. Tu n'es pas venu là pour ça. Mais comme ça, c'est pour ta mère. Ne lui en veux pas parce que elle a été. On l'a trompée. Ah, je lui dis, mais comment on peut tromper quelqu'un si on te dit que de s'asseoir? Bon, moi, comme je ne savais pas non plus bien comment ça se passait au Cameroun, et on dit non, mais elle s'en sortira. Si elle veut marcher, parce qu'elle s'en sortir de là, ce n'est pas ça. Donc, ce que, et c'est lui qui m'a expliqué, il dit non, ce que tu as vu et tout. Parce qu'il m'a expliqué, on était après dans la voiture, il m'a expliqué maintenant comment ça se passait, les congrégations de sorcellerie. J'étais pas seule, il y avait ma soeur, il y avait mon ami, il y avait tout le monde. Il me dit non, comme vous voyez là, même si la personne ne veut pas, parce que même mon frère, et là même ma vision ne commençait même plus à ne. C'est-à-dire à commencer maintenant à croire, parce qu'au début, personne, même moi, je ne croyais pas. Et là, ils ont commencé à dire, hein? Et c'est là où mon frère tenait la tête, on dit non, ce n'est pas possible. Notre maman ne peut pas être ce nous, pas rentrer dans le monde. Je dis, et il dit non, ce que tu as rêvé, ce qui est arrivé. Donc on casse. Elles ont cassé. Mais ça, il y a autre chose. C'est-à-dire, c'est venu renforcer ce qu'on t'a fait chez toi. Mais comme elle est rentrée dans ce cercle-là, c'est pour ça qu'on demande, tu es sa première fille. Et encore, tu sais qu'il y a des moyens et c'est la personne qui t'a dit que ta femme le fait mal. C'est pour ça que tu as vu chez toi, là. Et c'est que lui, il m'a expliqué. J'étais là, j'ouvrais la bouche, je lui. Que même bien que je lui ai demandé, j'ai dit, toi, t'es petit comme ça, comment tu sais ça? Il me dit, J'espère que toi mais aussi, tu est-ce n'as pas même posé la question, cette question-là, n'est-ce pas? Tu n'as pas même posé la question que pour, comme je suis petit là, comment je fais pour savoir telle ou telle chose, pas vrai? Oui, moi, c'est mes questions parce que je me dis, mais comment quand tu as dit ça? Parce que je voyais comme ça. Et il me dit, mais, et il m'a dit, mais est-ce que pour le travail, la force, on n'a pas d'âge? Bon. Là où on va, il me dit, et puis, bon, il me parle de que le travail, de que de ceci. Bon, pour le travail, c'était déjà fini. J'aurais un autre travail, effectivement. Parce que avant de partir, quand même, j'avais envoyé mes CV et tout ça. Et donc, le reste, pour le mariage, c'est là où j'ai dit que je regrette. Pourquoi? Parce que ce qui s'était passé, au départ, au début, il disait que non, il va te bloquer parce que ce qu'il y a. Ce qu'ils ont fait, ça s'est passé chez toi, ce qu'ils ont fait, ceci, bon, en tout cas, t'as pas besoin de savoir, tu me laisses faire. Et puis, moi, à un moment donné, je me dis, non, j'ai pas besoin de savoir, moi, je veux simplement guérir, je veux simplement que ma vie revienne comme avant. Il me dit, non, ça veut dire que revenir comme avant, mais ce qu'on peut faire, on va. Mais lui, là, quand on est arrivé, et il a dit qu'il voulait de l'argent. Donc, c'est l'argent qui a pris le pas. J'ai payé pour tous les autres. J'ai payé pour l'ami. Mais bon, ce n'est pas un problème parce que j'avais. Non, mais sincèrement, ce n'est pas un souci. C'est pas. Moi, ça ne me fait pas. Parce que c'était un service et tout. Pour un service, quelqu'un t'amènera un service. Elle n'avait pas d'argent. Elle aussi, elle avait des problèmes. Donc, moi, si j'ai 5 000 de ma famille de 200, je donne. Pourquoi ne pas donner? Il faut. Enfin, c'est un minimum, non? Et donc, je l'ai fait. Et comme il voyait que, d'ailleurs, il le disait, sa mère est venue, tout le monde. Comme après, moi, j'ai su qu'après, c'était un ami, même sa mère. Elle était dedans, elle voyait. Quand elle passe comme ça, là, ça dit que moi maintenant je dis, mais on m'a passé au scanner. Et je suis rentrée, genre je suis rentrée en France, il y avait. C'était pas résolu, j'avais toujours les mêmes problèmes, mais surtout que lui maintenant, c'est ça où je dis pour faire attention. Ces marabouts là, ils sont malades. En fait, c'est-à-dire que plus, c'est-à-dire que d'abord, mais ça fait depuis un moment que j'en ai même pas vu. C'est-à-dire plus jamais, je me suis juré. C'est depuis lui, hein, que je me suis juré que moi, Nelissi, mon pied là, plus jamais chez les marabouts. Qui dit que ceci, ce. Je n'avais pas besoin d'attendre d'avoir cette vision ou même c'est dit. J'ai dit non. C'est-à-dire que plus jamais, parce que quand j'ai compris ça, parce que moi de France, parce que même j'ai mon caractère, je demandais toujours la langue. Moi, je dis, est-ce que quand, parce qu'au niveau du travail, on devait me payer. Et puis, il dit que non, tu vas te séparer, ton mari va te donner beaucoup d'argent. Même quand il me parlait de ça, ça me choquait. J'ai dit, tu sais, moi, quand j'épousais mon mari, c'était par amour, j'aimais tellement. Nous, on s'aimait, c'est-à-dire que c'était quelque chose. Mais quand on parle d'argent, là, et tout, on me dit, il m'a parlé même plus que de ce que moi je savais. Les hommes là, comme vous les hommes là, vous ne dites jamais tout, vous parlez tout ce qui est caché. Même s'il y a encore quelque part un petit argent que vous voyez quelque part, là, il dit non, parce que on sait, tu sais que bon, nous les femmes, on va chercher, non, après on va te faire, attends, est-ce que tu peux? Donc, il m'a tourné, donc il voyait clairement. Sauf que, et ce qu'il avait bien vu aussi, que moi j'avais épousé mon mari, il était à la franc-maçonnerie. Donc, il a dit, parce que pourquoi je suis? Parce qu'il nous a dit, il a aussi essayé d'aller attaquer mon mari en France, là. Celui-là de Bamina, juste pour aller chez lui, là. Et lui-même, il vient encore. Il me dit, mais ton mari, là, est fort, là. Il m'a tapé, je dis, non, ça veut dire quoi? Mais moi-même, là, j'avais d'abord laissé mes problèmes. On a ri tellement que. Et ma en bon, ça se passe comment dans ce cas-là? Donc, il a fait ce qu'on appelle le voyage astral pour aller attaquer ton mari qui est franc-maçon. Mais c'est comme ça que maintenant que je sais que c'est un voyage Voilà. astral, est-ce qu'à un Là, moment-là, là, je te pose la question. Je te pose la question sur ton mari là. Tu savais qu'il était franc-maçon à ce moment-là. Quand vous étiez ensemble. Quand j'étais mariée avec lui, non, je ne savais pas. Donc, il était Non. sournois, il était cadre, un grand directeur, mais tu ne savais pas qu'il était franc-maçon. Aïe, papa. Nous, là, ça, là, moi, je n'ai jamais posé. Bon, je l'avais vu avec lui, il y avait des livres sur notre table de chevet. Oui, hein? oui. Mais comme j'ai même eu à l'ouvrir, parce que comme on dit toujours, oui, il peut les interdire, les ceci, cela. Non, j'ai pris comme ça, comme j'aime le bouquin, là, moi j'ai lu, bon, il y avait les figures et tout, etc. Mais ce n'était pas. Mais comment vous expliquer que nous, la plupart, parce que ce que je dis là, je suis sûre qu'il y en a qui vont se sentir concernés, la plupart des filles de notre génération, nous ne sommes pas comme les générations de jeunes du tout, c'est-à-dire aussi éveillées et curieuses. Curieux, on nous a éduqué le respect du mari, le respect de l'autre, le respect de que, tu sais qu'on ne parlait pas aux parents n'importe comment, tu as quelque chose, tu ne vas pas chercher dans le sac de quelqu'un, tu as le respect des choses, de, donc tu amènes ça, c'est-à-dire on a vécu ça tout le temps, c'est bien que même jusqu'aujourd'hui, certains peuvent me trouver que je suis raide pour pas cette éducation, je déteste quelqu'un prendre ou mon courrier. Et qu'aujourd'hui, j'ai mes jeunes nièces avec le mari, elle va, elle ouvre le courrier. Moi, j'ai dit, mais attends, tu ouvres le courrier là, c'est toi. Mais c'est mon mari, non, j'ai dit, alors, tu n'as pas. C'est-à-dire que, voilà. On n'a pas ce. On n'a pas. Il y a, pas y, a, y, a, y a un décalage d'éducation et de. J'ai tout. Oui. C'est-à-dire, nous, notre génération, et je suis sûre que même des familles qui sont mariées aujourd'hui, que ce soit européen ou noir ou blanc ou machin, ça n'a pas de couleur. C'est-à-dire, c'est le respect que. Le mari à sa place, donc il y a certains choses, il ne dit pas. Pourquoi tu vas laisser? Voilà. S'il te dit. Voilà. Si je m'arrête sur ton cas, c'est parce qu'il y a le sigle franc-maçonnerie qui a été mentionné. Et donc, beaucoup de personnes croient, il y a des gens qui sont mariés aux francs-maçons dans le monde, beaucoup de sœurs même dans le monde entier, des Africains qui sont mariés aux Européens, qui sont francs-maçons. Je suis en train de soulever ton aspect parce qu'il y a l'aspect des marabouts et l'aspect des francs-maçons je vais essayer de développer. C'est que ce marabout a dit qu'il est sorti, enfin, il allait attaquer ton mari, et ton mari est fort, hein? Et c'est là où il te révèle que ton mari est franc-maçon. Donc, effectivement, il est effectivement sorti pour l'attaquer. Et voici donc l'aspect, je vais donc expliquer, que les gens puissent comprendre. Les gens de la franc-maçonnerie disent que ce n'est qu'un cercle philosophique de réflexion, tout simplement. Alors, ben, d'où vient-il donc que dans ce cercle philosophique de réflexion, où ce n'est que la sagesse et autres là-bas, un cercle d'amis, de partage, de la science et autres là, d'où vient-il qu'il y a l'esprit là, au point où un marabout vient pour l'attaquer, il a les répercussions terribles, selon toi? Voilà. Eh bien, non, ce n'est pas que ça, parce que même aujourd'hui, c'est après ma séparation et que j'ai vu, parce que moi-même après, j'ai vu mon mari dans les rêves que j'avais jamais vu comme ça. Oui, raconte. Ce que justement le gars Bamina, a peut-être que ce qu'il avait provoqué, ce qu'il faisait, tout ça, ou l'avait fait, enfin, je ne sais pas. J'ai vu. Rêve. Et il est proprement comme ça là. Et me tirer. Et comme, bon, moi, je me parle aussi, comme on dit, je suis née chez les Sawa, hein. Bon, même que, c'est eux-mêmes même qui peuvent m'attirer, qui peuvent me mettre dans l'eau, mais tu peux pas me tirer. Toi qui viens d'ailleurs là, tu vas tirer. Donc, il me tirait. Et tout ça, et il était fâché. Et effectivement, moi-même, j'ai trop sur ma tête. Parce que sincèrement, et je me souviens, et j'avais dit justement au cadre la tête, ça m'est venu après aussi, c'est quand il t'arrive des choses qu'après ça t'arrive. Je sais qu'après mon mari me cherchait. Il voulait, même quand j'étais seule, à la maison, après l'appartement qui me payait. Moi, j'avais un très bel appartement derrière les champs de me dire. On pensait que c'est lui qui payait. Donc après, j'ai trouvé un autre dans le 16e parce que j'ai quitté là, il y avait trop de bruit. Je ne pouvais pas me reposer. Tous les gens qui voulaient faire la fête, c'était la rue là-bas. Donc nous, les appartements qui étaient derrière, on ne peut pas dormir et tout ça. Donc c'est bien quand on est jeune pour habiter, mais pas quand tu es responsable. Et donc du coup, je suis retournée, j'ai trouvé un appartement dans le 16e. Et là, l'appartement du 16e et tout ça, moi, bon, je payais, je travaillais déjà, j'avais trouvé un travail et tout. Et lui, il venait toujours. Là, physiquement. Oui, il venait physiquement, il me dit, bon, je passe, parce qu'il y avait aussi ses enfants que j'avais quand même élevés, qui m'aimaient bien, d'autres qui voulaient passer, jusqu'au moment où... il venait, bon, il venait aussi en même temps. Bon, là, c'est pas contre, c'est humain, c'est amour. Moi, j'ai dit, comme disait ma cousine, il vient faire le contrôle parce que quand il vient, il va dans la salle, il regarde combien s'il y a, combien de brosses à dents qu'il y a, ou un truc comme ça. Il fait le tour, quoi, comme s'il faisait le tour du propriétaire, et pourtant, on était séparés. Mais vous êtes où ce séparé, non divorcé? Oui, c'est pareil, non divorcé. Le divorce a pris du temps parce que comme je demandais, et il voulait pas donner, il calait et tout, parce que c'était question d'argent, et puis à un moment, et il m'avait dit, tu restes avec moi, tu as tout. Il dit ça, c'est ça, c'est lui, tu restes avec moi, tu as tout. Tout ce que tu veux, tu as la tout. Tu pars, tu n'auras rien. Le seul c'est qu'il m'a dit ça aussi. Moi aussi, ça m'a piqué. J'ai dit, mais attends, toi là, tu vas voir. Comment ça que, parce que je sens que tu as. Je dis, c'est toi qui me mets dehors. Et je lui ai dit, j'ai dit, mais c'est toi qui m'as dit de parler. Il me dit, oui, bon, c'est fini. Bon, il me dit, oui, c'était fini. Parce qu'en même temps, comme j'étais dehors, là, après, c'était calmé, hein. C'était comme si on voulait qu'on se sépare. Une force qui me poussait, qui voulait qu'on se sépare. Et là, tu voulais parler de quelque chose, d'une visite qu'elle a eue de façon inopinée, quelque chose est passé. Tu voulais raconter, la chair a pris le dessus. C'est quoi? Un peu d'amour et puis on se relâche un peu. C'est quoi? Oh, ben non, non, ne raconte pas donc, ne raconte pas. Alors, Non, je pose une question. Tu as vu le Béninois à Paris à deux ou trois reprises. Tu as vu celui de Yaoundé au Cameroun. Tu as vu celui de Bamenda au Cameroun dans le nord-ouest, dans la zone anglophone. Chacun d'eux détecte quelles sont les origines du problème. La question c'est, pourquoi ne parviennent-ils pas à résoudre le problème? Pourquoi ne parviennent-ils pas? Moi, d'une part, je ne sais pas, mais d'autre part aussi parce que il y a eu. Bon, le Bamenda, c'était pas. À Bamenda, c'était pas. Je pense que lui, après, il avait un autre but que je donne, après, que s'arrête là, que continue comme je suis en Europe, peut-être que je l'envoie. Sauf qu'il me connaissait, maintenant, je n'ai pas déjà envoyé l'argent comme ça. Je dis, je viens, je traite, tu as un problème. Ce que tu me demandes, je donne. Moi, je pars toujours d'un principe que si tu me dis, tu me demandes 1 million. Si j'ai 1 million, je te donne. Si je n'ai pas, je dis non, pardon, c'est trop, je ne donne pas. Ce que tu me dis de payer, je fais. Mais je ne veux pas être déjà le plus. Et puis, je ne vois pas la différence. Je n'ai pas vu. Et d'ailleurs, je lui ai dit, et je n'ai pas manqué de lui dire. Je lui ai dit non. Ce qu'il a pu faire au niveau du Cameroun, pas ma mère, pas je suis que ce qu'il dit. Il dit, dès que tu rentres, il y a quelqu'un, tu vas voir. Et effectivement, le père, j'arrive à lui, la première chose qui m'appelle, c'est ça, c'est ma mère, ainsi de suite. Bon, il y a des choses comme ça. Oui. Mais, Tu penses ça, que ouais. qu'est-ce que tu penses donc avec le recul, tu penses qu'il travaille comment? Comment il fait pour dire des choses qui sont vraies, mais que C'est parvient ça. lorsqu'il faut que la solution prompte, la solution réelle même de ce que tu viens de chercher, soit là, ça ne manifeste pas. Oh non, ça, il ne faut pas se leurrer. Ils ont des génies. Lui, il a des génies, non? Il Voilà. a des génies. Voilà. Il a des génies. Sauf que moi, mon cas, c'est pourquoi j'étais allée et qu'il a vu. Il dit que non, c'est chez toi qu'on a gâté. Oui. Ta vie, on a gâté de chez toi. Je lui dis, bon, non, si on a gâté chez moi, je ne vais pas demander aux gens qui ont gâté de rétablir. Oui. Comme c'est pareil, je dis pareil. Il me dit, non, on n'a pas pareil. Bon, moi, c'est ma façon de parler. Je Oui. lui dis, bon, parce que moi, tout ça, c'est pareil. Oui. Donc, je lui dis, et comment c'est pas? Il me dit, non, moi, c'est pas pareil. Je lui dis, bon, comme tu peux, ouais, mon Arrange petit donc. frère, si tu peux, arrange alors. Parce que moi, je ne veux pas aller demander, puisque tu es en train de me dire que c'est chez moi. Maintenant, je veux aller demander aux gens, parce que je suis allée ailleurs, on m'a dit va chez toi ou amène tes parents. Moi, je ne peux pas les amener et je ne peux pas aller dans la famille commencer à faire ça. D'abord, je veux plus mettre là-bas en attendant. Donc, arranger, arrange. Il m'a dit bon, le problème, premier problème que Condition. tu peux arranger, c'est de te marier. Mais comme mon mari aussi est bon, Oui. lui, il n'est pas. Moi, maintenant, j'analyse ça que ce n'était pas de bonne intention. Parce que s'il pouvait faire que ce que m'ont fait, que mon mari et moi soient séparés, si c'est pour rétablir, ça allait se faire, je serais toujours mariée avec mon mari. Mais sauf que ce qu'il a voulu faire, c'est que nous restons séparés. Je n'ai pas besoin d'être marabout. C'est-à-dire que nous restons séparés. Parce que d'après ses dires aussi, parce qu'après maintenant, les conversations me reviennent, même comme il parlait en anglais, et tout ça me dit, nous restons séparés, mais que lui, il donne l'argent et que je viens lui donner. Mais pour qu'il fasse quoi avec cet argent-là? Il voulait seulement l'argent. Donc lui, il voyait que c'est l'argent. Et c'est même ça là que parce qu'il avait ça dans sa bouche. Mais mon ami m'a dit, dans ma copine, elle me dit, mais tu te souviens pas, mais vraiment le gars là, et tout, il avait que de l'argent, l'argent, l'argent, que tu m'as avec beaucoup d'argent, l'argent, il peut donner. Mais ça veut dire quoi? C'est-à-dire que du coup, même qu'il a oublié mon truc, pourquoi aussi un événement qui s'est passé? Parce que je suis resté 3 jours ou 4 jours chez lui. Oui. J'ai dormi, hein. Je suis resté trois ou quatre jours chez lui. Et un événement qui s'est passé, entre-temps, il y a son frère qui est venu. Où il avait téléphoné, son grand frère est venu. Oui. Donc, et après, il y a aussi d'autres personnes qui sont venues. C'est-à-dire que c'est comme si maintenant, son frère était dans les affaires. Oui, le frère du marabout. Oui, parce que Mao était dans leur village à côté de Baruna. Donc son frère était dans les affaires. Il venait maintenant me parler, comme on nous voit pour rendre visite à ses parents et à son frère. Mais mon instinct, et moi, j'ai senti que, comme quoi, comme on dit, Dieu me parle même depuis là, c'est parce que Oui. je ne veux pas écouter. Pendant que j'étais. Pendant que j'étais là, je ne sais pas dans ma tête, j'ai senti qu'il était venu parce que j'étais là. Oui. Donc c'est sûr que celui-là, tu penses que celui-là va te faire fil pour dire que voici, il y a un client ici. Et que comme moi j'étais en Europe et Oui. que j'étais bien, parce qu'il m'a demandé qu'est-ce que je faisais et tout, je lui ai dit, bon, moi je suis responsable financière dans une société comme ci et Oui. tout, comme ci, comme ci, comme ci. Elle me dit, ah bon, donc vous faites ça? Ah oui, ça pourrait être même intéressant parce que la nouvelle société que j'avais eue, c'était d'être dans les énergies renouvelables. Oui. Après, quand j'ai trouvé de la société informatique, j'ai dit, oui, voilà, je suis responsable financière là-bas et tout ça là. Mon vrai travail, c'est du contrôle, je fais du contrôle de gestion. Il dit, ah bon, Oui. ok, Aski, bon, vous n'avez plus d'euros parce que je suis dans ça. Il commence à me parler de ses affaires et que j'avais Yaoundé et que peut-être ceci, pas avec ma société, comment je connais les Européens et que pour avoir les marchés, pour avoir les contrats. Ma tête a fait tic là. Donc j'ai commencé à penser parce que, bon, comme on dit, je suis quand même allé à l'école, il y a un moment donné du discernement, hein, on va peut-être s'asseoir. J'ai peut-être des problèmes, mais il ne faut pas me prendre pour une idiote. Hein, une conne. Je suis là, je suis assis, je peux analyser encore. Ils m'ont pas encore enlevé mon intelligence. Hein. Oui. Donc, mon esprit d'analyse, là, va tout de suite. J'ai dit, ma tante, là, il est venu, là, ça y est, là, Donc, Et donc tu sais. tu rentres à Paris et rien ne change, c'est là où tu coupes le pont. À l'instant même. Oui. Et là où rien ne change, je rentre à Paris, rien ne change. Et là, je me dis, Mais moi-même, je suis allée chercher quelque chose. Voilà, j'ai dépensé l'argent. Parce que ça, là aussi, c'est-à-dire, c'est comme si, comment dirais-je, tu vas chercher, tu vas chercher une délivrance, n'est-ce pas? Oui, Tu vas tu chercher prends plutôt le problème. un. C'est comme si j'ai ramené du poids. Parce que maintenant, comme ils ont vu que par mois, ils peuvent rentrer à terme, soit les entreprises françaises, européennes, son frère aussi peut travailler, machin. Donc, ils vont faire de sorte que je puisse, qu'on puisse travailler. Parce que quoi? Quand je suis rentrée, après, je ne pensais plus que qu'à son de frère, là, de ce qu'il m'avait dit, la possibilité d'appeler. Après, j'ai dit. Donc, à un moment donné, quand je suis rentrée, j'ai dit stop. Donc, étant donc à Voilà. Paris, tu étais en contact avec ces garçons marabouts là. Ben oui, puisqu'on donne le téléphone, non? Et puis en plus, on payait le téléphone à l'époque et c'était pas WhatsApp gratuit comme ça. Et donc, j'ai dit là, là, stop. Il m'a appelé une ou deux fois, c'était pas non plus tous les jours ou toutes les semaines. Hein. Après, il appelait peut-être une fois par mois ou tous les mois et tout comme ça. Et puis, il me dit, bon, une première fois. Au début, tu sais, on ne voit pas venir. Hein. On ne voit pas. Quand on n'a pas venu, ça. On a du mal à comprendre. C'est-à-dire, au début, on ne voit pas venir. Parce qu'au début, la personne te dit, elle nous dit, ah oui, tu sais, David, ma copine, je me suis même mariée, elle a eu des enfants, elle a eu des jumeaux, donc est-ce que. Bon, tu envoies quelque chose pour féliciter, pour aider. Ah bon, j'avais vu, il reste encore un peu un moment, ma soeur, que ceci, cela, ou ma mère, ma soeur. À un moment donné, d'ailleurs, j'avais dit, ok, stop, j'ai déjà ma famille, moi, je ne peux pas avoir d'autres familles que je dois envoyer, que je dois envoyer, hein. Mais du moins, toujours est-il que ça ne sait en fait, ça c'est pas. Il n'a rien Amélioré. arrangé. Oui. Et Donc, là, depuis ce moment, tu as mis stop au marabout. je suis allée au divorce. Ça s'est fait parce que lui me disait que mon mari était fort, puisque mon mari l'avait tapé à elle. Et puis, moi-même, j'avais rêvé. J'ai rêvé deux fois de mon mari, deux fois. Et il est venu à elle. Comme ça, je l'ai vu, il voulait me tirer des pieds, et puis il ne me prenait pas, je dis pas les pieds, mais pas le truc, et puis je dis, mais attends, qu'est-ce que tu fais, tout ça. Et à un moment donné, une autre fois, il est venu, c'est comme s'il m'avait, il m'était apparu, mais la vision de rêve était tellement réelle. Et il était énervé, il était vraiment fâché. Et après, j'ai vu comme s'il y avait des gorilles, les gorilles tout autour de lui, et tout ça, comme les gorilles. Et ça, je me souviens, c'était les gorilles. Je dis, non, mon mari, il est blanc, qu'est-ce qu'il a à voir avec les gorilles? Donc, et puis, et c'était fini. Et il me disait que, il m'avait textuellement dit, tu arrêtes tes conneries. Textuellement, ça, en rêve. Il me dit, tu arrêtes tes conneries. C'est Si qu'on tu il reviens, parle ça m'a. de quand il parle de conneries, c'est quoi? Mais c'est parce que j'étais allée au. Chez le marabout. Et là, on est venu l'attaquer, il est venu t'informer dans le rêve pour dire comme quoi il faut arrêter ces Avec bêtises-là. son nom, c'est tout Oui. comme son nom. Là, j'ai eu peur. En rêve, il m'a dit, et je le voyais comme je te parle, c'est comme je le voyais encore. Il m'avait dit, tu arrêtes tes conneries. Mais vraiment pas content. Donc, je voulais faire tout. Et c'est là où je regarde bien, donc je regarde un peu autour, et je vois comme s'il y avait du monde autour de lui et qu'il y avait comme les gorilles. Oui. Et ce gorille-là semblait lui être familier. Ah ben ce gorille-là me regardait et c'était comme si lui le connaissait, mais pas moi. Exactement. Comme un groupe, quoi, tu Voilà. vois. Comme tu sais, quand il y a des Donc, gens ce sont autour des de êtres toi. spirituels avec lesquels il travaille. Non, ce sont les démons avec lesquels il travaille. Mais pourtant, c'est pour ça que je vous pose la question sur le fait que quelqu'un appartient à la franc-maçonnerie et on dit que non, c'est un monsieur simple, calme. Sur le plan comportemental, ton mari était avec de bons comportements. Exemplaire et autres. C'est Droit. génial. Génial. Ah. Non, mais Discret. que dire? Simple. Mais très. Mais que dire? Moi, je dis, c'est pour toute jeune fille. Vous savez qui est arrivé après moi, c'est le mari rêvé. Voilà. Mais pourtant, il avait les cohortes de démons qui travaillaient pour lui. Hein? Ça, on. Bon. Tu veux le couvrir là maintenant? Alors, je crois qu'il faut qu'on avance. Quand tu as aimé quelqu'un, Oui. moi je dis ça, je ne comprends pas les femmes qui tapent. Quand tu as aimé quelqu'un, et moi je l'ai sincèrement, et puis je n'ai jamais souffert de. Il n'y a jamais eu dans la maison quoi que ce soit. Si ma famille n'avait pas amené sa sorcellerie chez moi, j'ai dit ça serait bien. Il a fait, je pense que la plupart, au moment où j'ai beaucoup aidé, justement, ma famille, là, même ceux que, qui me connaissaient pas, même les familles que je ne connaissais pas, soit des familles, c'est-à-dire, il a fait. Il a tellement beaucoup fait. Parce que veulent les familles africaines? Les familles africaines, comme chez nous, n'est pas développé, comme on est pauvre, que notre sol n'est pas pauvre, que le pays n'est pas pauvre, n'est pas riche, mais quand tu sors de familles moyennes comme la mienne, et qu'ils ont coupé la tête, celui qui tenait, tous ceux qui tenaient, c'était les grands-pères, les grands-parents, ils ont construit. La génération qui a suivi, c'est ça aussi, il faut voir l'état. D'ailleurs, beaucoup de familles Douala, c'est ça. Pourquoi on se moque des Douala pendant que les Bamiléké travaillaient? Nous, nos grands-parents ont construit. C'est pour ça qu'on a des maisons, on a des terres, on a des villas. Maintenant, la génération, leurs enfants, ils n'ont rien foutu. Ils font que manger Rien. et essayer de vendre même ce qu'on avait fait. Sont vécus sur leurs acquis. Donc, la génération suivante, c'est-à-dire que la génération un peu comme la mienne. Donc, on a essayé, ceux qui s'en sortent, c'est-à-dire qui ont fait des études comme moi, autour même de ma génération, qui n'ont pas fait, à, qui continuent, c'est-à-dire que qui ont continué dans la même lancée que celle d'avant, et c'est-à-dire soit les femmes se marier, bon, d'autres qui travaillent parce que ce n'était pas trop exigé, tu fais ton beau mariage, et puis d'autres même après qui ne travaillent pas parce qu'elles ont des maisons. La plupart des Sawa qui sont dans leur maison, est-ce que c'est eux qui ont construit? Même ceux qui se parlent dans Facebook, là, je vois. Est-ce que c'est eux qui ont construit? C'est les grands-parents qui ont construit. Donc, ils ont établi. Et aujourd'hui, donc, du coup, la nouvelle génération n'est pas. Ce n'est pas la même. Donc, excuse-moi. Moi, je dis, j'aurais vu mon mari, je n'ai jamais eu à me. Je me plains pas de. Je ne peux pas donner Donc, des exemples pour ça. tu veux dire que la nouvelle génération Sawa n'est pas entreprenante, mais plutôt consommatrice? Non, aujourd'hui justement, ils sont entreprenants parce que c'est les générations d'avant qui vivaient dans le. Parce qu'ils sont obligés, il y a quoi encore? Mais on voit effectivement, ça se raconte ici au pays, que les gens qui sortent des Douala viennent particulièrement, viennent se faire un peu, venir voir quand ils rentrent au pays. Quand même, on ne sait pas ce qu'ils font à l'extérieur. Ils font tourner dans la ville, tourner, bouffer de l'argent dans les boîtes de nuit, ainsi de suite. Bon, entre nous, hein, il n'y a pas que les Douala. Là, maintenant, les Ewondo et les Bamileke nous dépassent. Si c'est ça, là, pour ce domaine, là, les Ewondo, là, moi, j'appelle les Ewondo, les Betty et les Bamileke, là, vous nous Bon, dépassent voilà. maintenant. Donc, c'est une compétition nationale maintenant ethnique. Voilà. Là, ce qui est dommage. Et ça, c'est vrai qu'effectivement, effectivement, moi, je dis, il faut que mes frères et mes soeurs Sawa, là, se réveillent. Il y a des problèmes. Maintenant, la jeune génération a fait beaucoup d'études. Et je sais que bon, chez les Douala, on faisait les études. Hein. Là, c'est des quêtes. Mais sauf que là, ils ne servent à rien. Ils sont fonctionnaires en France. Ce que je connais en France. Peut-être qu'en Angleterre, aux États-Unis, ils sont autre chose. Mais la plupart du temps, ils rentrent dans la fonction publique. Parce que moi-même, j'ai des oncles qui faisaient 50 ans. Que moi, j'ai gravi jusqu'à, j'ai pas vu. Et qui font des maîtres de conférences de mathématiques et tout ça, qui sont en Europe, qui ne rentrent au Cameroun. Et Pourquoi? d'autres qui sont. Il ne vient pas Moi, développer j'ai. le pays. Et non, c'est-à-dire que c'est autre chose. Chez nous, quand tu es en Europe, tu es en vrai bon, et puis tu es habitué, là, après, c'est ton pays, tu l'as adopté, et tu vois un peu, non? Je pense à ça. Enfin, je pense que c'est ça. Ce n'est pas donc la même culture comme, on peut dire que comme j'ai mes amis, Bami, là, que jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire même ceux qui sont en Europe, toujours les mêmes, même au village, quand tu viens, on les appelle. Bon, tu sais quoi, tu dois revenir. Ce qu'on te paye là-bas, là, les études qu'on a payées, il faut rembourser ça, tout ça. Là. Les familles qui font, parce que je le vis même avec mes propres amis. Chez les Douala, ce n'est pas ça. Déjà, même ce que les parents te payent, on dirait que c'est un dieu, il faut qu'ils aient. Il y a les Douala qui ne pensent même pas que je dois rembourser. Ouais, bon. C'est-à-dire que ce qu'on a fait pour toi, là, il faut que tu fasses un peu plus. Non. On ne nous a pas inculqué ça, c'est-à-dire c'est un droit. Tu as un enfant, un droit de lui faire tout ça. Après, si tu dis ça à l'enfant, l'enfant te dit non, mais c'est normal. Donc, il va en Europe, ceux qui sont en Europe, ou comme en France, et se disent, chez eux, qui ont des maisons et tout ça, Douala, ou un truc comme ça, et à la maison, tu vas faire comment? Ils savent qu'ils ont leur tout. Sauf qu'aujourd'hui, ça change. Parce que le monde grandit. Les familles aussi grandissent. Donc aujourd'hui, c'est comme une pyramide. Une personne, les parents ont fait deux ou trois enfants. Et les trois enfants, ils ont fait deux enfants ou un enfant. Et les autres, ils ont fait. Et puis, les gens, il y a aussi l'espérance de vie. Les gens ne meurent pas comme à 35 ans ou 40 ans. Donc, on meurt un peu plus tard. Donc, du coup, il y a une pyramide d'âge qui est là, qui fait que, qui bloque, qui fait que, aujourd'hui, c'est-à-dire que, by force. Oui. La nouvelle génération, là, les 20 ans, 25 ans, elles sont obligées. Nos enfants, parce que Ils moi, se j'ai battent dit, pour s'en sortir. Oui. si j'avais eu un enfant, j'aurais eu un enfant de 30 ans aujourd'hui, peut-être ou de 25 ans. Donc, by force, eux, ils sont obligés de construire, de faire leur vie, d'aller dans le tout, c'est-à-dire de travailler, d'être normal. Parce que ce que les gens ont fait là, ce n'est pas normal. On doit faire un peu plus. Mais c'est aussi la mentalité c'est encore la mentalité du pays. La preuve en est que cette mentalité-là, ce n'est pas d'aujourd'hui. Il y a des gens qui ne vont pas au Cameroun que pour frimer. Moi, je ne vais pas au Cameroun quand j'avais 18 ans, 19 ans, c'est normal, 20 ans, attends, il faut que jeunesse passe. Attends, si tu ne vis pas à 20 ans, tu vas vivre à quel âge? À 18 ans, moi, si, dès qu'on posait les pieds, ou à 17 ans, j'arrivais, on posait les pieds là et tout. Je laisse mes affaires là. Si ma grand-mère, quand elle nous amène, parce que chez moi, on n'était pas question que la fille, que tu sortes, tu ailles en boîte. On passe par la fenêtre, je vais chez la copine, on passe par le tout, c'est comme ça. Voilà, ton histoire est vraiment intéressante. Il y a des questions que je vais te poser, d'autres que je vais te poser en off lorsqu'on va prier. Mais avant de sortir, pour répondre à la question qui est en stand-by depuis, si tu entends un franc-maçon dire aujourd'hui que la franc-maçonnerie est simple, ce n'est juste qu'un cercle philosophique, est-ce que tu peux croire ça? Non, Qu'est-ce non, que non, ce n'est pas juste. tu peux dire de la franc-maçonnerie? Non, ce n'est pas juste un cercle philosophique. Je pense aussi que maintenant, ah, il y a un épisode qui me vient en tête, parce que mon fils m'avait vu à la télé française, parce que j'étais allée avec mon mari, on était dans une émission où on parlait de la formation. Il m'avait amené. Mais moi, je ne sais pas. Je n'arrive pas. Enfin, maintenant, Tu c'est allais normal que je vois l'accompagner. ça. Raconte-toi cela. Donc, ton mari était invité dans une chaîne de télévision française toujours, Oui. où on parlait de la franc-maçonnerie. Oui. Et là, peut-être que tu es allé pour qu'il soit sur le plateau. Toi, tu es derrière, ou bien tu participais à l'émission, ou bien tu étais dans le. Raconte. Oui. J'observais, ils discutaient, et puis ça m'intéressait vraiment, hein, franchement. Et Est-ce que là, il tu était savais qu'il avec. était. Est-ce que là, en allant à cette émission, tu savais qu'il était franc-maçon? Non. Mais pourquoi? Non. Oui, et tu ne t'es pas posé des questions? Tu ne t'es pas posé la question. Je jure sur quoi? Sur Jésus-Christ, je jure sur Non, quoi? dis tout simplement, ta parole fait foi. Ma parole fait foi. Je n'ai pas un instant douté que il était là-dedans. Est-ce qu'il était le Il était. principal? C'est de quelle chaîne déjà? Quelle chaîne de télévision? Oh, ça c'était quoi, la 2 ou la 3, c'était. Je me souviens, c'était Michel Field. Enfin, c'est un gars qui est un journaliste qui présentait. Non, mais ça fait longtemps. Ça Oui, fait longtemps. et là, ton mari était l'un des principaux auditeurs, quoi, interlocuteurs. De principal, non. Bon, moi, je n'ai pas envie de parler Bon, de de raison là. En fait, je voulais poser la question parce que je voulais lui. savoir ce qu'il développait comme argumentation alors que tu étais assise derrière, suivant. Ça fait tellement longtemps que je ne me souviens pas. Et puis, en plus, comme ça ne me. Je dois dire sincèrement, c'est vrai qu'à l'époque, ça ne m'intéressait pas. Ça m'intéressait guère parce que, en fait, je pense que je ne m'intéressais pas. Oh, je ne m'intéressais pas aux problèmes spirituels, c'est-à-dire que ce n'était pas. Tu crois que je n'avais pas assez à faire avec mes problèmes des gens, de famille que j'élevais là et tout ça, là, que je dois commencer. Non, moi, au contraire, j'étais contente que lui, il me portait. Enfin, tu vois ce que je veux dire. C'est. Du moins, quand il était présent dans ta vie, au point où tu ne pouvais pas avoir de la pensée, ou ouais. Il a toujours été présent. Le meilleur voyage que j'ai fait, c'était avec lui. Les vacances de ma chaîne et tout, je pense que le meilleur ami. Mais c'est vrai que maintenant, étant directeur général ou grand directeur d'Europe dessus, parce qu'il couvrait, c'est pas seulement de France, hein, c'était tous les pays d'Europe, donc, ouais, d'une société. Il se devait d'être là-dedans. Bon, maintenant, attends, ce n'est pas son sujet, mais maintenant, moi, il ne m'a pas fait de mal. Il y a les gens qui vivent au pays avec les mariés sorciers et ils vont commencer par. Non, en fait, la différence, c'est que le satanisme, c'est niveau par niveau. Tout à l'heure, tu as dit au marabout que vous êtes les mêmes gens. Le marabout a dit non, je ne suis pas nous sommes là, on est les mêmes gens. Mais pourtant, maintenant, tu sais que le marabout travaille avec Satan, alors que les sorciers aussi travaillent avec Satan. Tu vois? Donc maintenant, ceux qui vivent ici vivent avec les sorciers. La sorcellerie, c'est un autre niveau. Il allait attaquer le franc-maçon. Il a dit qu'il est fort. Donc, ça veut dire que c'est des questions d'ordre spirituel. C'est les dénominations et la façon de présenter à l'extérieur qui change. Parce que nous, en Afrique, on a comme la sorcellerie, ce que les gens de la franc-maçonnerie appellent la magie noire. Alors qu'eux, ils font de la magie blanche. Donc, mais de toute façon, magie égale magie, et ça se trouve du côté de Satan. C'est Oui. ça, la magie blanche. Voilà. Tu avais entendu cela? Et c'est vrai qu'il m'avait demandé une fois, j'ai dit non, Ok, donc le... tu ne veux pas qu'on s'étende là-dessus alors. Oui, c'est vrai, non, mais parce qu'il y a des choses qui me reviennent maintenant que j'en parle et que... C'est pour cela que je dis, je vais te poser des questions. Il y a des choses que je vais te dire en off. Je vais te parler en off parce que tout à l'heure, tu as dit qu'il ne te préserve rien, il ne te ferait pas de mal. Enfin, le moment viendra, je vais te dire des choses concernant cela. Parce que comme tu étais naïf et haut de là-bas, et c'est justement ce que la franc-maçonnerie fait, il fait que la population soit naïve et au fur et à mesure, on est en train de canaliser l'énergie de la population à une autre direction, qu'on le veuille ou pas. Donc on va y revenir. Oui, non, parce que maintenant ça me vient à l'esprit. En fait, il m'avait dit des choses, même après la séparation. Et il voulait pas, après, il voulait pas me lâcher, je ne sais pas. Mais à un moment donné, moi, c'est comme si c'était ma force là, j'ai dit non. Je te pose une question de droit là maintenant. Ne t'as-tu jamais dit que tu es un esprit brillant? Si, il m'avait dit ça plusieurs fois. Voilà. Même un de ses amis qui venait à la maison me disait. Voilà. Donc je mets seulement ça entre guillemets pour que tu saches que je sais des choses de toi que peut-être tu ne sais pas. Donc je mets surtout seulement ce questionnement là pour que tu saches avec qui tu as affaire. D'accord? Alors revenons sur la question. À moins que tu veux dire quelque chose là-dessus là, parce que on touche ton ancien chéri. Tu ne veux pas parler beaucoup. Mais ils sont puissants, il faut admettre qu'ils sont puissants, eux là, ils sont puissants, mais le Seigneur Jésus est tout puissant, parce qu'ils ont des tentacules partout, ils peuvent toucher n'importe quoi, le service secret, le FBI, mais le Seigneur Jésus est tout puissant, d'accord? Mais je ne veux pas mettre Oui. ton foyer ni ta vie en danger, mais sortons de là et avançons dans notre direction, parce que nous savons, le pourquoi je dis ceci, c'est parce qu'il y a des gens qui vont nous écouter, qui sont mariés à des maris qui sont sournois, des francs-maçons qui savent, et qui peut-être les a convaincus que non, c'est juste une réunion. Et peut-être même d'autres ont même amené leurs femmes à la réunion pour qu'ils voient que non, c'est tout simplement cela. Mais donc, il y a les aspects secrets. Il y a des voyages qu'ils font, le voyage d'affaires, alors qu'ils vont pour les initiations. Ils vont faire des voyages astro et autres là, pour faire le hue, et ainsi de suite. Et se joindre à l'univers. Donc, mais ils mettent voyage diplomatique, voyage de travail, de retraite de travail, ainsi de suite. Donc, il y a beaucoup de choses comme ça. Donc, c'est pour ça que je souligne ces points-ci, afin que les femmes qui sont mariées aux francs-maçons puissent prendre ceci C'est ça. Oui, c'est ce que tu dis là, c'était ça que tu Voilà. viens de dire. Voilà. Donc, il y a des choses dont on va parler. Et on va se rencontrer physiquement, toi et moi. On va se rencontrer physiquement. Absolument. Oui. Alors, maintenant, il y a une question que j'ai laissée en stand-by. Tu sais, moi, quand j'évolue, même si c'est 4 heures de temps, je n'oublie pas ce que j'ai posé comme question. La question que j'ai posée, il y a cela, 1h25 minutes exactement, c'est la mort de ton grand-père. Parce qu'en réalité, il y a encore un autre épisode là-bas dedans que j'aurais souhaité entrer même dans l'eau pour pouvoir te parler. Est-ce que tu as choisi, essayé d'interroger pour savoir le pourquoi? Ou bien, parce que normalement, ce style de mort, quand ça arrive dans la famille africaine, on essaie de chercher ce qui est arrivé. Alors, moi, non, parce que j'étais encore très jeune, et puis après, non. D'ailleurs, même dans mes démarches maraboutiques, je dis Oui. ça, je suis jamais allée demander quoi que ce soit, mais je pense quand même que, je suppose, et si ma mémoire est bonne, je pense que ma famille, et feu ma mère nourricière, quand elle vivait encore, parce qu'elle avait le même caractère que moi, un peu, enfin, j'ai pris son caractère, c'est elle qui m'a élevée, c'est normal. Et je pense qu'ils ont essayé de. Je pense qu'ils ont essayé de. Comme tu dis, non? De chercher. Mais il y avait eu tellement. Après ça aussi, parce que j'étais enfant, parce que je pense que je devais passer au CM1 ou CM2. Eh bien, on est parti à Bonaparte. Après, revenir, on est parti à Bonaparte. Et son deuil avait fait tout le boom. Et mon rappel, son deuil a duré un mois parce qu'on a attendu. Les gens sont venus de partout. Et du coup, je ne sais pas. Il y avait eu trop de problèmes. Et là où ça s'était, tu sais bien qu'un événement dont je me souviens, mais au moment où il y avait des discussions et il y a eu une de ces tempêtes, que, il y a souvent les pluies à Douala ou les tempêtes et tout. Oui. Voilà, je te pose Mais ça, là. là, je te pose une question. Bomono est situé à une vingtaine. Bomono est situé. J'arrive là. Bomono est situé à une vingtaine de kilomètres de Douala, à la sortie pour aller du côté de Nkonsamba et Bafoussam. C'est l'axe principal. J'aurais souhaité parler des zones où on enterre des gens à Bomono. C'est-à-dire une zone de cimetière. Peut-être tu n'es pas au courant, mais j'aurais souhaité dire des choses à propos. Mais je vais poser la question. Si ça te revient, ou bien si tu es au courant de cela, si tu n'es pas au courant, tant mieux. Mais je vais dire. Est-ce qu'on t'a dit, t'informer que ton grand-père à toi était le gardien de la famille? Il y a une chanson que d'ailleurs de temps en temps que je chante encore, parce que c'est une deuil, il y a sa sœur et puis les notables ou les... Chez nous, on appelle ça tumba, je ne sais pas Oui. comment. Quand il disait que... Il y avait les vieux qui étaient venus et disaient que le chapeau est parti, le chapeau est tombé, donc la maison est ouverte. Voilà. Il pleut, il pleuvoit dans la maison. Donc maintenant, en fait, pour dire comme quoi que la maison est ouverte, les toiles de la maison sont ouvertes maintenant, ils peuvent maintenant pleuvoir désormais à la maison. Oui, Et cette chanson-là, concernait ton grand-père. oui. Tu penses quoi là? À tout ce que tu me dis là. Bon. Ah, mais de toute façon, Parce que non, parce que c'est moi qui me reviennent et c'est intéressant parce que j'aimerais, c'est vrai que j'aimerais savoir. J'aimerais tant savoir parce que je l'aimais beaucoup, mon grand-père, et il aimait les gens, il était le tout. Bon, il était le gardien de la maison. C'est normal, non? Tous les gens sont le gardien de... Toi, toi Non, aussi, tu es le gardien de ta maison, non? il y a être chef de famille tel que Dieu donne. Mais il y a Oui. gardien, c'est ce style de gardien dont je parle, c'est différent. C'est un style de gardien qui est d'une autorité supérieure. C'est ça dont tu viens de parler. Et ce style de gardien, D'accord. la façon dont il est gardien, il n'est pas gardien n'importe comment. Il avait des territoires même sur les eaux où il maîtrisait. Des territoires. OK. Que c'était son domaine. Donc lorsqu'il arrivait là-bas, on savait que c'est telle personne. Il a des zones où il arrivait même avec son canot, il faisait des introductions, il parlait des styles de langue en patois pour pouvoir s'introduire là-bas. OK. Est-ce que tu as déjà suivi cela? Et ça va guère. Parce que c'est pas il est mort tellement puis maintenant qu'il est mort depuis longtemps parce qu'il s'est dit beaucoup beaucoup beaucoup de choses pendant son deuil et même c'est à qui qu'on parle je peux le dire que même je m'en souviens même plus que ma mère même parce qu'on était et moi j'étais très très très très Quelqu'un proche. qui a un style de baleine ne s'est-il pas levé là-haut pour faire une déclaration durant ce moment de deuil, faire un discours? Il avait le balai comme ça. On appelle ça chez moi la couette. Oui, c'est Voilà, ça. Oui. il a parlé, il a fait des discours en faisant des discours en patois, en parlant avec le langage codifié, pas vrai? Ok. Tu penses c'est pourquoi ça? Mais c'était pourquoi? C'est pour céder les traditions, non? C'est pour exorciser et puis dire à tous ceux qui. Ah bon, parce que, hein, il y a eu un moment donné, si on est resté 10 jours, 20 jours. C'était les deuils qui étaient rares à Douala, et puis je pense que ça s'est produit parce que quand le bateau s'est renversé, il y a le frère, on ne peut pas finir une famille. Donc, du coup, il y avait aussi un autre Limpondo qui était dedans. Donc, il y a par famille, il y a les Mpa, il y a les Prisos, il y a les Limpondo, il y a les ceci, ceci, cela. Donc, et il y avait une qui était, il était resté deux. On avait trouvé un autre. Donc, et il y a eu le camp disant. Le caïman, je ne peux pas raconter les choses. Mais c'est normal, il faut que non seulement, parce que tu as dit le but, c'est qu'il faut que les gens du village entendent, il faut que les gens comprennent ce qu'il y a de tradition se trouve et ce qui arrive. C'est pour ça qu'il pose ces questions comme ça. C'est en fonction de tes réponses que tu me donnes qu'il peut avancer. Si tu ne réponds pas, Exactement. parce que c'est ton témoignage. Non, mais exactement. En fait, parce que hein, nous, on est entouré, maintenant que tu parles d'eau, effectivement, que cet endroit-là, Montréal, est entouré, on est entouré d'eau. Donc, dès que tu passes de Mungo, tu vois, il y a le Mungo. Aujourd'hui, là, les gens construisent autour. Mais avant, là, c'était bien l'eau avec le pont. Donc, on a même, parce que pendant même son deuil, justement, on est allé faire une cérémonie Des là-bas. cérémonies là-bas, voilà. Et il y a aussi, derrière nous, quand j'étais petite, on était à Douala. Au début, mon grand-père venait prendre à Douala. Et ensuite, moi, je suis née là, je suis allée à Douala. Et après, je revenais en vacances. Et nous prenions tout le temps en vacances. Et j'adorais, moi, j'adorais ça. Donc, il y a les petites les rivières, il y a le fleuve qui vient, c'est-à-dire un bras de rivière qui passe par Pas derrière là-bas. derrière. Aujourd'hui, d'ailleurs, il y a les Chinois, les gens qui, ou vraiment, qui construisent des usines et tout. Et ce bras de rivière là, on allait toujours se baigner là-bas. L'eau, là, quand on arrivait, était noire. Mais c'est maintenant, aujourd'hui, que je me rends compte que j'ai dit, nous-mêmes, on est... J'ai dit que tu ne pouvais pas retourner, mais nous, on plongeait dedans. Oui, vous plongez, enfin, déjà, toutes ces choses qu'on a de construire là-bas, je le dis maintenant non seulement à toi, mais à tous les Douala et tous ceux qui vont nous suivre maintenant, parce que c'est ce qui va arriver. Toutes ces choses-là que les gens sont en train de faire, l'extérieur en train de faire, on vient bâtir les empires ou bien les sociétés dans ces zones-là. Vos ancêtres, les Douala, sont fâchés contre cela. Les esprits qui sont là-bas sont fâchés parce qu'il n'y a pas de règles qui sont respectées. Bientôt, ils vont sévir là-bas. Je dis cela pour que les gens qui sont là-bas puissent comprendre. Donc, Oui, parce que Et justement, dans ces liens-là, même dans un bras de Maurice, donc il y avait, puisqu'il y avait les maris, il y avait la mariée qui venait. Donc je me souviens bien, il est petit. Et donc du coup, bon, aujourd'hui c'est vrai que ma personne m'a dit qu'il y avait besoin qu'on construise une usine de Miono, ils ont construit ceci, ceci, cela, les gens ont construit jusqu'au bout. J'étais même désolée pour ça. Et tout un peu plus loin, il y a une source. Et un peu plus loin, il y a beaucoup d'eau autour de mon village. Et donc, effectivement, bon, tu vas jusqu'à Bondiongo. Et il sait que, comme tout Sawa, c'est que Bondiongo, c'est le fief. Ça, c'est ta La tradition. manie. Est-ce que tu as peur d'aborder l'aspect des traditions? Tu as peur que les grands-pères du village, là, et des eaux, les esprits des eaux puissent t'être touchés? Tu as peur? Non, je n'ai pas peur, mais en même temps, comme on dit, c'est des traditions, il faut aussi les préserver, puisqu'il y a le panafricanisme, maintenant, on est en train de faire un retour en arrière, mais on ne sait pas quoi. Donc, il faut regarder. Mais je ne veux pas que ça sorte, qu'après on va dire que non, non c'est la fille de Farah qui est sortie. Non, c'est ce que tout le monde sait. Tout le monde, c'est ça, nous on a nos traditions, bon, ce qu'on a vécu ou ce que nous ont fait vivre, bon, moi je sais que, en tout cas peut-être que parce que mon grand-père est mort subitement ou trop tôt, on l'a arraché trop vite, mais je sais qu'il ne m'a rien laissé, il ne m'a pas dit oh, annuler, et puis il m'appelait même pas son petit nom, qui m'appelait que voilà ceci, ceci, cela. Mais je sais que j'étais sa préférée. Il me prenait, il m'a arraché la main de ma mère pour me prendre. Et quand on m'a raconté aussi que quand j'étais née, c'est ma mère alors par contre qui m'a dit ça. Elle me dit, quand tu es née, ton grand-père était là. Même vieille comme ça, là, qui vient me raconter que j'étais en mariage. Je lui ai dit, hein, qu'est-ce que ça veut dire? Ne commence pas à me dire les histoires là que je ne peux pas entendre parler. Elle m'a écouté, je lui ai dit, et elle-même, elle dit non. Et il était là. Elle a quitté, elle était à mon nom. Et dans la maison, tu sais que moi, je suis née dans la maison, pas à l'hôpital. Hein, donc, je suis une vraie là. C'est pour ça que j'ai des bons anticorps. Donc, je n'ai pas été aseptisée. Je suis née direct dans la maison. Donc, et grand-père était, elle m'a dit qu'il était à côté. C'est tout ce qu'elle m'a dit, mais elle ne raconte pas les choses. Ok, il y a des choses des initiés, des choses qu'on n'est pas censé même te raconter. Est-ce qu'on peut avancer là maintenant? Oui, voilà. Après toute Donc, la séparation et le divorce, maintenant, tu déménages pour une autre ville après beaucoup de difficultés et tu rencontres une nouvelle personne. Nous sommes à plus de 2 heures là maintenant de ton témoignage. Donc on plonge directement vers la fin. On va mettre certaines choses entre guillemets, on va parler en off pour pouvoir prier pour toi, d'accord? Parce que tu as sérieusement besoin de délivrance. oui, parce que de toute façon, la vie, ça c'était fini. Donc, du coup, moi j'ai continué, j'ai réussi, j'ai continué à vivre normalement avec le boulot, mais avec beaucoup de difficultés. Donc, c'est pour dire que c'est depuis même 2007, non? Oui, c'est depuis 2016, 2012, qu'il y a toutes ces difficultés dans ma vie. Et maintenant, la partie où je suis encore, c'est comme si, effectivement, maintenant, tu as parlé de téléguidage. Parce qu'on avait tout ça. Parce qu'après, c'est revenu en norme. Eh bien, en 2012, oui, je me suis en 2012, donc j'ai reçu par mon travail, avec mes petites économies, avec tous mes trucs, et tout ça, donc j'ai eu de l'argent. Et là, j'avais décidé. Pourquoi? Et je l'ai décidé, j'ai décidé d'aller faire la maison de mon grand-père. C'est-à-dire d'aller Rénover, oui. et faire la clôture, la rendre, la rénover, la transformer et tout, parce que depuis, et tout ça. Et parce que en plus, mon grand-père en mourant, dont j'ai découvert ça son fils, quand mon oncle est mort, qu'il m'avait légué, il m'a laissé testamentairement, c'est moi, la maison Justement, me revient, c'est à moi la maison. justement. Donc, du coup, ça m'a encore plus impliqué que ouais, donc il faudrait que je fasse quelque chose pour rénover. Attends, je suis en Europe, j'ai un peu d'argent, je travaille, bon, je ne veux pas laisser la maison parce que, en plus, dans ce cas-là, et là, le problème, c'est que vraiment, en Afrique, perso, ils vivent dans les maisons, mais ils n'entretiennent pas. Non, Personne ne fait rien, même pas un coup de peinture blanche. Les maisons étaient bâties solidement. Nos grands-pères ont construit des maisons solides. Vraiment. Si ce n'était pas ça, c'était Justement, nous. les anciennes constructions dans toute la ville de Douala, Bonandjo, Bonaprison, ça se voit là. Lorsqu'on passe, on voit Oui, effectivement, c'est-à-dire que la maison est là. on voit effectivement que c'était des constructions solides, mais qui ne sont pas entretenues. Solide. Voilà. Deido, Bonandoumé, ainsi de suite. Tout ça, vraiment. Et donc, du coup, je suis en 2012, j'ai donc décidé, et quand j'ai reçu, justement, j'ai reçu l'argent de la boîte à laquelle tu m'avais payé, j'avais eu près de 25 000 euros, 30 000 euros, et plus l'argent que mon mari avait versé, bon, j'avais près de 5 000 euros, et tout ça, donc j'ai dit, bon, là, je vais faire quelque chose. Et comme en plus, comme j'avais laissé tout ça, tu sais, là, je commençais à aller à l'église. J'allais à l'église d'Auteuil, j'allais à l'église qui est à Paris, à la rue du Bac. Quand tu dis rue du Bac, il y a beaucoup d'Africains, même ceux qui sont en Afrique, ils connaissent ça. Il y en a plein, quand ils viennent en France, ils vont à Paris, ils vont là-bas. Il y a eu la Vierge, ça s'appelle la médaille miraculeuse, la Vierge miraculeuse. Donc, et je fréquentais beaucoup ces endroits-là maintenant, j'allais vraiment prier, plus l'église et tout ça, avec une copine de temps en temps, ou seule. Et donc, du coup, je m'étais dit vraiment, cette société-là, comme moi j'ai dit les Français-là, comme ils voulaient, ça s'était mal passé, c'est-à-dire, à un moment donné, j'étais restée avec, tu sais, Un dans ressentiment. mon cœur, partout. Oui, j'avais une petite, donc j'ai dit, si ça arrive, j'ai dit, ouais. Et là, j'avais prié, je t'ai dit que même la nuit, je priais, je disais, papa, j'appelais mon grand-père. Non, j'appelais mon grand-père, j'appelais mes parents, j'ai dit, vraiment, il faut que, parce que, qu'on me paye, et je promets que si je touche cet argent-là, je vais aller arranger la maison. Je veux cet argent pour aller arranger la maison. Et c'est ce qui s'est produit. Et là, on a donné l'argent. Maintenant, il fallait que tu obéisses à que tu accomplis tes vœux. Puisque c'est moi, j'ai fait un vœu, non? Et je les ai appelés, j'ai dit, papa, j'ai appelé, pour cette là, on dit que les mots, on dit chez nous que les mots ne sont pas bons. Vous là, regardez comment je joue. Et regardez la maison comment elle est. Je veux aussi que ton. Regarde comment la maison est. Regarde comment le terrain est. Il faut que je veux cette. Ce n'est pas pour. Je veux pour aller arranger la maison. Le reste aussi, je vais aider et tout ça là. Parce que regarde comment les lots sont. En fait, je vais demander le nom de mon frère, mais je ne vais pas comment. Enfin, regarde comment ils sont. Il faut aussi les aider et tout ça là. Mais ce n'est pas avec mon salaire. Et je n'ai plus d'hommes qui me donnent d'argent, de machin pour le tout pour aider. Mais je vais quand même aussi faire. Mais surtout, ce qui m'importait, c'est de faire la maison de mon grand-père. Et c'est ce que j'ai. Donc, 2012. Et quand c'est arrivé, fin 2012, comme ça. C'est là où j'ai pris. J'ai fait au moins. En une année, je suis allé au Cameroun 3 fois ou 4 fois, c'est-à-dire à aller. Donc, un moment entre-temps, j'avais quitté un peu Paris pour des raisons financières et tout ça, et puis du cœur. Et ensuite, je suis revenue parce que j'avais trouvé un travail de 6 mois, parce que comme ça n'allait pas, ça ne va pas dans ma vie, donc je ne trouvais plus de travail définitif. Et donc là, j'ai trouvé un poste de contact unique, déjà de responsable en remplacement de congé maternité dans une société américaine d'informatique à la défense. J'ai pas de travail, au moins ça je prends. Voilà. Je prends moi, mon niveau des cadres et tout financier, je suis bien payé. Donc, quand je suis payé, je travaille comme ça 6 mois. Au moins, même pendant 6 mois encore, ce que je touche des assédics, ça me permet encore de. Mais voilà, je voulais revenir encore pour me rebâtir. Et c'est là où j'ai pris l'appartement à Boulogne. Et j'ai pris un appartement à Boulogne et les appartements à Paris coûtent cher. Moi, c'est un problème. Et puis, j'ai touché cet argent. Donc, j'avais au moins. Voilà le redémarrage. Et avec de bons projets. Et c'est là où je suis retournée au Cameroun, j'ai appelé parce que tous les autres soins étaient finis, j'ai appelé mon frère, j'ai été en contact, et puis ma soeur, j'ai dit, voilà, je viens, qu'est-ce que vous voulez faire? Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce qu'on peut faire comme vous qu'est-ce que parce que Comme tous les gens comme réalisation. qu'est-ce que tu veux faire comme réalisation? Qu'est-ce qu'il y a à faire? Qu'est-ce que je veux faire? Si je peux aider, j'ai. Voilà. Et je suis allée, elle me dit. Voilà, moi je veux faire autour de plantation. Je dis, tu connais les plantations. Et puis à Douala, elle veut faire des tours de plantation. Et moi, parce que je ne veux pas les trucs qui vont s'engager, tu sais, parce que j'étais très sérieuse. J'ai dit, tu connais les plantations. Ah, tu sais, il y a les gens qui font. J'ai dit, moi, les gens qui font. Comme je connais mes frères de Douala, là. J'ai dit, par exemple, ce n'est pas toi qui vas aller mettre la main parce que. Les épisodes que j'ai passés entre-temps, parce que le terrain de l'axe lourd, avec la maison que j'avais déjà construite dessus. Il y avait une maison de 300 machines, les mini-villas là. Ces gens-là, ils ont vendu l'argent. Mon pauvre terrain, moi j'ai acheté, j'avais l'argent, ils ont vendu et ils ont bouffé l'argent. Sans même en parler. Voilà, Donc, ça c'est vraiment. il y a de quoi, il y a une série d'accumulation des révoltes en toi dans. Exactement. Ça fait aussi une partie de révolte en moi parce que ils m'ont beaucoup trompé. Et puis, bon, malgré ça, je ne suis pas rancunier, malgré ça, je veux encore aider. Mais sachant que, comme ils n'ont déjà pas pu faire, il y a déjà plein de trucs comme ça qui sont passés, je ne veux pas qu'ils aillent dans le feu. Chacun me tombe, je demande à l'autre. Bon, ma police, elle a sa vie, elle vit bien, elle fait ses. Elle me demande de faire une mannequin, après, elle a son agence et tout. Mais c'est plus mes frères qui. J'ai mes deux frères qui me préoccupaient, quoi, tu vois. Et donc, je rentre, à l'autre, je lui demande, bon, les vacances se passent bien, je passe toujours 10 jours. Là, maintenant, je reste plus longtemps comme avant un mois. Je passe 10 jours, c'est bien. Et quand je reviens, c'est dans mon plan. Et puis, je leur dis, voilà. Et je vais écrire, on est en contact par email, par Skype et tout. Je dis, on va mettre, il faut faire du vin, parce que le vin, au moins, c'est une boutique et tout. Donc, je leur ouvre une La boutique boutique et de tout vin, ça. Mais une cave. Je fais une table de vin, j'ai dit on fait l'exploitation. J'ai cherché, je me suis arrangé ici, c'est du boulot, vraiment. Créer la société, j'ai envoyé l'argent pour qu'ils créent la société au Cameroun. J'ai dit je ne veux pas votre étude, ne faites pas l'étude du marché qui n'est pas déclarée. Va aux impôts. Hein, les impôts, là, c'est l'argent. J'ai dit c'est combien? 100, 175 000. J'ai envoyé 200 000. J'ai dit voilà, tu vas faire, va aux impôts, déclare la société, même si ce n'est pas 175 000, parce que je sais toujours qu'ils rajoutent toujours un peu. Hein. Bon, moi-même, un peu plus leur peu là. Tu Bon. ajoutes encore, oui. Il faut, n'est-ce pas, non? Moi, je le sais, parce qu'ils pensent que nous, on en Europe, on est bête. Quand je donne la somme, là, ils rajoutent toujours quelque chose. Ce n'est pas la somme qu'ils vont dépenser. Mais c'était quelque chose de très, très bien de déclarer avec les papiers et tout. Et il a tout mis à son nom. Il a tout mis à son nom. Voilà. Mais c'est bon, c'est l'une des choses que tu cherchais dès le départ, que quelqu'un cherche à faire quelque chose pour permettre de te libérer. Voilà. Exactement. Je lui ai fait aller. Et je demande à l'autre, parce que comme ils sont deux, je dis, mais tu peux pas faire un et le second. Je dis, bon, toi là, le dernier, le fils, c'est le plus jeune. Je dis, petit, toi, qu'est-ce que je fais? Bon, et il veut faire un taxi, il veut taxi, parce que lui, il conduit, il a toujours aimé. Il a laissé l'école en quatrième, je sais pas, mon frère. Il aime toujours travailler. Il dit, non, moi, je laisse l'école parce que je veux travailler et tout et tout. Et il a commencé déjà à être chargeur dans les voitures et tout. J'ai payé j'avais envoyé pour payer son permis. Après, j'ai payé la licence de taxi et tout et tout. Il est taxi, c'est-à-dire que, oh, officiel et tout. Je dis, je ne veux pas les trucs de derrière que vous allez faire. Il faut ceci, tu donnes 500 000, tu envoies, je dis, tu vas payer 500 000, tu vas prendre ta licence de ça et tout. Et donc, du coup, pour faire ça, je suis revenue. Et donc, à un moment donné, je faisais les allers-retours parce que j'allais contrôler quand même. Je suis revenue en France et c'est là où je pars en Belgique. Je contacte une copine, Bamileke, qui vit en Belgique. J'ai dit, bon, je dois venir. Je vais chercher une voiture à envoyer au Cameroun. Et j'ai acheté donc une voiture. Elle m'a donné son frère. Parce qu'il faut, comme on dit, en fait, un témoignage aussi, c'est rendre hommage. Parce que quand les gens t'aident aussi, il faut aussi le dire. Je n'ai pas fait ça seul. Et elle dit non, ça tombe bien. J'ai mon frère que j'ai fait venir au Cameroun. Et il connaît les endroits là, il peut t'aider. Et c'est son frère qui marchait. Parce que moi, je ne connais pas la celle de les parties business là. Je ne connais pas. Moi, j'ai passé par là. Et donc, son frère m'a amené en Belgique, là où on vend les voitures, il m'a fait, c'est lui-même qui négocie, on a fait plusieurs garages et finalement on a trouvé, mon petit frère avait donné Mazda avec le numéro, bon moi les voitures là, je ne connais pas. Donc dès que je n'ai, si bien qu'à un moment donné, le vendeur, je lui ai dit, mon frère, je l'ai appelé, je lui ai dit, tu parles avec lui et tout, est-ce que c'est vraiment ça? Parce que je veux pas prendre quelque chose. Et il me dit, non, c'est ça. Donc j'ai pris exactement les Mazda 92 là, il disait, je ne sais pas quoi, parce que c'est ça qui est bien à Douala et on peut les réparer facilement. Et c'est ce que j'ai acheté seule, tant que femme comme ça là. Je mets mon jean, je mets mon tout. Et j'ai fait charger, mettre les matelas dedans, Et avec le tout ce que ça comporte comme dédouanement aussi. les échos, parce qu'ils demandaient aussi, ah, tu mets l'équipement, ils m'ont mis dedans, non? Est-ce que ça va? Et donc, du coup, avec tout ce que ça comporte comme dédouanement, je paie l'élément ici, ça part. 3 mois après, ça arrive au Cameroun. Et j'avais envoyé d'abord une agence, 700 euros, 800 euros, 1000. Combien ça coûte? On me dit 1 million, 600 000, machin, et tout. Je dis, ah, bon, tant que ça pour une voiture, je dis, OK, ce n'est pas grave. J'avoue la moitié. Après, eux-mêmes, ça ne sort pas. J'ai dit, mais c'est quoi? Bon, j'ai dit, moi, je vais arriver là. Donc, je vais partir en décembre. Ça devait arriver là, maintenant. Jusqu'en janvier, c'est arrivé. Donc, en janvier, et pendant que. Et tout ça. Je suis allée au port, j'ai payé. C'est-à-dire, je n'ai même pas demandé l'argent que j'avais déjà envoyé pour dédouaner. Donc, j'ai un acte dédouané, j'ai payé le dédouanement. J'étais à 2 jours de retour. Et ensuite, la voiture est sortie. Après, il fallait faire les peintures, changer la couleur bleue en couleur taxi et tout. Donc, tout ça est fait. C'est-à-dire, j'ai tout payé, juste l'assurance et tout. Et, tout. Et mon autre frère aussi avait maintenant son taxi et tout. Voilà. Maintenant, Maintenant, il faut s'occuper de la. de la maison. Et tu as pris soin de la maison. Il veut que nous avançons à, une autre étape maintenant de la chose. Ayant fait le parcours de Marabout au Cameroun et en France, jusque-là, la solution de ton problème, tu n'as pas eu la solution. N'as-tu pas opté pour, parce que tu as dit, ayant compris que le Marabout de Bamenda, au nord-ouest du Cameroun, voulait de l'argent, voulait t'exploiter, voulait te prendre comme une source de BNP, où il pourrait Oui. facilement avoir l'argent. Alors, ayant pris la décision de ne plus jamais mettre de pied chez le Marabout, n'as-tu pas cherché du côté des pasteurs par rapport à la solution? Bon, pasteur, non, parce que j'avais essayé à Paris, une amie m'avait amené, me disait, ah, il y a un centre, elle est fréquentée beaucoup ça, il y avait d'abord le centre où il y avait les Nigériens, là, comment ça s'appelle? Les églises, là, ceux qui s'habillaient en blanc, là. Céleste. Les premiers, hein, les évangélistes, oui, un truc comme ça, non? Oui. Et il s'habillait en blanc avec les pieds nus là. Ah ben dans ce Donc, christianisme céleste. voilà. Ça, c'était ce qui chauffait à l'époque, là, à un moment. C'était les premiers problèmes. Maintenant, j'avoue, voilà. Oui. Non. Je l'avais déposé en voiture une fois. J'ai vu la loi. Moi, j'ai fait demi-tour. Je ne sais pas pourquoi. Elle me dit, viens et tout. Elle est passée même les nuits là-bas. J'avais bien fait finalement, il y avait des problèmes. Elle me dit, mais ah, même là-bas, là, mais vraiment, ils font des problèmes. La femme de ceci, du pasteur de ceci, c'est monté, c'est descendu. C'est elle-même Donc, qui est venue te moi, raconter alors. elle-même qui raconte, après, j'ai dit, ah, j'ai bien fait. Donc, moi, j'étais plus dans mon église catholique et c'est vrai que je priais beaucoup, j'entrais dans l'église catholique, là, je priais beaucoup dans l'église normale, quoi. Je veux dire, entre guillemets, que les autres ne sont pas normales, mais l'église normale. Mais elle a essayé, je suis allée au centre après parce que c'est toujours elle la même, hein, d'ailleurs, elle se reconnaîtra, elle m'a amené encore, elle m'a parlé. Parce qu'elle aussi, elle se cherchait, hein, Oui, chacun son elle allait de histoire. mieux en lieu aussi, comme tu allais de Marabout à Marabout aussi. Ben, ça, c'était avant, le Oui, Maroc, c'était pas ça. non, il dit avant, donc ça veut dire qu'elle fait le même parcours aussi avec les églises, comme toi tu faisais aussi là. Ben, là, c'était les églises. Je pense que elle aussi, quand on lui parlait qu'il y avait un truc d'éveil, bon, en fait, je ne sais pas, vous ne faites pas ça là-bas. Quand il y a un ami qui a quelque chose, il y a quelque chose, vous ne parlez pas qu'il y a quelque chose là-bas. Ici, ben nous, c'était ça. Elle me dit, ah, j'ai entendu qu'il y a un pasteur, il y a une église, un centre qui a ouvert la tienne. Je suis allée voir, bon, ça prie bien là-bas, je vais y aller. Bon, moi, la différence, c'est que je travaillais. Donc, quand tu travailles, tu pars le matin à 2h, tu rentres à 2h. Ce qui fait que ça t'occupait, tu n'as pas le temps pour pouvoir volatiliser dans d'église en église comme ça. Et puis, mon métier. Oui, elle ne travaillait pas, donc autant de temps toute la journée. Bon, moi, et puis à un moment donné, bon, j'avais que soit mon week-end. Et d'autre part, même que j'avais essayé de sortir du bureau à midi, parce qu'elle me dit non, et puis il y a la messe entre 13h et tout. Je ne sais pas, je sais oui, parce que c'est mon instinct, c'est tout. Je suis allée une fois. Ah. Je me dis, j'étais debout, j'écoutais, je vois comment ça se passe. Dans un centre, c'était maintenant le 18e ou 19e, là-bas à Paris. Je ne me sentais pas toujours bien. Et quand je sortais là, en rentrant, je passais toujours par mon église catholique. J'allais à l'église catholique, je dis, je me sentais bien là-bas. Oui. Donc, et j'ai réessayé encore une deuxième fois. Et là, je suis allée, j'avais donné, d'ailleurs, par le rendez-vous, elle était là. Et elle me dit, non, il faut venir parce que toujours là aussi, entre-temps, j'ai changé au moins trois boulots. Hein, et de bons boulots, au moment où j'étais, on m'avait nommé directrice financière d'une bonne société d'assurance. Mais il y avait toujours quelque chose qui n'allait pas. Elle me dit, maman, toi, depuis avant, tu n'étais pas connue. Mais maintenant, là, tu as un boulot, ça reste pas, t'as tous les problèmes. Viens, on va prier et tout. Et donc, je suis allée dans ce centre-là. Et là, il y avait des Brésiliens, il y avait. Avec leur accent, c'était les Brésiliens ou les Antillais. Moi, les prêches là, la première chose, on te fait déjà t'asseoir là-bas, là au milieu. Et je déteste. Quand j'arrive, je ne pas dans une église, on te choisit les chaises là. Oui. Je n'ai jamais. J'arrive, il ne faut pas, laisse-moi choisir ma chaise, ne me choisis pas la chaise. Donc, on avait déjà choisi, hein, tu vas placer là-bas, là, un peu en hauteur, donc le pasteur là, est là, oui. Donc les chaises des responsables. Moi, je ne connais pas, c'est la première fois que vous venez, tout, donc, parce qu'elle a dit, moi, je lui ai demandé un peu, j'ai dit, tu m'as dit que je travaille avec ma fille, il fallait rien le parler. Oui. Non, j'ai rien dit, j'ai dit, ok, je n'ai pas que ce n'est pas grave. Après, je n'ai pas trop senti. Et puis, lui-même, il me regardait comme ça. Il sentait. Tu sais, hein, ça se voit hein, quand la personne est réticente là. Oui. C'est, pour moi, ça ne me correspondait pas, en fait. Mais je l'ai déposé bien volontiers. Sa maman était venue, j'allais le déposer. Même quand ça a changé, ça change d'adresse. Je rendais service, j'allais déposer. J'allais, il y avait l'église catholique. Il y a des endroits, des Européens, quand on connaît Paris, où on peut aussi bien prier, j'allais le jeudi soir, c'est-à-dire que c'est le soir vers 17-18 heures, une fois par semaine, et où il y a aussi la messe normale. Il y a certaines églises qui sont très, très bien. Toutes les églises ne sont pas pourries. Hein. Et moi, quand j'allais dans ces endroits-là, et j'ai eu justement dans un des endroits, dans une église-là, à une des messes, et j'ai même fait le témoignage parce que j'ai raconté au prêtre comment j'avais été guéri là-bas. Oui. J'ai senti la présence du Saint-Esprit là-bas. J'avais amené ma petite sœur qui était en France à ce moment que j'avais fait venir en France avec moi, qui est rentrée au Cameroun. Oui. Elle aussi, elle-même aussi, elle avait senti. Donc, il y a des endroits et tout catholiques, mais qui ne sont pas très... Tu verras, tu vas passer devant, te dire que c'est dans une église, tu vas regarder ce moment. Il dit, hein, là, là, c'est comme ça. Ça n'est pas une église qui brille, hein. Oui. Il y a des églises qui brillent, tu vois l'or partout, là. Oui. Mais ça, là, c'est pas une église qui brille où on voit l'eau, il y a des trucs. J'ai dit, tu passes devant, il y a même les clochards. Oui. Qu'est-ce qui t'a attiré dans l'église catholique? C'était la tradition familiale ou bien la convenance du cœur? La convenance du cœur. Convenance du cœur est l'heure rituelle et puis instinctivement. Oui. Et instinctivement, et que par deux fois, trois fois, chaque fois que j'y suis allée, j'étais une fois pour demander. J'avais prié dans une église à hauteur dans le 16e. Et j'ai prié, non mais je dis, prié, hein, seul, j'avais pas de pasteur, moi je vais pas voir ça, j'ai prié, je suis allé, j'ai mis mes genoux, j'y allais, je mettais mes genoux devant les yeux de Jésus, là, je priais, tout ce qui m'arrivait, je priais, si c'est pour le travail, je prie, je l'avais, quand je passais dans tout ça, j'avais, et là j'avais prié, quand j'avais rencontré, mon mari, là, j'ai dit, je l'avais rencontré. À un moment, quand il venait vers moi, bon, il faut dire qu'à ce moment-là, j'avais un autre, parce que j'avais deux, il fallait choisir, donc du coup, à un moment, j'ai dit, Seigneur, parce que j'ai dit, toi, tu es Jésus-Christ. Ceux qui te connaissent, te connaissent. Mais moi, là, je vois, mais si tu dis, je suis ton enfant, je peux un mari. Si lui, là, si c'est lui qui l'aime, il est mon mari. Que celui qui est mon mari, là, c'est lui que je veux voir en premier. Je sors de l'église, papa, ce monsieur-là, il m'appelle. Et alors, tu dis quoi? Tu as dit que c'était, que c'est lui là-bas. Mais j'ai dit que c'est lui. Et plus tard, la Bible dit que ce que Dieu donne comme cadeau ne fait suivre d'aucun chagrin. Par la suite, il y a eu des peines, des divorces et autres. Qu'est-ce que tu peux conclure par rapport à cela? Mais là, maintenant, je ne sais pas, parce qu'il y a eu justement. Je ne sais pas, je pense que justement, il y a eu la main de l'homme qui est venue se mettre au milieu. Mais non, parce que non. Oui. Ce qui est venu là-dedans, parce que pourquoi? Parce que moi, je n'étais pas. Comme maintenant, je n'étais pas trop. Parce que tu sais, parfois, Dieu nous donnait. Après, là, on l'oublie. Et effectivement, tu vis bien. Après, tu oublies. Même la messe, même, je n'allais plus. On disait bien, tu montes, tu descends, tu fais des choses. Voilà. Peut-être que lui aussi s'est senti abandonné. Il a laissé faire. Il dit, bon, voilà, je te laisse là, alors qu'on te corrige. Oui. Je ne sais pas. Mais je pense quand même que là, oui, tu ne peux pas me dire le contraire que. Sincèrement, je dis, bon, voilà ce que j'ai ressenti. Et une autre fois, j'ai été guérie et j'ai fait même le témoignage. Le témoignage, je l'ai fait au prêtre et il avait mis il m'avait témoigné devant la, parce que j'ai dit devant l'assemblée. Oui. Donc, à l'église et tout, il a cité mon nom et dit, voilà, moi, ce que j'étais. Et je dis bien que j'ai été guérie. Oui. J'ai été guérie de fibromes dans cette église-là. Oui. Il n'y a pas à dire, c'est-à-dire, j'avais le sang à un moment donné qui coulait en permanence. Les femmes. Tu es un homme, c'est pour ça, ça c'est le truc aussi, quelque chose qui est difficile à parler, parce que c'est un problème de femme, quoi. Bon, dans ce cas, ne parle pas, si c'est un problème de femme, ne m'en parle pas, alors. Il faut aussi reconnaître, j'ai été guérie. Amen. Ce n'est pas, on voulait m'opérer, on voulait m'enlever le virus. Oui. J'étais sur le point de rendez-vous et je suis allée à l'église. On appelle les prières de malades. Et moi, je n'allais même pas pour prier pour moi. Hein. Moi, je laisse à ce moment-là où j'avais des problèmes avec la famille, avec ma mère. Je dis, ouais, il faut que tout ça là, que ces problèmes cessent. Je priais beaucoup pour ma famille, pour qu'on revienne comme avant. Je suis fait. Les tablettes, ce que le médecin m'avait fait, les rendez-vous et tout ça, tout était fini. Jusqu'à aujourd'hui, je suis revenu normal. Je suis allé voir le juif là, mon médecin, mon gynécologue. Et il m'a regardé, il m'a passé toutes sortes de scanners. Il me dit, c'est pas possible. Il me dit, qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous avez fait? J'ai dit, j'ai rien pris. Il me dit, comme il est juif, là, parce que les juifs là aussi, là, ils sont. Il me dit, mais vous êtes allé chez vous. Je dis, ça veut dire quoi, docteur? Je suis allé chez moi. Moi, je suis à Paris. Il me dit, non, parce que tu sais, chez vous, il y a les écoles, il y a ceci. Est-ce que tu as une école? Si tu as, tu peux m'en donner un. Il m'a dit ça. Oui. Il voulait tester pour savoir d'où la guérison était venue. Exactement. Si j'avais pris un traitement. Et je lui ai dit non, j'ai pas pris de. J'ai dit non, j'ai pas pris de traitement et tout ça. Bon, en tout cas, je vous l'aurais dit. On a regardé, plus rien. J'avais le sang, j'avais mes échos d'avant et d'après. Et juste aujourd'hui, plus rien. Alors on dit quoi? Que Dieu n'existe pas. Il existe. Voilà. Et ce signe de Dieu, que Dieu t'a guéri là maintenant, qu'est-ce que ça t'a poussé? Ça t'a poussé à te connecter davantage à lui ou bien de t'en éloigner ou bien Non, mais j'y étais. Attends, après j'y allais moi-même. Non, je dis t'es connecté à Dieu. Il ne parle pas de l'église, je parle de Dieu. Qu'est-ce que ça t'a poussé? Qu'est-ce que ça t'a donné dans ton cœur par rapport à Dieu alors? Je n'ai, en fait, parce qu'on a besoin, j'ai dit quelqu'un, peut-être que j'ai besoin de. Il faut des guides. Il faut des apôtres, il faut, je ne sais pas comment, il faut des messagers. Parce que, pas moi-même. Parce que justement, j'ai essayé. Le faire soi-même aussi, c'est dangereux parce que j'ai essayé. Après, je priais tellement. Essayer de faire seul parce que tu es à Paris. Tu vas dans la messe. Le problème aussi, c'est que ces églises-là, les prêtres ne parlent pas. Ils ne sont pas proches des gens. Ce n'est pas pour rien que les gens vont aussi dans les églises d'éveil parce que les pasteurs sont proches des gens. Dans ces églises, tu vas, tu fais ton truc, tu vas, tu écoutes, tu fais. C'est-à-dire, c'est des rituels. Tu ne parles pas. Moi, j'ai même essayé plusieurs fois. À part la fois là, le prêtre, il m'avait parlé. Et encore, il y avait même le diacre qui voulait nous barrer la route comme un président. Hein. Oui. Mais j'ai dit, mais attendez, je veux parler au prêtre parce que j'ai un témoignage. Ah, dès que j'ai dit témoignage, oh, tout de suite. Là, ils ont écouté. Oui. Sinon, ils ne sont pas proches. C'est ça qui tue l'église aujourd'hui. Ils ne sont pas proches. Okay. Et du coup. Donc, il n'y a pas la proximité entre le conducteur et les brebis. Voilà. Et même s'ils sont bons. Mais donc je me suis mise à prier, c'est-à-dire me connecter donc avec Dieu. J'ai tellement remercié. Ça là, cette histoire, je pense que tout le monde, tous mes groupes, j'ai raconté comment j'ai été guérie et tout ça. Mais je priais tellement aussi chez moi à un moment donné que un jour j'ai entendu des voix. Et ça là, mal, j'ai fui. Raconte-nous. Non, j'ai entendu. Ce n'est pas comment. J'ai entendu parce que j'étais. Et c'était vers décembre 30, mon nom, le 25, 24, 25. J'ai prié. Puis j'entends, c'est comme si elle entendait ce que Dieu m'entend, et c'est intéressant. Et puis j'entends ça en droite. Je regarde, je dis, ah, j'ai pas laissé la télé allumée là où la radio. Ça, c'est la première des choses. Je dis, mais quand j'ai la radio, la télé qui allume. Je me remets à prier. Et la nuit, j'entends comme si j'entendais, oui, j'ai dit j'entendais une voix. Et aujourd'hui, je ne veux pas raconter ce qu'on m'a dit, ce que je t'ai dit. J'ai seulement entendu que, ah, elle entend ce qu'on a, on dit. Aujourd'hui, je me suis quand même, sauf que moi, je suis une peureuse, mais j'étais tellement peureuse. Ah, à 2h30, je suis sortie, j'ai pris, je suis allée voir le voisin. Pour fuir, parce que tu pensais que les gens étaient dans la maison. Oui, parce que j'ai entendu les voix. Donc, du coup, j'ai stoppé. Je ne voulais plus prier. Je ne voulais plus prier. Et je ne voulais plus prier. Ah non, je n'ai pas touché la Bible pendant. Oh, je ne sais plus. Hein. Moi, ma vie, ça y est, j'ai tiré un tiroir, je l'ai rangé. Et puis, de temps en temps, j'allais à la messe. Bon, j'allais à la messe et j'écoute et je rentre. Et voilà tout ce que je faisais. Voilà. Et comment tu es arrivé sur moi? Alors, je suis arrivée sur toi étant ici, en ayant suivi encore par hasard, parce que ce n'est pas quelqu'un qui m'a indiqué quoi que ce soit, que j'ai vu une de tes vidéos, de tes enseignements sur YouTube. Oui. Et un hasard, Mais il n'y a pas de hasard dans la vie. Comme on dit, il fallait que je se rencontre, en Oui. fait. Parce que par la suite des événements, là, c'est le plus faux. Donc, du coup, il fallait que je te rencontre. On va dire ça comme ça, parce qu'il n'y a pas de hasard. Je cherchais, comme on navigue sur YouTube. Et moi, j'étais, à un moment donné ici, j'étais dans la phase où je voulais faire la méditation. Justement, Oui. le besoin est venu que je voulais me reconnecter à Dieu. Oui. J'ai d'abord cherché comme une église et tout ça. Je regarde, je dis, bon, je ne trouve pas. Et quand tu es seul, tu dis, ben, comment tu fais? Bon. Et je vais sur YouTube. Hein, vidéo, tu sais, une vidéo amène d'autres. Et pourtant, je regardais plus les vidéos de Nollywood, les films nigériens, africains. C'était mon époque Nollywood. Je regardais Oui. ça, là, grave. Oui. Donc maintenant, j'arrive. Parce qu'il y a des époques comme ça, là. Oui. Pendant moi. Donc tous les films d'Afrique et tout, comme on était, mais à un moment donné, j'ai cherché l'étude sur la méditation. J'ai dit, bon, il faut que je médite pour me reconnecter à Dieu, en fait. Et du coup, j'ai ressorti, j'ai même ouvert mon carton, ressorti mes Bibles, parce que je les avais rangées, hein, Oui. depuis l'épisode, je les avais rangées, je ne pouvais plus les. Et donc, j'ai pas mal de livres spirituels, donc du coup, j'ai sorti. Bon, pour me reconnecter, et à un moment, donc sur YouTube, je vois une vidéo. D'abord, Bamba Iba témoignage. Je dis, ça c'est quoi ça? Déjà, Bamba Iba, c'est quoi? Je dis, ah, Burkinabé ou Malien, oh, je veux pas regarder des trucs comme ça là. Oui. Mais, je passe. Mais je reviens encore. On ouvre, non? Oui. Et je me mets à écouter. Et je t'entends. Oui. Je t'ai entendu. Oui. C'est-à-dire que c'est comme si j'étais ce que j'ai continué, parce que c'est quelque chose que tu sais, on zappe, tout le monde a zappé. Oui. Tu zappes et puis, normalement j'allais sur autre chose, écouter autre chose. Mais là, je suis resté jusqu'au bout. Oui. Donc c'est quelque chose, non. Même si, bon, tu parlais, tu étais un peu dur, pareil du moins, et les premières vidéos, oui. Non, mais c'est vrai. Non, non, c'est vrai. En plus, c'était, il y avait un enseignement là sur les femmes, ça m'avait énervé. Non, mais tu n'as pas fait mon procès maintenant. Aujourd'hui, c'est ton témoignage, pas vrai? Ça t'a Oui, énervé. oui. Parce qu'il parle du aux femmes, c'est ça? Et c'est comme ça que je les ai connus. Et la manière dont tu menais les interviews, parce que j'ai écouté l'enseignement oui. au début. Et puis comment tu étais, comment tu avais aussi raconté sur une, comment tu avais commencé avec ta femme, comment tu priais, oui. que tu priais seul, tu avais prié dans ta chambre et tout, tu priais dans ta chambre seul et tout. J'ai dit, et tout ça. Donc ça m'avait aussi quand même impressionné. Oui. Et là, on a les gens qui arrivaient. J'entendais dans ce moment comment les gens arrivaient. Bon, le bruit. Comme on dit, c'est le début, comme le début de la personne. Oui. Et puis, d'autre part, les témoignages oui. qu'il y a eu. J'ai dit, voilà, il n'y a pas de vidéo, il n'y a pas de truc. Et il y a eu, d'abord, le premier témoignage que j'ai entendu, c'était celle qui était à Yaoundé. Oui. Je pense que c'est Mélissa. Oui, Mélissa. Le Son témoignage aussi, donc c'est aussi long que le mieux, la 3. Il y a trois vidéos, je crois. Oui. 3 heures ou 4 heures. Et donc, du coup, j'ai écouté et la manière dont ça s'est déroulé et tout, les gens parler, comment ils expliquent. C'était bien parce que là, tu l'avais reçu. Et ils ont de la chance parce que c'est vraiment, c'est de visu, c'est vis-à-vis nous. On est loin, c'est pas les Il n'y a pas de problème. Dieu fait comme il veut, d'accord, ma soeur? C'est comme ça, hein? Et juste aujourd'hui, j'étais toujours écouté. Oui. Et là, tu écoutais en silence. Pendant combien de temps, peut-être? Ça dit combien de temps? Oui, pendant combien de temps? Comme tu as tiré la Bible, tu as pris la Bible du tiroir et tu t'es connecté à Bamba Iba. Ça fait combien de temps? Oui. Ça fait depuis. Attends, nous sommes. Alors, attends. Nous sommes en octobre. Non, depuis à peu près le début, bien avant l'été, depuis le début de l'année ou l'année dernière. Oui. Et là, tu vois le nom Bamba Iba et la personne que tu entends, ce n'est pas Bamba Iba. Qu'est-ce que ça t'a fait? Non, ça fait bizarre, hein. Ça fait bizarre, parce que ça fait un choc, parce que je me suis dit, ah, Bamba Iba, pourquoi, et tout. Et donc, au début, quand même, quand on suit tes vidéos, C'était moins fréquent que maintenant. Maintenant, tu mets régulièrement. Avant, c'était Espacé. espacé. Oui. Et il n'y en avait pas beaucoup en même temps. Donc, les premiers, là où on commençait à imaginer avoir la personne qui était derrière, c'est quand il y avait qui parlait, justement. Je ne suis pas la seule, il y en a qui sont venus dire, mais on ne pensait pas qu'il était jeune comme ça, mais c'est lui-là. Il y avait le jeune qui avait son père qui l'a amené dans le satanisme, là, son Oui, témoignage. ça c'est les réalités du monde spirituel de Satan. Voilà, le titre de vidéo. Et puis, bon, la fille, elle n'avait pas fait de remarques. Et puis, il y a d'autres gens, il y a aussi un papa, et puis même une maman. Mais enfin, on fait des remarques sur le fait que tu es jeune et tout. Et aussi, franchement, tu as quelque chose. Tu as quelque chose que quand tu prêches et quand tu es mis à chasser l'esprit, là. Moi, si là, j'ai ressenti quelque chose qui m'attend, le gars, là, il est fort, hein. J'ai dit ça, hein. Alors que c'est pas sur toi qu'on en est de prier. J'ai dit non. Non, c'est pas sur moi. J'ai dit vraiment, le gars là est fort. Et justement, suite au témoignage, là, j'ai écouté les témoignages, il y a eu des témoignages successifs. S'il y a un monsieur qui est un homme libre, mais il m'a fait peur son témoignage parce que j'ai d'abord arrêté un moment, j'ai regardé partout. Il est à la mer, il a évoqué, je ne sais pas quoi, il a Oui. donné le parfum. L'esprit, ça c'est la deuxième partie de ce même enseignement réalité, le monde spirituel de Satan. Celui-là qui allait à embourdi de main et l'esprit est sorti. Oui, il y a eu d'autres, il y a eu celui-là, mais il y a eu un autre aussi, où c'est un jeune, c'est son père, je n'aime pas trop des trucs comme ça, son père l'a utilisé, et ils sont Oui. retrouvés au Au Bénin, Bénin, oui. et tout, les grands hommes de Yaoundé, là, Oui. hein, et il était, après il a été dans un couvent, et tout, il a été pourchassé par des démons, et tout, avec, Quand tu tu suivais ça, vois, c'est quand même... quand tu suivais ça, tu pensais que c'était le film. Mais il y a eu des moments, hein, moi j'ai cru que, je me dis, attends, ça c'est tellement trop énorme que c'est du cinéma là ou quoi? C'est pas vrai, ce n'est pas la réalité. Non, mais ce n'est pas la réalité. Parce qu'au début, oui, première aussi vidéo, il y a une là qui est restée longtemps, c'était sur Ekankar, le jeune qui parle, qui s'appelait dans le truc Ekankar. Oui. Là, je connais parce que j'ai ma famille là-bas là. Qui est dans les cancans? Non. Donc, de me l'avoir eu, et là, là. Et eux, là, je les connais. Oui. Parce que, bon, je connais. Oui. Et donc, quand j'ai donc, du coup, j'ai pris la vidéo, là, parce que je l'ai partagée avec copine. J'ai dit, tu te souviens, tiens, regarde, c'est ça, c'est ça. Et bon, lui, il ne dit pas trop son nom, machin, tout, mais on comprend, là. Oui. On connaît. Oui. Donc, comme on dit, c'est les gens que je connais, surtout qu'il est allé à Bodendale et tout ça, là. Et donc, du coup, et ça aussi, à un moment donné, tu te dis, c'est exactement dans ce qu'il raconte. Il a raconté à mon père, ça m'est venu à mémoire, ce que moi j'ai vécu ici. Et tu disais que ce qu'il avait vu à la télé. Et puis, il se retrouve à la maison et puis il était bon. Lui, là, il pratiquait, donc il a commencé à pratiquer. Et moi, maintenant, j'ai dit, mais c'est maintenant que je dis que donc c'est vrai. C'est vrai, ces choses-là. Mais j'ai dit, wow, j'ai dit que les gens rajoutent pour faire durer la vidéo, pour faire que ça gonfle, pour monter, pour donner l'importance. Oui. Je te jure, et c'est ce que je pensais, Oui. que ils en rajoutent quoi, pour que la vidéo soit intéressante. Oui. J'ai dit ça, j'ai pensé à ça, j'ai dit bon. Même quand j'ai forwardé, même je l'ai Transmet, transféré oui. à tout, je lui ai dit, bon, écoute ça, mais bon, tu sais, il n'y a pas, hein, prends ce moment à prendre. Oui. Et pourtant, maintenant que j'ai vécu, que je vis, j'ai vécu quelque chose tout un peu similaire. Oui. Et ton conseil, moi j'écoute, hein, il y a certains trucs, peut-être que pas tout, on ne peut pas tout retenir. Oui. Sache, tu avais donné un conseil un jour dans un de tes loges, je ne sais plus où, c'est toi qui l'as dit. Oui. Que je vous dis seulement, oui, c'est ta façon de faire. Quand tu étais en train de prêcher, parce que là, tu n'étais pas témoin. Bon, je vous dis, où c'était l'image qui te vient comme ça, puis tu dis, je vous dis, méfiez-vous des téléphones. Hein. Je vous dis seulement, ah, je vous dis seulement de méfier des téléphones. Ce jour-là, tu sais que ça m'avait choqué, j'ai dit, le gars, il est en train de. Et il est en train de faire l'enseignement de prêcher sa part. Et maintenant, là, ils sont les gens méfiés des téléphones. Ils ne savent pas qu'on est dans l'époque moderne. Comment on fait ça pour méfier des téléphones? Et dans la prédication, je me suis arrêté. J'ai dit ces choses-là alors que ça n'avait rien à voir avec la prédication. Et puis j'ai avancé. Exactement. Et ça m'a. Mais que le Seigneur me pardonne. Je te dis que c'est parce que j'ai vu ce que ça dit que c'était vrai. Et tu sais que j'ai pensé à toi, entre parenthèses, ça c'est pas une manière vraie de témoigner. Il y a tant de trucs que Déala est arrivé. Tu avais parlé de tout qui arrivait au Cameroun et puis tu ne voulais pas trop en parler. J'avais écouté un de ces. Tu étais en train de parler, toujours en train de prédire, de faire tes prédications. Et puis tu dis, bon, je vous dis vraiment, c'est grave. Tu arrivais, tu étais même énervé. Tu dis, vraiment, c'est grave ce qui se passe ici au Cameroun. Là, il y a trop de sang, il y a ceci. Mais vraiment, c'est grave. C'est grave. J'ai dit, mais le petit, là, lui, là, il est mal réveillé au cas. C'est comme ça, là, il est mal réveillé. Commencer sa prêche là, franchement là, ça va encore durer une. Parce que je regarde les heures de Dieu, je dis ça va encore durer une ou deux, cela en train de demander. Le temps que tu demandes, bon, personne n'a de questions et eux ils n'ont jamais de questions. Ils sont là, je dis, mais il faut passer, fais ta application. C'est ça le problème. Donc, je leur demande souvent, oui, est-ce qu'il y a des questions? Personne n'a des questions. Tu attends, tu attends. Parfois je dis, je suis seul, mais ça m'amuse, mais c'est une façon aussi, ça m'occupe. Hein. Comme je suis maison, je dis, ouais, attends au moins 5 minutes, je dis, mais. Ah. Faut commencer d'abord. La personne n'a de questions. Et puis quand tu le poses, il parle tout doucement, tu as du mal. Et puis parfois même tu le leur dis, mais je vous fais peur. Mais c'est quoi? Tu le fais vraiment trop bien. Vous êtes trop, trop bien. Mais maintenant, c'est comme c'est de plus en plus, ça prend la forme et il y a les vérités. Et ce que tu désires, quand je voulais en parler dernièrement, j'ai dit, mais quand c'est arrivé, j'avais une personne qui était venue ici, là. Mais j'ai dit, mais attends, j'ai entendu ça. Mais il y a le jeune, parce que là, le petit, là, il avait dit qu'il y a des trucs qui allaient arriver au Cameroun. Mais tout. Mais c'est pas ça. Parce que tu n'avais pas voulu dire quoi. Tu dis non, j'ai Mais dit qu'on se va arriver, on va s'amener. dans un enseignement, quand même, j'avais dit prier pour le chemin de fer. Le chemin de fer, les ceux qui veulent pas le chemin de fer. Cela, tu avais suivi cela. J'ai suivi ce dernier mois, tu dis non, c'est pas fini, et tout ça là, qu'il y a enfin, il y a encore qui va encore arriver, donc il faut comprendre, il faut prier. Voilà. Et là où tu as exhorté le président de prier, j'ai dit celui-là, là, il veut la prison. Non, je ne l'ai pas exhorté, c'est un commandement. C'est un commandement. D'accord? Je ne l'ai pas exhorté. Oui, C'est un ordre. oui, vraiment, oui, parce que même la voix, ta voix avait changé. Je te dis, non. Écoutons, ta voix avait changé. C'est-à-dire que c'était impératif, donc c'est ça. Donc, moi-même, j'ai senti que non, moi-même. C'est bien que moi, je suis allée aussi à l'église, j'ai prié aussi ma part pour le Cameroun, là, j'ai dit vraiment que mon pays, là, qu'il arrive à s'en sortir Amen. parce que. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te Comment bénisse. dire, on laisse ma part. Je laisse ma part et puis j'ai prié pour le Cameroun. On avait prié, on a prié pour le Cameroun. Donc, voilà. Tu voulais Mon frère. parler d'un événement là. Il t'a dit, tu sais, moi il te suit à la loupe et il y a des choses qu'il ne veut pas seulement déclarer. Il y a des choses que tu as dit tout à l'heure. Tu as dit, lorsque j'ai parlé dans un enseignement parce que tu parlais de. Quand on raconte là, on a comme l'impression que ça c'est. On rajoute. Mais là, tu as en suivant quelque chose, tu as vécu toi-même quelque chose. Tu voulais raconter cela. Parlant de portable et autres. Oui. Alors, j'ai vécu un événement vraiment, et là c'était en septembre, et je connais la date, du 19 au 20 septembre, le matin du 20 septembre, donc, 2016, pour que comme les vidéos restent là et tout. Eh bien, bien avant, juste une parenthèse, le 20 avant que cet événement arrive, où c'était quand c'était arrivé? Ma mère avait essayé de me joindre jusqu'au jour, je ne sais pas pourquoi, parce que je n'ai pas pris de. En fait, elle m'avait appelé à 5 h du matin. Ou 4 h du matin, 4 h 30. Mon téléphone était venu, je regarde l'heure, je dis, ma tante, quand tu m'appelles à 7 h, c'est pour moi. À un moment, j'ai même dit, je dis, oh, s'il y a deuil, mais quand je raconte ça à ma famille, elle me dit, mais le deuil, là, même, ça ne peut pas attendre le matin, donc à 7 h-là. Après, j'ai essayé, elle est allée voir même une de mes amies, une copine que j'ai à trouver là, en ce moment-là, une. Même du moins qu'il m'appelle jamais, parce qu'on ne s'appelle pas, elle ne m'appelle jamais, elle ne sait pas utiliser le téléphone, donc elle a réussi à vouloir m'appeler. Quand elle m'a appelé, j'ai dit non, ça c'est trop grave. J'ai dit ça là, je ne prends pas, je ne sais pas pourquoi, instinctivement, j'ai dit je ne prends pas, je ne peux pas prendre, parce qu'en plus, il faut rappeler, et je n'ai pas de crédit, et ma mère, elle n'a pas de smartphone, en fait, elle ne veut pas utiliser le smartphone, c'est un peu difficile pour elle. Et donc, du coup, je n'ai pas pris. Donc, dès le soir là, devant ce qui m'est arrivé, je dormais, j'ai rêvé comme si j'étais attirée. Je me suis retrouvée comme dans une cabane. les cabanes africaines là, dans la brousse. Un monsieur, un vieux, il était assis comme ça, avec un couvert, il était assis, il me regardait, j'étais là, j'avais peur, et il faisait noir, noir, noir. Mais un. Et donc, un moment, pour fuir, j'ai voulu fuir de la cabane, pour sortir, mais c'est que dehors, c'était pire. Pour sortir, et j'ai vu les ténèbres. J'ai juste comme ça, j'ai vu les ténèbres. Oui. C'est-à-dire comme un Un mur mur noirceur. d'obscurité, de noirceur. Pas dans la réalité, c'est des ténèbres. Oui. Et je sens que ça m'attirait. Et donc, quand ça a voulu, et je me suis accrochée, c'est comme quand quelque chose, la porte est ouverte, tu t'accroches comme ça avec les deux mains. Oui. Mais ça m'attire comme si. Ça a aspiré, ça veut t'aspirer. Écoute, ça voulait m'aspirer. Si bien que mon corps s'est retrouvé à l'horizontale, Oui. comme ça. Un peu comme il y a un vent qui soufflait et que ça te poussait, comme quand Comme on ouvre ça. la porte de l'avion et puis ça fait là. Comme la porte de l'avion, exactement. Et donc, mes pieds se sont retrouvés vers le tunnel, et donc, ma tête était. Et donc, j'ai crié. Et à un moment, dans ce cas, j'ai voulu crier au secours, mais si c'est la voix ne sort Oui, pas. c'est Et que j'ai bloqué. crié au secours, et le moment où j'ai crié au secours, c'est que donc, mes pieds étaient peut-être vers le tunnel. Je n'en sais rien. Hein. J'ai Oui. dit peut-être maintenant, je ne sais pas. Donc, du coup, quand j'ai crié au secours, la voix ne sort pas. Et puis, donc, je touche, je veux, avec force, tu sais, là, c'est mon mouvement. Et là, je me suis, comme si je me suis réveillée. Mais ce réveil n'était pas un réveil normal, que comme je me réveille tous les jours, que je me réveille normalement, je me réveille, je vois le jour, bon, je me tâte et tout. Non, je m'étais réveillée, mais comme si je me retrouvais dans un autre monde. Oui. C'est-à-dire, j'étais entre deux. Je comprends, je C'est comprends. pas. Donc tu n'étais pas réveillé physiquement dans ton lit, mais tu étais réveillé dans une autre dimension. Très difficile d'expliquer ça. Et je me retrouve là. Et je sens comme s'il y a des trucs qui rentrent dans mes pieds. Oui. Plein de choses qui rentrent dans mes pieds. Mes pieds piquaient. Ça piquait et ça rentre. Et c'était comme les vers. Oui. Je dis les vers, ce n'est pas les vers, Oui, mais comme les verts, oui. pour donner l'imagination. Oui. C'est pour essayer d'expliquer. Et donc, ça rentre dans. Et ça est rentré par mes pieds. Oui. Donc, quand c'est rentré. Et là, comme quand c'était rentré, et tout était. Et donc, du coup, là, je me suis réveillée. Oui. C'est ça que j'ai dit, entre le rêve là Et où donc, je il y a me eu deux réveillais. réveils. Tu t'es réveillé, aller dans un autre monde avant de te réveiller physiquement maintenant. Exactement. L'événement qui s'est passé là, où les trucs sont rentrés dans moi, c'était pas le vrai, vrai réveil. Et donc là, maintenant, quand c'est tout rentré, et là, je me réveille. Waouh, je me dis, waouh, quel rêve, quel cauchemar. Je me sens bizarre. Et donc, du coup, j'enlève ma couette et je vois que mes pieds étaient dehors. Oui. En général, tous mes pieds sont détendus. Moi, Oui. je me plie. Mais là, c'était dehors, je peux voir. Et je me sens mal. Et c'est là où je sens les trucs marcher dans mon corps. Voilà. Maintenant, et pendant ce temps, comment était ton mari? Parce que ton mari vivait cela, as-tu su que tu... Il dormait. Lui, que si je me lève, que je marche même un peu pour le toit, il est réveillé. Lui, je fais ça, il râle parce que ça le réveille. Oui. Il dort comme une locomotive. Malgré que tu as allumé la lumière. Hein? Malgré que tu t'es J'ai déjà. réveillé. Lui à côté de Malgré tout toi. ça. Mais tout ce qui s'est passé, il n'a rien su. Il dormait profondément, qu'il n'a jamais dormi comme ça, comme une locomotive, je te dis. Okay? Juste un moment que il a tourné comme ça. Oui. Je dis, ah. Mais moi-même, comme je me suis réveillée, j'étais tétanisée Oui. de ce que je venais de dire. Tétanisée. J'étais tétanisée. Et le temps que je réalise, donc là maintenant, je commence à penser. Et la peur. Et là, j'ai commencé. J'ai eu une peur. Et une tristesse qui est triste. Et là, je me suis dit, ça y est, je suis finie. Parce que maintenant, réellement, de toi à moi, vivant, c'est-à-dire que l'être vivant comme ça, là. Oui. Tout sent les choses qui rentrent. Et donc, comme on était entre 5 h du matin là et 6 h, c'est-à-dire nuit, et puis comme ici en Europe, à ce moment-là, même à 6 h, il fait nuit. Donc, j'étais là, je me dis, qu'est-ce que je fais? Mais tétanisée, je ne peux pas bouger du lit. Je pense que je ne pourrais même pas soulever mes jambes. Mais je pense, tout ce que j'ai dit, je ressens. Et donc, je ressens tout de suite ce qui rentre là. Il y avait les gros, il y avait les petits. C'était plein. Et là, tu Plein. ressentais là cette fois-ci physiquement. Physiquement, Voilà. comme toi et moi là, on y a, je suis, et donc ça monte. Mais ça, du côté, t'as revenu juste du côté gauche. T'es venu. T'es venu plus du côté gauche de. T'es venu plus du côté gauche de mon corps. Oui. Le côté droit, t'avais du mal à monter. Pourquoi il y a aussi deux ou trois événements qui étaient passés avant dans la vie, c'est-à-dire j'étais allée faire, moi je faisais un peu la marche, le footing le matin. Avant, où c'était dans la même semaine là, j'avais eu, comme mon pied voulait se casser, Oui. en plein, pourtant il n'y a pas de trou, il n'y a pas de lieu que je fasse comme une entorse. Nantos, oui. Mais oui, mon pied a fait comme si j'avais fait une entorse. Et j'ai entendu, et même j'ai dit, ouais, Seigneur, s'il te plaît, il ne faut pas que mon pied se casse, mais j'ai un problème maintenant là parce que je suis en train de vouloir de faire mon travail. Et je marche, j'avais mal, mal, mal. Et donc, du côté gauche, hein, mon pied gauche, je suis rentrée. Et puis là, après, je suis revenue, je pensais normalement, c'était fait pour le truc. Entre-temps, je t'enverrai par WhatsApp deux images, Oui. photos de moi. J'avais eu des problèmes dans l'œil. Préparatif, c'est dit, avant cet événement-là, Oui. 2 ou 3 semaines ou 1 mois avant, c'était en été. Oui, parce que c'était l'été. L'œil gauche. À l'œil gauche. Oui. Là, le pied gauche, l'œil gauche, Oui. c'était déjà fait. C'était le signe avant l'événement. Mais bien avant, au mois de août, juillet, août, puisque ça arrivait à septembre, c'était juillet ou août, mais août. Ici, j'ai eu un problème à l'œil. Si je t'envoie une photo de l'œil, là, tu vas Ma filmer. soeur, je peux te poser une question. Il y a des derniers enseignements qu'on a postés, on a parlé dans les causes du divorce. Tu as suivi cela? Un peu, oui, j'ai commencé, Est-ce que tu as mais c'est pas. suivi? Est-ce que tu as suivi entièrement lorsque il tente de donner les problèmes des gens qui sont dans le monde entier? Il dit que voici une qui est comme ça, qui est comme ça, qui est comme ça. Je suis pas allée jusqu'au bout, je n'ai pas fini. Il va falloir que tu suives, d'accord? Donc, Je vais partir. C'est dans mes attentes. oui, je crois que ton cas également, on a mentionné cela là-bas. Waouh! Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Ah ben, tu Saint-Esprit sais de quoi? Dieu. Oh non, attends, je sais que je suis en Merci train de réfléchir Saint-Esprit parce de que Dieu. je sais que je l'ai suivi et il y a un moment donné, je me suis rendu compte de la page, j'ai dit non, c'est pas moi. Oui, parce que là-bas, à l'intérieur, il pensait qu'il y a quelque chose de mal, les choses marchent dans son. Ainsi de suite, ainsi de suite. Et il parlait de son mari, Oui. franc-maçon, ainsi de suite, c'est ça? Ouais. Oui. À un moment, je me suis dit, c'est pas moi. Bienvenue, c'est de toi dont il Je est l'ai question. écouté. C'est de toi dont il est question. Et tu avais bien tu as dit que la personne n'est pas ici. Tu as Oui. dit que la personne n'est pas au Cameroun. Waouh, merci Père. Merci Père. Vous allez devenir un à un, c'est bon là maintenant. Qu'est-ce que Dieu est en train de faire? Mais voilà, parce que le truc de franc-maçonnerie, là, justement, c'est ça qui m'avait aussi fait que. Parce que j'avais, tu sais, cette douane derrière. Enfin, bon, bref. Ah, mais alors, c'est bien, non? Donc, c'est moi. Comment? Ah, attends, maintenant, je dis, donc, c'est moi. Non, ce n'est pas de toi, c'est question de suivre ce que le Saint-Esprit de me montrer, ce qu'il a de me dire par rapport à cela. Donc, je suis juste étonné. Moi, je suis étonné de cet étonnement-là maintenant. Là. Tu Voilà. sais, au fur et à mesure, quand C'est tu pour ça parles, que j'essaie je d'entrer dans la chose que tu dis pour voir s'il y a, pas des choses que tu me caches ou bien s'il n'y a pas quelque chose que tu oublies. C'est comme ça que je fais. D'accord? Mais s'il y a quelqu'un de sincère, tu as été toujours sincère. Mais j'aurais souhaité parler d'une de tes Non. copines, d'une de tes copines, d'une de tes copines. Je crois J'ai que pas oublié, pas j'ai caché. comme l'impression qu'il a eu son homme. Son homme a été décédé. J'aurais souhaité parler de cette copine-ci. Ça, c'est une copine que son homme est décédé, mais elle n'est plus, elle a encore une autre personne. Une copine, oui. C'est-à-dire que la personne avec qui elle habitait, ça, parce que c'est pas le mariage, ça c'est pas le mariage. C'est pour ça qu'elle parle, Oui, c'est pour ça qu'elle parle de son homme. Son homme est décédé et maintenant elle avait une autre personne. Je lui souhaitais parler des événements autour de cette copine-là. Comme. Ah, ma copine. Oui, mais ça c'est une des Ok. copines. Je suis en train de penser à une là que je sais que son mari était décédé, mais peut-être qu'il y a une que je ne sais pas ou que j'oublie. Non, Mais ici je penserai quand même. la personne que je suis en train de parler, celle-ci n'était pas mariée véritablement. Quand il parle de mariée, ça veut dire que comme toi tu l'es. Donc. C'est une personne qu'elle a rencontrée qui commence à l'aider subitement. Bon, de toute façon, waouh, j'aime quand ces choses viennent de cette façon. Si, ça veut dire que c'est ton moment. Ton mari est absolument à la maison, c'est ça? Là-haut. Je te dis, il a les problèmes d'ordre spirituel. Lui-même, il est oppressé. Bon, comme il est allemand, s'il est cartésien, c'est que voici le moment où il va reconnaître que Jésus-Christ est Seigneur. Et toi-même, tu sauras que Jésus-Christ est Seigneur, véritablement. D'accord? Si on commence à prier là maintenant, est-ce que il va venir? Comme j'ai fermé les yeux, s'il entend, si j'ouvre la porte, peut-être qu'il va entendre. Ok, maintenant, cherche-toi un seau avec un peu de l'eau maintenant. Pour mettre un seau, peut-être tu peux jeter la poubelle dedans, hein, au cas où il y a de vomissures. D'accord? Voilà, cherche-toi un seau. Tu me reviens.